21h, bienvenue sur Indestar, c'est parti pour 2h de déconne dans le Fun Life du vendredi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout seul. Non, ça marche pas comme ça, Théo. Ici, c'est bonsoir tout le monde en incluant vous, ceux qui nous écoutez à l'instant sur indestar.fr. Le Fun Life du vendredi, bah ça commence avec une équipe plus que pas réduite cette semaine. On est beaucoup. On est beaucoup. On est tellement que tu ne sais plus compter en fait. C'est pour ça que je dis bien beaucoup. Parce que avant l'émission, il me dit ouais, on est 7. Alors bon bah moi j'ai préparé 7 micros, 7 casques, voilà. Et puis en fait, bah finalement on est que 6, mais c'est déjà beaucoup. Mais je vois pas de quoi tu parles. J'ai toujours dit qu'on était 6. Ça fait beaucoup, tu vois. Non, c'est vrai qu'avant l'émission, j'avais compté Pierrick qui normalement aurait pu être là, mais en fait il est parti en vacances. Il l'avait dit en plus à la dernière émission. Pour ceux qui nous avaient écouté, voilà, on avait parlé de pas mal de choses. Est-ce que vous vous souvenez, ceux qui étaient là, Mathilde, Vincent? Oh oui, je m'en souviens, oui. On a parlé de quoi la semaine dernière? Les vacances. Les vacances, bah justement, nous on part en vacances lundi, et oui. C'est pas tout. Quand on part en vacances, on fait quelque chose, on cuisine. Ou pas. Oh non. Attends, tu cuisines, genre t'es en camping? Tu cuisines. Et tu fais des confitures, quoi. Hein, on peut dire ça comme ça, ouais. Ah, ça dépend, il y en a qui vont au restaurant, il y en a qui... Non mais ça me rappelle une vieille publicité à l'époque, c'était pour des camping-cars, la marque Chausson. Chausson. Non mais Chausson. Chausson. Et dans un camping-car Chausson, c'était marqué, vous pouvez faire, mesdames... C'était marqué mesdames. Oh, vous pouvez faire vos confitures. Genre tu te barres en vacances, la seule chose que t'as à foutre quand t'es dans ton camping-car Chausson, c'est de faire des confitures. Voilà. Avec les fraises du jardin, du balcon du camping-car. Voilà. Exactement. Non, tu vas pas profiter de la mer, ça sert à rien. Fais tes confitures. C'est très bien les confitures. Hein. Oui, confiture, non, c'est pas du tout déjà misogyne. C'est ouais, pas, non. Pas trop pendant les vacances. Les hommes ne peuvent pas faire de confitures. Ah bah non, on sait pas faire. Il y a que mamie qui sait faire ça ou grand-maman, tu vois. Ça dépend de comment vous appelez votre grand-mère ou arrière-grand-mère. Mamie Josette. Ma grand-mère, elle sait pas faire de la confiture. La cuisine, c'était pas son truc. Moi, c'était nouilles avec, tu sais, surimi. Ah oui. Elle faisait que ça. Ah, que ça. Ouais. Ouais, non. Ça a pas l'air fou. Hein. Ouais, non, c'était pas fou. La confiture, c'était pas son truc. Ce genre de grand-mère qui la cuisine, ça n'est pas pour elle. Non, il y a des grand-mères comme ça. C'est rare. Ouais, c'est une espèce en voie d'disparition. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, donc, il se passe, c'est la cuisine. La cuisine. Et dans tous les sens du terme. Alors, on a fait, enfin, la communication d'Indestar, en tout cas ceux qui s'en occupent, ils ont fait un superbe post sur Facebook. J'arrive plus à retrouver exactement ce qui a été dit, mais c'était très subtil. Et Théo, est-ce que tu peux, tu t'en souviens, toi? Je m'en rappelle plus ce que j'ai mis. Bah bravo, parce que attends, là si je le recherche sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller checker ça sur la page Facebook d'Indestar. Vous tapez ça sur Facebook, vous allez trouver. Il y a aussi Instagram, le Twitter. Voilà, on est un peu partout. Tiens, en parlant d'Instagram justement, parce que là, si vous allez sur notre Insta qui s'appelle Indestar Radio, tout attaché. Vous pourrez trouver que c'est un petit peu mort. Non, mais vous avez le droit. Mais à partir de la rentrée, je peux vous dire qu'on va changer les choses. Et le compte Insta, il va être hyper rempli. Donc, faut s'abonner dès maintenant, comme ça, vous serez au taquet. Voilà, et vous n'aurez pas besoin de le faire après. Vous Exactement. Pourrez tout de suite dire, oh, c'était moi le premier abonné, et on fera peut-être gagner un cadeau à la rentrée. On est déjà 100, mais... Ah, merde. J'ai pas trop suivi, je vous avoue. Je serai le 101ème. Voilà. Ou la 101ème. En tout cas, ce qui a été très bien dit sur la communication pour l'émission de ce soir, c'est ce soir, l'équipe du Fun Live vous a cuisiné une émission gastronomique. On peut dire oui. Et non, mais les frontières culinaires ne s'arrêteront pas à votre palais. Ah, j'ai cherché tous les synonymes de ce qui pouvait se rapporter à la cuisine. Ouais. Voilà, donc le palais, mais pas que. Ouais. Et justement, on va en parler dans quelques minutes, quelques heures. On ne sait pas trop combien ça va durer. Déjà, on est parti, comme d'habitude, sur un format de 2h. Hein. Ouais. On est là à 21h, 23h à peu près. C'est un peu comme toutes les émissions, j'ai envie de dire, sur Indestar, généralement, s'il n'y a rien après, vous pouvez rester avec nous jusqu'à minuit. je vois large pour ce soir. Vous couchez tôt ce soir. Encore une fois, mais non, mais en même temps, c'est les vacances. Enfin, pour certains d'entre vous et ceux qui bossent demain, bon, bah voilà, vous pouvez faire une petite exception. Il fait trop chaud pour dormir, de toute façon. Ouais, exactement. Hashtag ouais. Courage Rémi, hein, moi je dis ça, mais ouais, puis moi je dis surtout, bah, tous ceux qui sont aussi au chômage partiel, écoutez-nous quoi. Et au chômage tout court, hein. Non, mais ça t'est dit, c'est toi qui es au chômage. Partiel, ça existe pas. Alors justement, un petit tour de l'équipe de ce soir, parce que vous entendez pas mal de voix féminines. Non, pas du tout, en fait. Presque pas. Un petit peu, mais surtout des voix masculines. Alors on a Théo qui est présent, toujours là, voilà, il parle beaucoup. Moi je parle beaucoup. Oui. Bon bah j'arrête de parler. Non mais c'est très bien, j'adore. Tu branches dans quel clan du coup, féminin, masculin? Pour toi? Ouais. Bah, toi, entre les deux. Androgyne. D'accord, transgenre, non, mais comme, transgenre. Comme ça, ça fait la parité. Ouais, ouais exactement. Trois voilà. filles. Tu as tendu la perche. Je l'attendais. Voilà. On a Mathilde avec nous qui était déjà là sur les dernières émissions aussi. Et oui, ça devient une habitude. Écoute, t'es une fille. Habitude. Mathilde, tu la ranges dans quelle catégorie? Ah, franchement, j'hésite. Hein. Égalité. Elle ressemble un peu à une bûcheronne, tu vois, genre une russe ultra musclée et tout. Elle te met une tatane, t'es couché. Non, pas du tout. Garçon, sympa. En vrai, Mathilde est très féminine. Je pense plutôt féminin du coup. Ouais, moi aussi je vote féminin. Ouais. Pour moi, évidemment. Je me rappelle de la soirée, t'en fais pas, où t'as été maquillée un petit peu transgenre. Je me maquille souvent, hein, ça arrive très souvent. Hein. Bah, justement, ça vous pourrez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment celle du Fun Live du Vendredi. Ah oui, il y a 2-3 semaines, on avait fait ça. Ouais. C'est ça. Oui, toi aussi, t'avais été maquillée, Théo. On a la vidéo aussi. Tu vas très bien maquillée et après, tu vas aller plus loin. C'est très compliqué. Mais tu vas plus loin, tu regardes mon profil, tu tapes sur indestar.fr, tu cherches un gars qui s'appelle Teddy, vous avez trouvé ma photo de profil. Non, on va pas te reconnaître parce que justement t'es habillé en fille quoi. Ouais. Moi si, je me ressemble toujours. Non, ça c'est faux. Donc justement, bah, tu t'es présenté toi-même là, Teddy, hein, le cuistot de la soirée en vrai. Le quoi? Le cuistot de la soirée. Je suis tout seul à être cuistot? Avec moi qui a travaillé, mais ça compte pas parce que moi je lui ai présenté d'autres choses autres que votre palais qui fallait. Enfin bref, je veux pas tout révéler maintenant parce que ça serait vous spoiler toute l'émission et je pense pas que vous resterez jusqu'à minuit parce qu'il y en a qui vont partir devant d'autres sites internet avant. Enfin bref, ou qui vont être checkés sur le net. Du coup, on va pas faire ça. Mais ouais, donc Teddy, toi t'as travaillé en cuisine. J'ai travaillé en cuisine effectivement et en boulangerie, pâtisserie aussi notamment. Bon, mais ça compte pas, c'est pas la cuisine. Oh mon dieu! Comment next. Comment oses-tu? Je connais plein de trucs, mon grand, je peux t'apprendre! Bah ouais! Bah. Ça compte! Ça fait beaucoup plus d'expérience que la cuisine en entier! Mais tu peux te nourrir que de pain au chocolat! Exactement! De baguette, de chocolat pine! De quoi? Chocolat pine! Ah, chocolat, ouais! Attention, j'ai mon grec! Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la soirée! On va en parler de ça aussi, t'inquiète! Oh mon dieu! Ah bah oui, les aliments, ça y va dans toutes leurs formes! Enfin bref, on a Chloé aussi avec nous ce soir! Oui! Alors Chloé, le micro il se mange. Alors mange-le pas pour de vrai, mais alors que tu sois vraiment proche du micro, genre vraiment, voilà. Tu limite t'es vraiment en train de l'embrasser quoi. Okay. Vincent a appris. Ouais. Mathilde a encore un peu de mal à se mettre loin. J'ai appris des plus grands, tu sais, hein, vraiment j'ai appris des plus grands, hein, notamment toi. Du coup. Oui, t'as appris comment. Ou toi en fait tu ne manges pas le micro, tu t'entends. Enfin, je le gobe, tu veux dire ça. Tu lui fais profiter de ta voix buccale. Vraiment. On n'avait pas dit à 21h, on a dit 22h là. C'est trop tard. Là, t'as lancé le sujet, mec. C'est une habitude des animateurs radio, c'est qu'on gueule dans le micro. Ouais, ouais, ouais. Et au téléphone, du coup. Ouais, tout court. Ouais, parce qu'en plus, on perd nos oreilles au fur et à mesure. Donc, c'est on est obligé de parler encore plus fort. Donc, du coup, Chloé avec nous ce soir. C'est ta deuxième fois sur Indestar et ta première fois avec nous dans le Fun Live. Oui. Oui. Alors, vous avez vu les réponses classiques des débutants. Non, mais la première fois, c'était quand? C'était à Noël pour les 10 ans d'Indestar. On avait fait pendant la journée où il y avait eu plein de monde qui était passé, les différentes émissions. Nous, on avait fait un review sur l'année 2009 parce que il y a 10 ans, on était en 2009 à cette époque-là, du coup. Oh, t'as bien su compter, hein, 2009-2019. Ah, 2019-10 2009. Non, mais s'il avait fait comme les animateurs, ça aurait été compliqué. Donc, on va parler de l'année 2005 que ça fait... Non, du tout. Alors Chloé, toi, est-ce que t'es une spécialiste de la cuisine ou pas? Ah du non, tout pas du tout. T'aimes pas manger non plus? Ah si, j'adore manger, mais j'aime bien quand c'est les autres qui cuisinent. Hein. D'accord. Ouais, c'est la grosse différence. T'aimes bien arriver à la maison et se dire, on a préparé un bon petit plat pour moi. J'ai les pieds sous la table. En général, je m'arrange toujours pas arriver sous les pieds sous la table. D'accord. C'est à peu près ça. Attends, par contre, c'est hyper bizarre ce que tu dis du coup. Hein. Ouais. Du coup, c'est qui te fait à manger? Ah, je suis tout le monde. Hein. J'ai cru qu'elle allait dire le chat. Tout le monde, hein, vraiment. Un chef cuistot. N'importe qui peut venir chez elle et cuisiner pour elle, il y a pas de problème. La porte est ouverte, vous cuisinez, c'est bon. Elle te donne les clés, du moment où tu fais la bouffe, c'est bon. C'est vrai en plus. Hein. Mais vous savez, Chloé, toi, tu recherches en gros un chef cuistot pour aller avec toi. On va dire que ça a de grandes chances de matcher s'il est chef cuistot. Si chef cuistot, oui. Ah, on passe les petites annonces ce soir. Ah bah ouais. Donc pour Chloé, il faut un chef cuistot, d'accord. Les amis. Vous aimez la voix de Chloé? Vous voulez peut-être la voir en vrai? Vous savez faire des nouilles? Vous nous contactez? Parce que ouais, vous savez faire des nouilles et vous avez le cul de boire des nouilles. Oh, 0970 407 306, c'est le numéro pour réagir avec nous ce soir en direct sur Indestar. Ouais, j'adore la transition. Oui, le cul de boire des nouilles, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon. Ça a été le petit plus là, vraiment. Oui. Oh là là. Et puis bah Vincent, le troisième habitué. Enfin, ça commence à, ouais, à devenir une habitude, pareil. Ah, hein. Troisième émission, quatrième. J'avais, c'est fait, vrai. J'avais fait aussi les 10 ans de Nindestar. Voilà, on voulait surtout pas réécouter ça parce qu'à l'époque on était morts. Et que j'avais une voix de puceau. Voilà. Salut. Je voulais pas le dire, je voulais pas te faire de la mauvaise pub. Mais ça va que t'es déjà casé en couple. C'était il y a 6 mois et pourtant ma voix a bien changé en 6 mois. Ouais. T'es devenu un homme. Ouais. On va dire ça. Alors, j'aurais eu une chanson de Disney avec devenir un homme, je l'aurais mise là maintenant. C'est clair. Bon, en tout cas, puis moi, bah, c'est Ismaël. Hein, vous me connaissez. On m'entend beaucoup à la radio, peut-être trop. On va peut-être changer. Tu parles beaucoup aussi. Oui. Si Yann parle beaucoup, tu parles beaucoup aussi. Ah, mais c'est l'habitude. Ouais, ou l'habitude. Non, pardon. Bref. Je pense qu'un jour, on va faire une émission spéciale sexe. Hein, parce que... Non. Là, de son niveau, c'est spécial beauf. Vraiment, là. Jeu de mots de beauf. Ah, voilà. Du coup, vous savez quoi? Non. Non. Et on a peut-être pas envie de le savoir non plus, mais vas-y. Non, bah, je voulais juste dire qu'on va écouter une chanson qui s'appelle Comeback. Non, Comes Back même, parce qu'il y a un S, c'est de Carl Storm. Est-ce que tu peux parler justement de où tu vois le titre de cette nouvelle chanson? Bah, je la vois sur la feuille que j'ai imprimée. Ah, mais non, c'est pas ça que dire. On s'en branle de ta. Alors, effectivement, si on veut faire un peu de pub, faut savoir que les studios sont en pleine rénovation, amélioration surtout. Et maintenant, on a des écrans dans les studios. Donc, le jour où on aura de nouveau des caméras et une connexion internet vraiment stable, parce que je peux vous dire que la fibre en campagne, c'est de la merde. Non, bon, on va l'attendre un moment, mais on va vous mettre la caméra avant la fibre encore. Ah, quand même, d'accord. Ah, comme c'est souvent compliqué. Sinon, c'est 2028. Mais non, on arrivera à faire des vidéos dès la rentrée et c'est surtout où on a installé des petits écrans. C'est ça. On a trois putains de télé d'un mètre de diamètre. Oui, voilà. Il a osé dire petits écrans quand même. Un mètre de diamètre. On est sûr. Après, la maison, elle est beaucoup plus grande perso, mais je dis ça, je dis rien. Mais t'en as pas trois. Il y a le home cinéma. Non, j'en ai pas trois, j'avoue. Là, si vous mettez les trois, vous avez deux fois ma télé à la maison, je pense. Bah ouais. Donc, et nous, c'est de la déco, tu vois. C'est notre déco. C'est notre déco, voilà. Tu as un super. Bah, faut imaginer, hein, mais vous avez le logo du Fun Live du vendredi que vous retrouvez sur Facebook d'ailleurs. Bah, vous l'avez derrière les animateurs. C'est ça. Et sur deux écrans. Et sur deux écrans, exactement. Et on a un écran qui est pour nous pour bah, savoir ce qui va se passer après. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Ah bah, y a rien de marqué. Voilà. Je sais pas ce qui va se passer ce soir. Non, parce que je me suis fait engueuler un petit peu cet après-midi en disant aux gens, bon, qu'est-ce qu'on fait pour ce soir et tout. Ils me font, mais j'ai rien de prévu moi, c'est libre antenne. Je croyais qu'on prévoyait rien. Ah d'accord, bon bah tant pis, bon bah c'est pas grave. Inch'Allah, on verra ce que ça fait et du coup, bah on se rejoint après Carl Storm et puis surprise. Pour deux heures de vide, c'est une bizarre. Et c'est gentil. C'est gentil. De nous souhaiter bonnes vacances. L'été, là où tout commence sur Indestar. Enfin, je crois pas que c'était dit comme ça, mais. Non, c'était vachement mieux dit. Mais du coup, je me pose la question, Isma, t'es un mâle ou une femelle du coup là? Avec ta voix. Oui, c'est vrai qu'on a pas fini notre tour sur les mâles et les femelles pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Indestar.fr. Là, on est là pour deux heures de déconne sur la cuisine et pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé. C'est normal, on s'introduisait. Alors, on s'introduisait en quoi? Je ne sais pas. Tu sens comment dans ça va pas parler de cuisine. Ça va vite dévier du sujet. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais ou non. Alors, on vous a dit que c'était une émission, voilà, ce soir, deux heures de vide. C'est faux. On a quand même préparé quelques petites choses. Sauf Théo, ouf, comme par hasard. On se demande bien pourquoi. Non, mais Théo était très très occupé. Il s'occupe principalement de la rénovation du studio, bah, et de gérer la radio. La journée, quoi. Donc, voilà. Mais on l'a invité au dernier moment aussi. Je me suis invité. Il s'est invité parce qu'au début, je lui fais est-ce que tu veux venir vendredi? Il me fait non, j'aurai pas le temps ou je préfère pas. Et je lui fais bon, d'accord. Et genre, hier, il connaît ses talents culinaires. Est-ce que je peux venir? Tu veux venir dans les studios participer à l'émission ou visiter et passer un peu de temps avec nous? Non, je veux venir participer à l'émission. Ah! D'accord, bon bah vas-y, viens, let's go. Genre, attends, tu t'es posé la question, est-ce qu'il veut visiter les studios? Vraiment? Bon, ok. Il est en train de les retaper, quoi. Est-ce que tu veux découvrir la radio, à quoi ça ressemble? Bah ouais, bienvenue sur Indestar, Théo. Voilà. Non, en vrai, ce soir, comme je disais, on vous parle de cuisine. Tout à l'heure, on parlera de choses un peu plus intimes que la cuisine. Bah la cuisine intime, en fait. On appelle ça le sex food. Ouais. Ou la City Film. Le foot porn plutôt. Le foot porn, ça c'est pour ceux qui vont sur Pornhub, XXM. Le foot porn, c'est quand tu vois par exemple une pizza avec du fromage qui dégouline. Exactement. Ça c'est du foot porn. C'est limite, ça te donne envie de la manger évidemment. Ouais, parce que je dire, si ça te donne déjà envie de ken, s'il te plaît, on reparle pas de la tarte aux pommes. Le crumble. Tarte aux pommes, ça dépend de la traduction. Alors, c'est une tarte aux pommes, mais ça se transforme en crumble. C'est ça la variante. Là, on est dans American Pie. Exactement. Ouais. Je savais pas que notre corps pouvait devenir un ustensile. Hein, vraiment, un petit fouet là. Ah bah ouais. Totalement. Une fourchette, tout ce que tu veux. Mais par contre, j'ai des anecdotes, moi pour vous, justement, qui concernent la cuisine et des gens connus ou pas connus, qui ont fait des trucs de ouf vis-à-vis de ce qu'ils ont pu manger. Genre, je vous prends un exemple tout con. Au JO de Pékin, donc ça devait être il y a quelques années, bah en fait en 2008, donc ça fait déjà un petit bout de temps, il y a 12 ans, Usain Bolt, il a mangé 1000 nuggets en 6 jours sur place, pendant les JO. 1000 oui. nuggets oui. Ouais. Ouais, ouais. Oui, en 6 oui. jours. Mais c'était, c'était un régime, c'était pour avoir de la force. De la protéine de poulet. Je sais pas si c'était un régime parce que sur les infos que j'ai trouvées, c'était pas précisé. Mais en tout cas, tu trouves bien ça dans sa biographie, que ce soit Wikipédia, etc. Ah, incroyable. Et il a fait 1000 McNuggets accompagnés de frites en plus en seulement 6 jours. McNuggets en plus, c'est vraiment pas. C'est ceux de McDo. C'est des nuggets de merde. Je me demande le nombre de poussins qui sont passés juste pour ces nuggets, quoi. C'est incroyable. Quand tu vois comment c'est fabriqué les nuggets, c'est genre le pire truc de. C'est trop bon. McDonald's. C'est comme le surimi, hein. Enfin, c'est vraiment. Ouais. C'est plutôt les déchets des poussins. C'est pas la des poussins. Ouais, c'est genre les os, les abats. Et le mec en a bouffé 1000, mais il doit être dans son lit, il doit être malade là encore. Non, je pense pas, mais c'est non. Juste que pourquoi depuis il a 2008, fait ça en plein JO. Mais je crois qu'il y avait une raison justement. Mais alors, je me suis un peu de la raison. Le régime nugget. C'est parce qu'il trouvait que la nourriture chinoise était étrange. Le McDo, c'est safe. Je connais, vas-y. Valeur sur le riz, je connais pas. Mais même le prix du McDo, mais Usain Bolt s'en fout, il est oh, riche, mais, Usain Bolt, mais imagine-toi, c'est un gars lambda, le mec juste avec des McNuggets il nous fait Super Size Me 3, vraiment, genre c'est un délire. Et ben n'empêche que lors de ces JO, on dit que soi-disant la malbouffe c'est pas bon pour le corps, etc. Il a remporté 3 médailles d'or, hein, avec l'une de ses performances les plus extraordinaires de l'histoire des JO, hein. Donc franchement, c'est clair que les nuggets, manger des poulets, vous allez courir plus. Exactement, mec. Après, je vais commencer à mettre à la course et je vais manger du McDo. Est-ce que je peux faire un amalgame? Alors, qu'est-ce Usain que Bolt, oui. Est métis ou africain, je sais plus. Oui, jamaïcain. Jamaïcain. On dit que les Renois, ils aiment le poulet. C'est pas faux, c'est pas un amalgame, c'est un cliché. Mais c'est un cliché. C'est quand même assez. Bah, du coup, ça explique les 1000 nuggets. Voilà, c'est tout. Oh mon dieu! Ouais! Un athlète blanc aurait pu manger ces 1000 nuggets, c'est ça, parce qu'en autre cliché que t'as, en fait, c'est souvent. Enfin, c'est même pas un cliché, c'est vrai. Les sportifs, ils mangent beaucoup de viande blanche, comme la viande de poulet et tout ça. C'est ça. C'est parce que c'est de la protéine, mais sans le gras. Sauf que là, vu qu'elle est frite. Mais il a pris les frites en plus, de toute façon, il est limité de base. Bah, les frites, c'est de la patate. Ouais. Oui, mais il y a de l'huile, c'est du gras. C'est des féculents, ouais, c'est mais gras, quoi. Vraiment. Tout ce qu'il a mangé, c'est frit, donc et forcément. Il a pris des frites sans l'huile. Sans l'huile, ouais. Alors là, c'est vachement meilleur. Cuite à la vapeur de McDo. Les gars, on fait ça. C'est la vapeur d'huile, du coup. C'est sans huile, vapeur d'huile. Waouh. Mais si, c'est des frites spéciales en Chine, ils font pas ça, ils font pas frire. Non, ah ouais. Ils font à la vapeur. Essaye de défendre le truc. Tu sais, j'ai l'impression c'est light. C'est ça. J'ai l'impression c'est une clope électronique goût tabac. C'est le truc genre. On te vend ça. Pas défendre, mais je trouve ça un peu bizarre quand même de manger. Ouais. 1000, ça te dérange pas à la rigueur, mais bon. Bah, c'est pas le record le plus extraordinaire dont je vais vous parler justement dans ces anecdotes. Pour l'instant, je vais passer sur le burger le plus cher du monde. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ah oui. Peut-être que vous avez eu l'occasion même d'en manger. Alors non. Moi, qu'est-ce que j'aimerais pas parce qu'il a l'air dégueulasse. C'est pas celui qui a de l'or dedans. Est-ce que c'est le Golden Burger? Ah, je pensais au Golden Burger. Non. Parce qu'il doit être valeur bien plus cher, je pense. Alors, celui de Salt Bay. Le burger le plus cher du monde, il est vendu à Las Vegas dans un restaurant qui s'appelle Fleur by Hubert Keller. Et écoute, 5 000 $, soit 4 700 € le burger. C'est pas le plus cher au monde. Ah, qu'effectivement, le plus cher au monde, il a de l'or. Oui, et c'est celui de Salt Bay qui est en Indonésie, près de Bali. Le mec avec son coude et exactement, le sel. Exactement, celui qui lâche le petit sel comme ça. Et justement, en fait, c'est leur burger qui est le plus cher. D'accord. Et je crois qu'ils en ont vendu un. Oui. Les gens ne voient pas, effectivement. On fait les gestes. Les gens, ils imaginent très bien le geste du sel sur le coude. Mais moi, je fais les gestes pour vous, les amis. Non mais on s'en fout. On va dire que c'est peut-être en tout cas un des plus chers, voilà, pour reprendre. Bah 5000 euros, ouais, t'es quand même bien dans le haut de gamme. Ouais. C'est même pas du haut de gamme. On devrait faire un crédit, quoi. Genre, vraiment, c'est pas le burger que tu as bouffé il y a 10 minutes qui vaut 10 euros. Et Isma qui nous demande quand même, vous en avez déjà bouffé? Bah non. Bah ouais, écoute, j'ai hypothéqué mon appart hier. Comme on travaille tous ici à Indestar gratuitement, on est fraîchement très très bien payé parce qu'on vous dit gratuitement, voilà. C'est qu'on a plus rien à foutre du reste de la live, quoi. On a que ça à foutre de venir à Indestar gratuitement. Voilà. Ouais, mais en gros. Vrai. Mais grâce à Indestar, je suis à 7 chiffres sur le compte. Hein, c'est pour ça qu'on a 3 télés. Ah, et pas une que de plus. 3 télés. 3 télés, enfin en attendant, dans la salle, il y a quand même 1, 2, 3. Il y a 8 écrans ou 9. Ouais, c'est vrai. Il va balancer tout notre studio pour le revendre. C'est dommage qu'on n'a pas une clim. Si, on en a une. On en a une, mais pour les ordi. C'est ça. Ah oui, d'accord, on est sur une clim pour robotique, quoi, vraiment. Genre, et les humains. Tu t'enfermes dans le placard et c'est bon. Ok, d'accord. Donc en fait, je vais passer l'émission là-bas, les gars. Ah, salut Vincent. J'y pensais tout à l'heure. En attendant, par rapport à mon burger, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il peut y avoir dedans pour qu'il coûte aussi cher? Allez, du caviar. Du bœuf de Kobe. Oh, il y a du bœuf de Kobe. Ah ouais, bah, c'est du bœuf de Kobe. Ouais, il y a du bœuf de Kobe. Il y a pas de caviar, mais il y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a du poisson? Ça serait bizarre, mais poisson viande. Bah ouais, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui coûte cher? Genre, il y a de la sauce, vraiment. C'est de la sauce. Une sauce soja. Cher, ah, qui a, cher, je sais pas combien d'années. Millésimé dans un dans un bave. Mais ça existe. Le bœuf de Kobe, ça vaut cher, mais c'est pas ça qui fait vraiment le prix du burger. Bah ouais, parce que ça, tu peux en manger. Le bœuf de Kobe. C'est attends, extrêmement cher, c'est la viande la plus chère. Non, il y a du la viande la plus chère. J'ai été au Japon, je peux vous dire, j'ai mangé du bœuf de Kobe pour 50 balles. C'est vrai, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. C'est un ingrédient de luxe. L'espoir qui est très cher. Oui. Okay, sur place, d'accord. C'est pas très cher, mais effectivement. Bah, mange un camembert au Japon, par exemple, c'est 20 balles de camembert. C'est cher. Là, on est. Et c'est dégueulasse en plus. Du foie gras? Ouais, il y a du foie gras. Il n'y a pas de safran. Ah oui, une épice, ouais, ce serait pas. Non, pas dans les épices, c'est français. Est-ce que c'est un burger que de viande? Quasiment. Du fromage peut-être? Non. Non? Oh bah il vaut pas le coup. Après, j'ai pas tout ce qu'il y a dedans, mais en gros, il y a bien de la viande de Kobe, il y a bien du foie gras. Mais c'est pas tout, il y a aussi des truffes noires et une sauce faite à partir de truffes blanches. On n'a pas pensé aux truffes. Ouais. Les truffes, c'est un délire, hein. Ça c'est un prix. Ouais, c'est ça qui vous vaut le plus cher, je crois. Ouais, quand que on se dit que c'est qu'un champignon. Ouais. Donc voilà, et quand on se dit que c'est un chien qui va chercher le champignon quand même. Hein, ouais, le cochon. Oui, mais le cochon il mange. Ouais, le cochon c'est pas toujours rentable. Les gars, j'ai payé 1000 balles le cochon, mais j'ai jamais vu la couleur de la truffe. Donc en gros, burger, voilà, il y a tout ça dedans pour 4700 balles. Moi j'en prendrais pas. Moi non plus. Je préfère manger du bœuf de Kobe à côté. Bon, pas les truffes parce que non, j'aime mais pas c'est ça. Un délire ça. Je sais pas, tu vois, t'es soit un Instagrammeur ou. Ouais, machin. Quand t'es riche, ouais, ça va voilà. Encore. Et là tu fais hashtag foodporn et food Vegas, riche. Hein. Oui, c'est Las Vegas hein, quand même. Ouais. Quand t'es riche, ça va en fait, vraiment. Non, tu t'es fait un délire sur la machine à sous. Bah écoute, t'as gagné le gros lot, bah boum, allez, on se fait un petit burger pour fêter ça quoi. C'est ça. En même temps, c'est vrai qu'avec 4700 balles, à part t'acheter une voiture d'occasion, tu peux pas faire grand chose, tu vas pas t'acheter une maison. Mais moi je pars en vacances au Japon, mon gars. Non mais tu peux y aller deux fois. Hein. Ouais. Je reste deux mois. En vrai, entre la bagnole d'occasion ou le burger, moi bah, j'hésite pas longtemps. Hein. C'est la bagnole. C'est ça, ouais. Moi j'allais dire c'est un le peu burger. Plus rentable que le burger, effectivement. Bah. Bon, en soi le burger il te fait un repas. Ouais. La voiture. Hop, c'est fini. Et tu peux la revendre. Et la voiture, tu te refais même de la thune après. Ouais, le burger, ça. Une fois que tu l'as bouffé, tu le revends pas. Hein, même quand tu l'as chié. Un platane, parce qu'il y en a qui achètent des voitures neuves et puis 20 minutes plus tard ils sont dans un platane. Donc là. Ouais, platane est dans la voiture. Ouais, mais ça ouais, c'est le burger, il est super bon. Ça, avec le burger le meilleur intérêt. Du monde. Il a intérêt. Ouais. Et si t'es vegan? Ah bah là, t'es dans la merde. C'est pas un burger vegan. Alors les vegans, je suis désolé, mais ça sera pas pour vous. Inventez le vôtre si vous voulez, mais je vois pas un burger vegan coûter cher et être bon. Ouais, à 5000 balles pour de la salade. Si, si. Et non, par contre, ah, y a vraiment si, des burgers, y a des burgers vegan qui sont extrêmement chers. Mais tu mets quoi dedans? Qu'est-ce qui coûte réellement cher? La salade. Rien. Du steak de quinoa. Les steaks de soja. Ah, soja, pardon, oui. Soja. Ça non, après, c'est de l'arnaque, quoi. C'est-à-dire que ouais, ton steak de soja ou ta salade. Oui, ou c'est, ce sûr, tu veux, c'est sûr. Ah, si tu vends ça 5000 balles, non. C'est vraiment de l'arnaque. Après, t'as une carence en fer, c'est sûr. Derrière, tu manges ton burger, t'as une carence en fer. Tu mets des lentilles. Oh, non. Il y a du dans fer. Un burger. Moi, j'ai. Bah, tu... Les gars, il va nous faire un cassoulet carrément. On est d'accord que parmi nous, il y en a aucun qui est vegan ou végétarien. Ah non, la viande, je l'aime trop moi. Ascendant végétarien. Ascendant, il mange peu de viande. Ouais, je mange très peu de viande. J'aime pas trop. C'est pas bon, ça a pas bon goût pour moi. D'accord. Pour moi. D'accord. Et t'es chef cuisinier, ouais. Tu peux sortir du studio, s'il te plaît, on va changer de. Ouais, mais ça m'empêche pas de manger la bonne charcute. Ah bon, tu peux rester, c'est bon. En soi, t'es pas ascendant végétarien. Si tu manges de la bonne charcute, mon gars. C'est pour ça, j'en mange pas beaucoup. T'es ascendant français. Ouais, c'est pas vrai. Avec le camembert. Hein. Ah bah oui. Ouais. Un bon coup de miel. Deux mélangés. Et le vin, un petit merlot. Oh, ah oui, ça sort des noms qu'on connaît pas. C'est une tradition française. C'est connu, c'est connu. Je croyais que c'était un oiseau. Moi aussi, ce que je dis, c'est un vin d'oiseau. Bah justement. En parlant de vin, il y a un vin de souris. Je vais vous parler de vin. En Chine, très spécial, mais après ça, parce qu'on est encore dans les burgers, j'ai trouvé une autre anecdote sur un gars qui s'appelle Don Gorsk. Peut-être que vous le connaissez. Bien sûr. Non. Bah non. C'est mon cousin. C'est l'homme qui a mangé près de 30 000 Big Mac. Ah, et c'est celui qu'on voit dans Super Size Me. Ouais, c'est lui, voilà, d'accord, ok. Oui, le mec, depuis qu'il est jeune, il mange des Big Mac matin, midi et soir. C'est ça. Et c'est lui qui a rencontré sa femme, il a demandé sa femme en mariage sur le parking de McDo. C'est exceptionnel. Voilà. Et sa femme, d'ailleurs, elle a fait une dépression. Sa femme, elle a fait vraiment une dépression. En fait, dans Super Size Me 2, elle décrit son mari. En fait, dans le premier, on voit la femme vraiment épanouie parce qu'on voit qu'elle suit son mari sur un projet et sur un but qui est stylé parce qu'en soi, c'est un film que personne n'aurait pu imaginer faire. Tu veux dire la femme du mec qui fait Super Saiyan? Exactement, exactement. Ouais. Et en fait, dans le deuxième, tout simplement, elle pète un câble parce que il change carrément de personnalité. Enfin, vraiment, sa mentalité change. Alerte spoiler. À cause de McDo. Ouais, et c'est un délire, mais vraiment. Et même tout son corps change, que ça soit visage ou quoi, même elle a carrément des rides. elle a carrément pété un câble, vraiment. Elle a dit à propos de McDo, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, il y a un film basé sur une vérité qui est dispo sur Netflix en ce moment. Oui, je sais plus, The Creator, quelque chose comme ça, crois, ça s'appelle. Et justement sur l'histoire de la création de McDo. C'est pas vraiment cool comment ça s'est passé, donc je vous spoil le pas. Picard, c'est cool. Bah, ça tombe bien, je vous parlerai de McDo, moi. Les créations américaines, c'est jamais très très clean. Hein, on aime tous McDo de toute façon. Non, Burger King, désolé. Ni l'un ni l'autre, personnellement. Toi, c'est Carrefour Market. Non, mais tu sais que McDo, j'y suis allé il y a quoi? Allez, 2 ans maintenant, 2-3 ans. J'y avais pas été depuis une dizaine d'années avant. Oh putain. Et entre temps, tu sais, il n'y avait pas la fois d'avant, en fait, quand j'y étais, il n'y avait pas les machines, tu vois, où tu peux commander. Les bornes de commande. Je te jure que quand je suis arrivé à McDo, j'étais comme Marty dans Retour vers le futur. Je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et je vois comment marche une machine numérique, si tu veux. Mais moi, je rentre dans le truc, tu vois, je vais à l'accueil. Et là, il me fait « Ah, c'est sur la borne ». Alors moi je vais à la borne, ok, bon, je regarde le truc, je fais ma commande. Puis après je savais pas où aller, tu vois. Elle me dit non, c'est à la caisse d'à côté, etc. Et j'étais vraiment perdu en fait, parce que comme si j'avais fait un bond dans le futur et que j'étais arrivé à McDo 10 ans plus tard. Mais en fait pour McDo, c'est normal, tu sais, les gens ils vont souvent à McDo et du coup ils pensent pas aux gens qui... Tu vois les gamins qui ont 6 ans, qui sont là sur la borne, qui sont là, tac tac, le rajout, le truc. Mais tu sens qu'ils y vont toutes les semaines, quoi. Et qui arrivent avec leur ticket devant toi en mode alors tu sais pas comment ça fonctionne, mon gars? C'est ça. Et toi, t'es là devant la main, tu fais alors attends, y a trop de trucs là. Pourtant, je trouve que ça manque de choix à McDo. Non, ce qui est fou, c'est qu'ils essaient de te vendre des trucs quand même. Hein. Parce que t'as fini ta commande. T'as fini ta commande, t'es tranquille, tu te dis bon bah je valide ma commande, mais ils disent bah tu veux pas un sundae? Il y a un petit sundae caramel là pour 2,10€, prends-le. Et il y a le nom merci tout en bas à droite en tout petit. Ah ouais. Ah non, c'est un délire. Est-ce McDo qu'ils font des promos sur les desserts et des choses comme ça? Pas du tout. Il y a zéro promo, c'est juste pour dire les formules menu. Non, parce que je me suis fait avoir comme ça tout à l'heure à Carrefour Market. Il y avait moins 30% sur des œufs en chocolat. Bon bah j'ai... Ils sont devant l'entrée, du coup ils voient direct. Bah il y avait moins 30%, tu peux pas résister. Mais du coup, c'est les autres packs qui sont périmés depuis un bout de temps. Du coup, c'est pour ceux qui ont la carte, c'est ça, l'Ange Paris? Ah non, c'était réduction en caisse. Okay. J'ai pas vérifié, remarque. Mais... voilà, ça commence bien. Ça se trouve, il s'est fait arnaquer. Et quand tu vois moins 30%, bon bah, ouais, sur des œufs en chocolat, Ça t'amène tout de suite à reprendre. Là, il n'y avait même pas le nom merci en petit. Dans le commerce, on est manipulé tel des vraiment. Dans Pinocchio, genre vraiment, il a des petites flèches. Je me laisse manipuler. Mais si on dit que dans le commerce, on est manipulé, est-ce que Don Gorsk, il a pas carrément reçu un lavage de cerveau pour bouffer que des Big Mac? Non. Je pense, en fait, il a voulu essayer vraiment un truc en mode. Oui. Il essaye un projet pour montrer aux gens que c'est néfaste. Et en fait, il en est tombé accro. Je pense que c'est comme la nicotine ou ce genre de truc. Vraiment, il est tombé sur une addiction où il aime ce qu'il mange. Et le problème, c'est que. Bah, il continue et ça commence à aggraver sa santé, quoi. Et bah, justement, j'ai été regarder sur internet un petit peu à quoi il ressemblait. Là, il avait 64 ans en 2018, donc là, c'est qu'il a 66 maintenant. Sur ce que j'ai trouvé, ça date de 2018. Sur Wikipédia, ils l'ont pas encore marqué comme décédé, donc c'est qu'il doit être encore en vie. On ne sait pas. En tout cas, c'est un point d'interrogation. Si Wikipédia dit qu'il a envie, c'est qu'il a envie parce que des fois, ils te mettent qu'il est mort alors qu'il est encore en vie. Oui, c'est vrai. Des fois, il est mort, mais il est encore en vie. Et des fois, il est en vie et il est mort, mais tu sais plus. Et du coup, Michael Jackson, il est en vie ou... Je sais pas. Mais en gros, en 2016, du coup, il avait été reconnu par le livre, donc le Guinness World Record, pour avoir mangé déjà à l'époque 28 788 Big Mac. Yay. Et selon Fox Business, il mange environ 14 Big Mac chaque semaine. Ça représente 90% à 95% de son régime alimentaire. Ouais. Et en 2018, en mai exactement, il a réussi à manger son 30 000e Big Mac et il a promis de continuer à manger des hamburgers jusqu'à son dernier soupir. Et ce, en dépit des conseils médicaux qui sont irréfutables en disant « Bah, c'est la merde, faut que t'arrêtes. » Ils vont lui mettre par un travain. Et les gars, vous me broyez le Big Mac et vous me le mettez dans la seringue. N'empêche, ça manque un peu de sauce, là. Bah, n'empêche qu'il continue de dire à tout le monde, même au médecin, qu'il est en excellente santé. Je suis pas sûr, clairement. C'est qu'il fait pas de prise de sang. Ça veut dire quand même que dans ces produits là, mais d'ailleurs c'est vérifié, hein, mais que tu as des produits qui te rendent accro. Ouais. Oui. Tu vois, c'est incroyable. Même des choses qui font que tu vas avoir envie d'en manger deux heures plus tard. Même pas obligé d'aller chercher très loin. Le sucre déjà c'est addictif. Oui. Oui. Il y a des trucs, on va dire, c'est naturel. On va dire comparé à ce qu'ils pourraient rajouter dedans. Ça marche aussi comme une addiction, donc il n'y a pas besoin de rajouter grand chose au niveau des addictions. Mmh. Par contre, ils ont des conservateurs, ils ont des produits pour plein de choses comme ça. Ça, c'est assez dégueulasse. Et t'as des anti-vomitifs, t'as les petites pastilles juste en dessous là. Ouais, ouais. Tout le monde dit c'est un mythe. Franchement, c'est pas une pastille. Dans les McDo qu'on va le savoir parce que c'est pas eux qui produisent leur nourriture. Puis c'est pas eux qui vont dire bah oui, il y a des pastilles anti-vomitifs le gars. Non. Mais alors, non, il n'y a pas de pastilles anti-vomitifs. En fait, c'est à la fabrication des pains dans les usines. C'est en dessous à la cuisson. Il y a des bulles d'air qui se forment et dans certains hamburgers, il n'y a pas cette petite tache blanche en dessous des burgers. C'est une bulle d'air, il n'y a pas de pastille anti-vomitif. Alors elle, c'est la pro Big Mac, on arrête, hein. tu casses ton limite. Okay, j'ai regardé un reportage sur ça justement. Ouais, et reportage, on sait tout ce que ça donne. Hein. Je suis sûr qu'il Capital y en a. Capital a enquêté. Ce sera dans les actes. Après, on sait pas vraiment croire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on peut même pas savoir. Non, c'est sûr. Je dis pas que t'as tort ou t'as raison, rien à voir, si ça se trouve, t'as tort. Non, mais je préfère la croire parce que c'est beaucoup moins malfaisant, moins sadique. Non, en tout cas, il y a des choses qui sont vérifiables, c'est-à-dire, par exemple, pourquoi quand tu vas chez McDo et que tu manges des trucs et que t'as faim deux heures plus tard alors que t'as bien mangé, t'es calé et. T'es calé pour 4 heures, voire 5 heures. C'est parce qu'il n'y a pas assez de protéines, enfin les steaks, il n'y a pas de protéines. C'est vrai que les steaks, ils sont minables. Ça apporte rien en fait, quand tu manges un Big Mac, c'est que du gras. Et ça reste pas dans le corps. Puis faut ça voir. Apporte beaucoup de calories, mais pas de ce que t'as besoin comme protéines. Voilà. C'est pas de la vraie énergie, c'est du vent. On t'apporte du vent. Oui, voilà, c'est pas du vrai pain, c'est pas du vrai fromage, c'est plus de la pâte fromagère. Ouais. Le pain, c'est vraiment tout de la farine. Fabriqué, et du coup, ça apporte. Et faut pas oublier qu'à la base, dans les aliments, quand on les fait trop cuire, justement, ça perd de leur effet bénéfique. Donc, quand on fait trop cuire un steak ou une viande, enfin, c'est con à dire, mais ok, le goût peut être différent. Tu te protèges au niveau bactériologique, mais en attendant, tu perds plein de choses qui étaient bénéfiques avant. Genre, tu vas perdre pas mal de protéines, tu vas perdre pas mal de machin truc, etc. etc. Ouais, je suis pas totalement d'accord avec ça. Si. Attendez, laissez-moi m'expliquer quand même. Tu vas perdre effectivement des trucs qui sont bons pour ta santé. Par contre, tu vas pas gagner plus de trucs mauvais. Non. En fait, tu vas juste avoir un truc qui a pas de consistance. Déjà, ça va être juste la nourriture en fait. Ça va être une masse que tu vas manger qui a rien. Je pense un truc qu'il va avoir et je pense qu'il a déjà, c'est un bon taux de cholestérol, genre vraiment. Un bon. Bah, le. Ah, le... ah, ah oui, au bon lieu. Il y avait Vincent qui me regardait, j'étais là, mais j'ai pas de cholestérol. Qu'est-ce qu'il me raconte, le con? Mais non, mon dieu. J'étais là, quoi? Ça se voit sur mon corps que j'ai du cholestérol, mais le médecin il m'a rien dit. Je commençais à stresser là. Justement, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément des choses négatives. Bah, là, je pense que si. Ouais, mais lui, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'il ait fait trop cuire ces Big Mac. C'est qu'il en mange trop. Oui, bah oui, carrément. Et tu prends une viande, tu la fais cuire, un steak par exemple, sans huile dans une poêle, effectivement, tu vas perdre des éléments assez riches en, je sais plus, protéines et tout ça. Ouais. Mais tu vas manger un truc qui sera pas forcément plus mauvais, ça va être juste de la nourriture. C'est de la masse. Non, mais du coup, tu vas te remplir l'estomac. Il y a un goût qui sera différent aussi. Ah oui, bah, goût de cramé. Coup, de goût bah, de déjà, oui, la viande n'aura plus aucun goût et puis aura perdu effectivement de ses effets nutritifs. Ça devient pas forcément négatif. Hein. Non, mais j'ai pas dit que ça devenait négatif. J'ai dit juste que tu perdais plein d'éléments positifs et bénéfiques pour ton corps. Après, j'ai pas dit que ça devenait pire. Parce que c'est comme dire, quand tu fais fondre le fromage. Bah, il est plus gras. Non, en fait, c'était le gras qu'il y avait déjà dedans, mais c'est juste que tu le voyais pas. Oui. Et même c'est plutôt l'inverse, c'est le gras se barre. Ouais, c'est ça. En théorie. Il y en a qui ont essayé avec le Nutella aussi. Ah, t'as c'est vu horrible. Ça ah bah, t'as l'huile de palme qui remonte et t'as un tiers du pot Nutella qui est de l'huile de palme. C'est parce que c'est une émulsion. Le sucre aussi. Le sucre, ouais. T'as trois quarts de sucre dans le Nutella. Comme le coca, hein, je sais plus combien tu as de morceaux coco, de sucre dans un coca. Coco, il y en a 7. Hein. 7. Par verre, c'est ça? Ouais, par verre, c'est 7. Donc dans une bouteille, t'imagines la quantité de sucre que tu as. Faudrait savoir le nombre de verres directement par bouteille, en fait. Je crois qu'il y en a 8. Je fais une petite multiplication. Quand tu vois déjà qu'avec un coca, tu peux enlever la rouille d'une pièce. Oui, ou ça dérouille. Ouais. Ça, c'est avec le côté ça fait plein de trucs, ça détartre pas mal de choses. Les toilettes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du coca à la maison, c'est... En détergent. Non, mais aussi quand t'es malade. Ah oui. Mais ça fait le même effet, en fait. C'est incroyable. Ça te débarbouille, hein. Ouais. Je ne bois pas de coca sinon. Bon. Voilà. On parle de boisson. Il a un stock, mais c'est juste pour ses médicaments. Aimé par choc. Moi j'ai une boisson là, justement, vu qu'on en parle un petit peu dans le style coca, etc. Bon, c'est pas le même style, c'est alcoolisé, c'est du vin qui est fabriqué en Chine. Et il a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'il est certes fait à base de raisin, mais pas que. Certains vins vont contenir par exemple d'autres composés que ce fruit, donc ça peut être, je sais pas, un vin avec du serpent, etc. Oui, du serpent, ouais. Voilà, c'est. Du venin de serpent, peut-être. Et des fois, c'est même carrément des fruits tout à fait étonnants. Ça me rappelle, tu sais, c'est quoi le film des bronzés là? Non, c'est. Oui, les bronzés font du ski. Désolé, je regarde des vrais films moi. Mais non, mais. Les bronzés font du ski. Allez, mais arrête, tout le monde a regardé les bronzés font du ski. Avec la grenouille dans la bouteille là. Oui, mais oui, je vois. Mec, va falloir que tu t'achètes Moi j'ai regardé des vrais films récemment que j'avais pas vu. Les bronzés font du ski quand même. Je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter. J'ai regardé Top Gun. Qu'est-ce que tu. Ah oui, j'ai regardé Mad Max, tu vois, des vrais films, tu vois. Avec des vrais acteurs. C'est vite dit ça aussi. Ah non, je dis ça parce que j'ai jamais vu ça. Par contre, tu critiques pas Mad Max, mon gars, attention. Je sais pas qui c'est. Oh mon cul. C'est un super film. Mais oui, comment t'as pu louper ça, mec, vraiment. Je préférerais regarder Paulette. Hein, après, Paulette, mais oui. C'est un classique. Ça, c'est un classique aussi. Hein. Et il y a des gens qui ne connaissent pas, apparemment. Ah ouais, ouais, clairement. Paulette, j'ai pas vu. Paulette, c'est vraiment une petite mamie qui fait son petit deal au calme. Ah ouais, ah oui, mais c'est récent, copine. C'est 2016-2015. Ouais, donc récent. Ah non, beaucoup. Bien avant, Vincent. Bah oui. Oh non. Ah mais bien sûr, Paulette, alors, c'est là, avant 2010. Alors là, je cherche tout de suite. Alors, cherchez pendant que moi, je vous parle de mon vin spécial chinois. C'est qu'à comparé aux autres vins, il est bien fait à base de raisin. 2012. Mais en fait pas du tout, ils mentent parce que en vrai c'est un alcool qui est fait à la base de riz et dans lequel on va immerger des bébés souris. Oh, et voilà, et donc c'est un vin de bébés souris. Oh. Et cette boisson est considérée comme étant super tonique et bonne pour la santé, en effet, puisque les Chinois pensent que ce vin est un remède pour plusieurs maladies telles que l'asthme et des maladies du foie. Et le coronavirus aussi. Oh mon dieu. Mais attends, en fait, si je réfléchis bien et si je dis pas de bêtises, normalement il y a un autre alcool qu'on peut faire avec le riz. Le saké, non? Ouais, c'est de l'alcool de riz, c'est bien ça. La base. Mais après, un truc dégueulasse comme ça, la France, elle est aussi bien lotie. Hein, parce qu'on dit souvent les Chinois, mais on les mange aussi. Sauf que nous, on a des formules, on a des trucs genre les abats, les abattis. Ouais. C'est des trucs, c'est les trucs que tu vas pas manger normalement si je te dis les poumons de volaille. J'ai horreur de ça, les abats. Ouais, mais nous, on les mange en tant que Français, tu vois, les rognons, les tout ça, les couilles. Les rognons de porc, c'est délicieux, bon. Hein, de ouf. Ah ouais. Après, je peux pas dire que je vais manger ça cru, le mec il sera encore vif. La langue de bœuf, oh là là là là. C'est vrai que les Chinois, ils ils préparent moins bien en fait. Mais eux, ils s'embêtent pas à trouver des noms. Non, eux, ils préparent carrément l'animal. Hein, genre, on faisait ça avant, mais... tu sais, dans les présentations. Maintenant, c'est beaucoup moins la mode. On te présente ça en morceaux. Faut plus que ça ressemble à un ouais. animal. Mais à l'époque, dans les grands plats français, quand tu mettais sur la table, par exemple, un morceau de cochon, etc., t'avais la tête, le cochon, il te regardait encore, tu vois, ou la part, ou tout ça, tu vois. Ça, maintenant, tu présentes ça, tu fais oula. Je te mange pas ça, moi. Il m'a regardé de travers. J'ai vu une vidéo, ça se passait en Chine, justement. Et en fait, le mec, il goûte un truc frit et tout. Il dit, oh putain, c'est du bon poulet et tout. Il regarde le chinois, il regarde, il fait miaou miaou. Et crois-moi, sa tête a vite changé. Si tu manges de la chair de chat, les muscles du chat, en vrai, tu dois pas voir la différence. Beaucoup avec du lapin ouais. Non, pas énormément. Mais par contre, tu vas manger, je sais pas, les poumons, le cœur, tout ce qui se mange pas trop d'habitude, le foie. De la cervelle, les yeux. Le mec disait aussi qu'il avait un chat et il se voyait pas manger le sien, tu vois, genre vraiment, il était en mode. En même temps, ouais. Tu vois, genre. Ça, je peux le comprendre. Il allait dans un pays juste pour goûter de la nourriture, pas forcément goûter un chat, quoi. Genre. Ouais, ça c'est pas faux. Il peut tout goûter. C'est pas faux. Ouais. Bah écoute, demain je pars en Chine, je vais goûter un chien. Voilà. Pourquoi dit qu'on a pas déjà goûté au resto chinois du coin. S'il te plaît. Et moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir écouté Dommage, une cover de Nola sur la chanson originale de Big Flo et Oli? Sais pas parce que c'est pas marqué. Est-ce que ce serait pas, l'heure de la bataille des deux minutes? Et bah je crois que ouais, on va se faire une petite bataille des deux minutes. Alors on va voir si on se fait une liste 3 là pendant la chanson. Tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est la bataille des deux minutes? En plus faut que je leur explique chaque semaine. Je le sais. La bataille des deux minutes, c'est tout simplement deux équipes de deux animateurs à chaque fois. Donc sauf si on est 3, ce sera 3 équipes de deux animateurs. Oui, mais là on est deux. Il y a 4 personnes qui jouent, une équipe de 2 et une autre équipe de 2. Ils s'affrontent. Ouais. Dans chaque équipe, il y a un animateur qui doit trouver les mots que cherche à lui dire son partenaire. C'est-à-dire que par exemple, je vais avoir l'objet, l'animal chat à faire deviner à l'autre. Je vais pas pouvoir lui dire le mot chat. Il va falloir que je lui dise c'est un animal à 4 pattes. T'as pas le droit de mimer ou de faire des cris qui ressemblent aux animaux. C'est un animal qui a 4 pattes, il a 9 vies, etc. Et l'autre, faut qu'il dise chat. Et le but, c'est de trouver en une minute un maximum de mots sur une liste de 20 pour supplanter l'autre équipe. Et c'est pas 7 vies normalement, un chat. 9. On dit 9 vies. Hein. Je sais pas. Ça dépend des chats. Je pose la question comme si. Ça dépend s'il se fait écraser au bord de la route à un moment donné, tu vois, ou pas. Lui, il a gaspillé toutes ses vies. Lui, il avait 0,5. 0,5, le pauvre. Donc voilà, donc c'est des animateurs qui s'affrontent pour le titre. Pour l'instant, Vincent est l'animateur le plus titré qui a battu tous les records de ce que j'ai pu connaître, en tout cas dans les batailles de domine que j'ai fait. Et je vais pas vous laisser mon titre, croyez-moi. En deux manches, donc en deux minutes, il a réussi à faire deviner 17 mots. Oh la vache. Rappelle-toi, t'avais perdu contre lui. Ouais, mais c'était pas 17 quand on avait perdu. On a fait 6 le premier et 11 le deuxième. Voilà. Oui, 11, ouais. Et vous avez fait 12 au total, donc 5 mots d'écart. Ouais. C'est déjà un beau record, 12. Oui, quand même 12. Et oui, c'est vrai que faire 11 d'un seul coup, vous aviez battu le record alors que tu devais être avec Teddy, je crois, à l'époque. Non, j'étais avec Pierrick. C'est vrai, voilà. C'est-à-dire que tous les records du Fun Live se sont faits ici dans ce studio, en fait. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Le jeu des deux minutes. Oh. Parce qu'avec mon ancienne équipe. Non, mais c'était des brels, hein, c'est clairement. on allait jusqu'à 7-6. Oui, d'accord, mais nous, même en perdant. Ce niveau, c'est incroyable. Voilà. Mais en un seul, pas alors, en deux. C'est un objet qui peut voler. Un avion Non. Un avion papier, voilà. Le mec, il met une minute pour dire 5 mots quand même. Ouais, mais c'est dur. Après, la semaine dernière, on l'a refait, on a bien galéré parce que j'ai pris une liste des mots un peu plus complexe, avec un dictionnaire complet. Là, je suis passé sur un dictionnaire enfant parce que c'est plus sympa. Alors, c'était pas si complexe parce que nous, avec tes mots compliqués, on a quand même réussi à faire 16. Hein. Ouais. On a failli presque. Pas loin de non, je vois pas de quoi tu parles. Mais bien sûr, tu vois de quoi je parle parce que t'as perdu. Non, je vois pas. Non, tu vois pas. Oui, la semaine dernière, c'est moi qui ai participé. Vincent et Mathilde l'ont gagné face à moi et Pierrick, une fois. Mais bon, voilà, c'était sur un coup de chance et on va en parler. On va arrêter d'en parler, ok. On va jouer dans 3 minutes par contre. Il y a de la musique, il y a plein de choses qui arrivent sur Indestar. Original, reprise ou mashup, l'été est bon sur Indestar, là où tout commence. Là où tout commence, c'est vrai, surtout les débats sur la cuisine, les vins dégueulasses qui peuvent être faits en Chine. D'ailleurs, on dit vin, mais il n'y a même pas de raisin, c'est du riz avec des souris, des bébés souris, il faut préciser. On a plein de trucs dégueulasses. T'en penses quoi, Théo? Quand t'as pas de vigne, bah tu fais avec ce que t'as. C'est vrai, c'est vrai. Là-bas, de toute façon, pour faire pousser du vin, faut savoir. Enfin, faire pousser du vin. Il n'y a pas qu'en Chine, il y en a au Japon aussi. Je sais qu'au Japon, il existe des bars où tu peux goûter tout style d'alcool. Hein. Du coup, du hibou, de l'hérisson. plein de bêtes. Hein. Ils appellent ça de l'alcool. Moi, j'appelle ça des animaux. Bah, parce que tu prends quoi en fait? Tu prends le sang? Tu prends le. Non, il est mariné dedans. Il est mariné dedans. C'est dégueulasse. Ouais. En fait, tous les microbes de l'animal répondent. Non, parce que il y a de l'alcool. Ah oui, ça boue. Ouais. Non, c'est vraiment dégueulasse. Ça tient pas ce que je dis. Mais ça m'inspire pas non plus quoi. Ils sont momifiés en fait dans du vin. Ouais, c'est ça. Et c'est des bars, hein, que de ça. Ouais. Des bars moi qui ne bois pas d'alcool, si tu veux, déjà de base ça m'inspire pas. Mais en plus, je rentrerai, c'est pas ça qui va me faire aimer l'alcool, tu vois. Si je vois une chauve-souris dans un truc, on me dit mais hey, vous voulez pas goûter aussi. Ah, c'est vrai, il y a chauve-souris, il y a plein de trucs. La vraie question, c'est comment ils ont pu inventer ça. J'ai ma petite idée en plus. C'est genre, en fait, tu vois, le mec il faisait du vin. Tu vois, ouais. Il avait sa cuve ouverte et il y a des souris qui sont tombées dedans. Ah. Il a goûté, il s'est dit, mais c'est bon en fait, ça change quelque chose. Et du coup, il s'est dit, on va mettre des souris. Et pareil pour tous les animaux. Parce que ça fait original. Bah ouais. Mais c'est le principe de trop d'originalité, tu sais. Tu fais tomber un truc au hasard, hop, bah c'est bon. Bah oui, pourquoi pas. Allez. Ouais, après c'est un peu. C'est vrai qu'en antenne, je vous parlais un petit peu de quelque chose que j'aime faire ou que j'aimais faire. Culbuter des tartes? Non. Ah non. faire une crêpe où tu mets du Nutella, oui. Du comté et tu mets ça au micro-ondes pour la faire fondre un petit peu pendant genre 10-20 secondes. Pas trop, mais tu vois que ça soit bien. Bah, c'est juste le comté, bon. Avec le Nutella, je sais pas. Ouais, fromage chocolat, c'est pas bon. Ouais. Et bah pourtant, si, ça, en fait, c'est un très bon mélange qui se fait. C'est rare. C'est dans ta tête. Non. Non, parce que quand j'ai goûté, enfin, j'ai quand même travaillé en cuisine tout comme toi. Mais y'a que toi qui l'as fait ça ou t'as fait goûter à d'autres personnes? J'ai fait goûter à d'autres personnes. Ok, et les autres personnes, ils sont mortes après ou pas? Non, mais ils ont dit c'est pas mal. Je leur prendrai pas. D'accord, c'est des très bons amis à toi, ils ont pas voulu te vexer, on comprend. Voilà. Mais moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai mangé cette crêpe au Nutella et au comté fondu, c'est d'abord, je me suis dit putain, il va y avoir le goût du comté et du Nutella en même temps, ça va être dégueulasse. Bah oui. Et pourtant, je l'ai fait sur une grosse crêpe genre de peut-être 50 cm de diamètre, enfin bref. Tu aimes te faire du mal, ouais. Non, j'aime tester des choses. Ouais. Et c'était du comté fort ou du comté... C'était du comté qui venait du Jura, donc du très bon comté. Ah. Ouais, donc il y avait bien... Avec du Nutella. Oui, écoutez, c'est le mélange de la richesse et de la pauvreté, on peut dire ça comme ça. Ah, Nutella... Ah, t'es dans la richesse aussi. Hein. Ah ouais, oui, c'est le haut de gamme de la pâte à tartiner. Industriel, mais haut de gamme. Ouais. En tout cas, au final, ce qui se révèle dans les goûts, ce qui arrive en premier, c'est le Nutella. Et après, une fois que le Nutella est parti, on sent seulement le goût du fromage. D'accord. Du coup, t'as pas les deux en même temps et ça fait pas dégueulasse. Et du coup, t'as vraiment l'impression de manger du sucré et après du salé. Bah pourquoi tu le fais? Parce que c'est bon. Et est-ce qu'une crêpe au fromage et une crêpe après au Nutella, ça serait pas plus judicieux? Bah non, parce que du coup, tu utilises deux crêpes. Ouais, bah ouais, bah tu manges deux crêpes. Alors tu peux, tu peux couper une crêpe en deux, tu sais, c'est pas. Non, ça c'est un blasphème. Faut arrêter ces conneries. Quand tu manges une crêpe, tu manges une crêpe, tu manges pas une demi-crêpe. D'accord, ok. Soit tu te fais une crêpe. Quand tu dis que tu te fais une crêpe au Nutella et que tu la coupes en deux, je trouve ça débile. Bah non, t'es pas obligé de la couper, tu mets un côté comté, Nutella, un côté Nutella. Et tu fais une belle séparation entre les deux. Et après tu finis le Nutella. Exactement. On n'est pas d'accord. Pas ta crêpe, hein. Il veut absolument une nouvelle recette qui est comté Nutella. Non, mais si je vous parlais des cocktails que j'ai pu faire en soirée, genre avec du vinaigre balsamique. C'est pas un cocktail, ça? Ah oui. Du vinaigre balsamique et de la chantilly. Oui. J'ai fait goûter, c'était approuvé par plein de gens par contre. Ça s'appelle un cercueil. Non. Ouais, mais je parie que ça part de là, parce qu'en soirée, il y a toujours un gars que, je sais pas, t'as envie de martyriser. Tu mets des trucs dans un verre. Oui, au hasard. Voilà. Oui. Au mariage aussi, ça se fait beaucoup ça. Oui. Et hop, tu donnes et hop, ça s'appelle un cercueil et c'est dégueulasse. Alors ça dépend, mais moi je l'ai fait parce que je voulais tester. Donc c'était une soirée banale chez un pote pour un 14 juillet. Et en gros, il y avait plein d'alcool. J'ai fait, tiens, avec plein de jus de fruits, je me suis dit, je vais essayer de faire des cocktails comme ça. Voilà, je vais faire goûter aux autres. Parce que d'habitude, quand je le fais à l'arrache, les autres ils adorent. Ils font, oh, c'est trop bon, Isma, vas-y, tu peux me le refaire et tout. Le mec, comment il se Non mais je vous jure, on appelle les mes potes. Les gens te disent, oh non mais Isma, comment il est trop bon. Tu veux un peu te faire une annonce aussi hein. Si vous cherchez à goûter les cocktails d'Isma, appelez au 09 70 407 306. Il est barman mais dans la. Je vous jure que si on appelle mes amis, ils vont vous dire oui. Ouais, non mais... Ils vont vous dire au début, on a dit non, on a goûté, en fait c'était bon, et ils ont demandé après. Mais tu fais au pif ou t'as quand même des recettes? Parce que en vrai, les cocktails au pif, c'est chaud quoi. Tu peux arriver à du bon résultat, mais tu peux arriver à du très mauvais. Après, tu vois, c'est genre, j'ouvre pas la bouteille et je verse comme ça au hasard. Non, j'utilise des bouchons. Les bouchons de la bouteille, quand même, tu vois, je fais des mini doses en gros. T'as des associations qui vont bien ensemble et d'autres qui vont pas du tout. Oui, voilà, parce qu'il y a aussi ce que j'ai déjà bu. Voilà. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on goûte tes cocktails, on est déjà bourré. Tout est bon à ce moment-là. Tout est bon. C'est pas faux, c'est pas faux. Isma fait des cocktails à partir de minuit. Les gens, ils s'en foutent en fait. En fait, il finit les fins de bouteille. Il prend tout ce qui reste et il mélange un peu. Oui, bah je vais vous donner un cocktail que j'avais fait à l'époque. Il n'y avait plus de verre, du coup j'ai fait ça dans un bol. Déjà, j'ai mis de la bière, ouais. Du whisky. Ouais, ouais, jusqu'à là c'est que correct. C'est correct, moi j'ai un bière whisky, je suis c'est là. Correct, c'est dégueulasse, c'est correct. C'est correct, et j'ai rajouté de la chantilly. Ça c'est moins correct. C'est et un petit peu du nec balsamique. Oui. Ça c'est dégueulasse. Avec du sucre de canne quand même, parce que voilà, ouais. C'est chaud. Bah j'ai fait goûter ça. Pourquoi pas t'as chantilly. J'ai d'abord goûté devant tout le monde. J'ai fait bah écoutez, c'est bon. C'est trop bizarre, c'est bon. Il était quelle heure hein. 2h du mat. Et il y avait combien de... Il y avait combien de toilettes dans la maison parce que... Il y en avait qu'un seul. Et à cette soirée là Vincent était là, il pourra en témoigner. Il y a une amie à nous qui a, en allant aux toilettes a des... Avant d'arriver aux toilettes, il y a un grand couloir et elle a vomi sur tout le mur du couloir avant d'arriver aux toilettes. C'est magnifique. Voilà. C'est de l'art. Et les amis, là, vous qui nous écoutez, je vous le dis juste, hein, n'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand vous en abusez. Donc, c'est le moment de dire ça après de dire « Oh, je fais des couilles !» Bah non, mais si on fait pas ça, on va se faire taper, on va prendre des amendes. Ouais. Alors, mais cela dit, si vous voulez goûter au cocktail de Disma, bah, attendez minuit, 2h du mat, c'est bien. Un petit peu alcoolisé quand même. Ouvrez votre frigo, prenez ce que vous avez envie, mettez-le dedans. Non, mais c'est vrai que ça m'arrive de faire des trucs un peu chelous. Ouais. Voilà. Mais par contre, si t'as vraiment la. Genre, parce que tu peux trouver la formule parfaite, tu vois. Ouais. Et enfin, la formule parfaite, disons un truc que tu vois qui s'est pas trop. Qui tient la route. Et qui tient la route. Là, faut que tu notes, là, à ce moment-là. Bah, tu vois, maintenant, depuis cette soirée-là, je fais des cocktails sans vinaigre balsamique. C'est pas mal. J'ai pas retesté. Mais maintenant, tu vois, je fais par rapport au goût. Soit ce qui va. Le goût qui va ressortir, par exemple, sur trois ingrédients, je vais prendre de l'acide, du sucré et je sais plus quoi. De la mer, tu vois. Ouais. Et je vais me dire, ah tiens, là, j'ai mis de l'acide. Tu vois, par exemple, je vais prendre un jus de fruits bien acide, genre du jus de citron. Je vais te mettre, je sais pas, moi, un petit peu de vodka avec. Et bah, en fait, tu vas juste avoir de la vodka à citron. Ça va être acide, mais ça va pas être sucré, ça va pas être si bon que ça, tu vois. Mmh. Autant se prendre un verre de citronade à ce niveau-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu rajoutes un petit peu d'amère. Du coup, je me dis, non, pas de l'amère. Je vais rajouter un peu de sucré pour que ça soit plus acide-sucré. Ça va bien ensemble. Ouais. Parce que de l'amère, tu vois, ça pourrait être genre du pamplemousse. Oui. Mais c'est déjà acide aussi et ça ferait bizarre. Genre citron, pamplemousse, vodka. Ouais, j'avoue. Ouais, ouais donc du sucré, oui, ça non, ça serait pas si bizarre que ça. C'est de la famille des agrumes, donc ça doit bien se marier ensemble. Bah, du coup, ça tu vois. Ça se marie bien, mais ça rend malade. Hein. Ah, par exemple, un truc tout con, mais souvent, ce qu'on fait avec des pommes quand on les fait en dessert, c'est mettre un petit peu de citron des fois. Alors, ça, c'est pas pour le goût. Non, ça sert. Ça, c'est pour éviter qu'un artiste. Oui, ouais. Mais c'est très bon, ça rajoute aussi du goût et c'est bon quand même. Moi, j'aime bien. Alors, moi, j'aime pas. Le citron dans les fruits et tout ça, je suis pas trop fan. Mais normalement, si t'en mets que quelques gouttes, ça se voit. Tu le sens pas au goût. Non, tu le sens pas au goût. Mais par contre, t'as raison, c'est un antioxydant, donc ça permet. C'est utilisé en pâtisserie, donc. Ils restent beaux, quoi. Ils sont pas tout noirs au bout de la fin de soirée, quoi. Ouais. Et donc du coup ce que j'ai fait au final c'était un cocktail vodka, jus de pomme, citron et jus de citron. D'accord. Ça reste basique. Ouais. Après je vous dis jus de pomme mais en vrai c'était un autre alcool, c'était de la manzana. Ah oui. Mais du coup jus de pomme c'est pas la manzana, c'est pas de l'alcool hein. Oh, la manzana c'est pas de l'alcool ouais. Wow. Crois-moi je me suis pris des cuites à la manzana. Il y a un certain degré. Ouais mais bon c'est un truc et ça se boit comme ça quoi. Ouais mais c'est pas du jus de pomme quand même. Le jus de pomme c'est classique, c'est transparent. Je sais pas. Et moi ma question c'est est-ce que vous avez déjà fait vous-même des cocktails relous, des mélanges bizarres. Alors pas des cercueils parce que c'est trop simple, tu prends tout ce que tu veux et tu fous ça là-dedans. Effectivement, c'est dégueulasse, c'est sûr, mais non. Mais essaye de faire quelque chose de bien, et en fait, c'est un truc dégueulasse que t'as fait au final. Ah non, ça, j'ai jamais. Enfin, je m'amuse pas à mélanger des trucs, déjà tout simplement. D'accord. Par contre, il y en a un que j'ai déjà. Enfin, qu'on faisait quand j'étais parti en vacances, je sais plus où, dans le sud. C'était bon. C'était juste de la grenadine avec du whisky. Oh. Ouais, c'est du whisky avec un petit coup de grenadine. Alors, attends, quel whisky? N'importe, du bas de gamme, pas un whisky. Et du whisky, attention, whisky, les pas puristes trop. Ouais, non, mais t'as raison de préciser, parce que t'as des whiskies qui ont un goût spécial. Ah, qui se mélange pas avec d'autres qui trucs. Sinon, c'est sacrilège. Ça ouais. Les fans de Jack Daniel. Enfin, encore, c'est du bas de gamme, Jack Daniel. Et d'autres prénoms. Et oui, non, bah, pas citer les marques, mais. Charles Hector. Buvez du Jack Daniels. Non, en gros, le Jack Daniels, il peut se diluer ou quoi. Enfin, ça ouais, voilà, rien, ça, mais, donc, d'un autre côté, c'est préférable sans. Franchement, non, parce que tu peux le boire plus facilement. C'est... Pour ceux qui ont un peu de mal avec l'alcool, et ça arrive très souvent en fait. Ça... Alors ce soir sur Indestar, on vous donne des bons conseils pour comment être bourré, boire un maximum d'alcool. Tu t'en rends pas compte. Voilà. Surtout que ça, c'est la cuisine. Plus tard, on là. Vous dira comment faire de l'amour avec des fruits et des légumes, hein, pourquoi pas. Non, mais ça, va falloir essayer de continuer. Une belle aubergine. Non, non, mais ça, c'est le problème de comment ça s'appelle le truc que t'as toutes les soirées là. Tu sais, le où t'as des fruits qui sont mélangés avec de l'alcool. Ah, c'est le punch. Le punch. Voilà, ça, c'est le vrai problème du punch. Parce que en vrai, tu bois ça, c'est très traître. Non, mais c'est très traître. Très bon. Il y a plus de sucre que d'alcool et du coup tu sens pas l'alcool. Mais ouais, tu en bois, t'en bois et t'es bourré quoi. C'est surtout ça. En fait, c'est pour ça que la grenadine whisky c'est pas bien. Justement, quand tu prends des verres de punch, t'es en mode en fait c'est un jus de fruits quoi. Ça se voit comme du petit lait. C'est un verre, je peux prendre le volant, j'ai bu 15 3, verres de jus d'orange. 4, 5, t'arrives au 6ème et t'en prends un petit coup sur le fessier quoi. C'est ça. Puis t'en as un autre aussi qu'on m'avait fait tester lors d'une soirée. Whisky coca. Non, même pas de mélange, c'est juste tu mets ta vodka au congèle. Tu mets ta bouteille c'est de. C'est la base quand tu bois de la vodka. Mais. Bah, je sais pas, après, c'est on le fait jamais, mais c'est la base. C'est la base. Il y a plein de cocktails que j'ai fait que c'était sympa. Par exemple, vodka Tagada. Oui, ça c'est connu. C'est super bien. Ça fait rouge et tout. C'est même bon. Est-ce que c'est pas écœurant? Parce que déjà, les frères Tagada. En fait, ça dépend comment tu la consommes. C'est-à-dire que. Et comment tu doses. En fait, les Tagada, faut vraiment que tu les fasses bouillir en bain-marie pour justement en fait éviter qu'il en reste à l'intérieur. D'accord. Et que justement, que c'est ce goût un peu écœurant. D'accord. Et en fait, donc quand tu perds ce goût. En fait, quand tu fais vraiment cuire au bain-marie, les tagadas fondent carrément dans la vodka. Ok. Et après, tu laisses la vodka mariner pendant, je dirais, une bonne semaine. Et après, tu la mets au congélo pendant une bonne semaine. Et après, t'as ta vodka tagada. Qui est rouge. C'est et très frais d'ailleurs. Comme tu peux faire avec les schtroumpfs aussi. Tu prends les parties bleues des schtroumpfs et du coup, t'as de l'avocat bleu. Mojito fraise, c'est très oui, bon. Oui, mais les schtroumpfs, c'est-à-dire les bonbons. Ah, tu mets pas bon. Ah oui, on est pas parlé de fraise tagada avant. Gargamel et Azrael ne sont pas là, ils ne vendent pas des vrais schtroumpfs. Trouve-vous tes schtroumpfs. Non, mais en vrai, tu peux faire ça avec plein de choses. En parlant de bleu, parce que moi, je bois pas d'alcool, mais tu sais, dans les magasins, en ce moment, t'as plein de... Je teste tous les jus de mélange, là, les cocktails, les bouteilles qui coûtent 4€ la bouteille. Ah, Mister Cocktail, non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Les nouveaux cocktails au jus de fruits. Ouais, et c'est et en vrai c'est super bon, il y en a plein de très bons, mais t'en as genre c'est marqué pire pour le cerveau, bien pour le ouais. tu y crois. Tu crois. Toi t'es en mode et t'en as un qui est bleu et qui s'appelle oui, je sais pas il comment. Est super bon. Il est pas mauvais hein, mais c'est surtout en fait tu le prends juste pour la couleur au départ. Tu vois, c'est le truc qu'il est bleu, je vais le prendre. C'est comme Blue Lagoon. Oui, Blue Lagoon, c'est super bon. Le vin bleu aussi, ils disent dans le sud. Hein. Ah, le vin bleu, oui. Comment ils font? Ah bah je sais pas, mais c'est un vin qui est bleu. Ils mettent des schtroumpfs dedans. Ils mettent des colorants à fond. Oui, et en plus, on va dans le sud, il faut qu'on le goûte. Hein. Ok. Et du coup, tu veux que les paparazzis viennent nous voir en vacances, toi. Le vrai Blue Lagoon, c'est fait avec du cuirasso. Ah ouais, ouais, le cuirasso. Et ouais. C'est vraiment super bon cet alcool d'ailleurs. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était bleu par contre. Le cuirasso. Oui, parce que le cuirasso c'est une liqueur d'orange un peu. Enfin. Oui. Mais oui. Pourquoi ça fait d'orange bleu? Alors. C'est pas un club de sport. Le cuirasso, il faut pas. À la base, il est pas bleu. Il devient bleu d'accord. Avec le colorant, mais de base il est pas bleu. Ouais, voilà. Ouais, mais je me suis toujours posé la question, tu vois. Il est orangé vert. Ouais. Mais pourquoi à un moment donné on dit bah tiens, on va le rendre bleu. Ils se sont dit que la couleur bleue ça rappelle un peu la mer, donc ouais, forcément ils se disent l'été. Ouais. L'été, et puis c'est le truc un peu. Il leur fallait une couleur bleue c'est en fait. Ouais, c'est surtout ça. Et puis quel alcool a la couleur bleue? Bah ouais, aucun. Du coup, il en fallait un qui soit bleu. Exactement, il en fallait un. Ce sera lui. Ce sera lui. C'est comme. Bon, alors, je saute du coq à l'âne, hein, mais la pub qui a été faite, et je trouve que c'est un bon coup marketing, sur les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, forcément, on a historiquement toujours mis des bouteilles bleues avec des bouchons bleus, parce que ça rappelle l'eau. Et c'est Vittel qui, à un moment donné, s'est dit non, en fait, on va mettre des bouchons rouges sur nos bouteilles. Tu vois, et c'est couillu en vrai, parce que ça a toujours été bleu, tu vois. Et, pourquoi changer quoi pourquoi changer et pourquoi mettre du rouge et ça a super bien marché parce qu'aujourd'hui tu reconnais une Vittel aux autres, tu vois, et parce que le bouchon est rouge. Alors, pourquoi rouge, je ne saurais pas l'expliquer, mais juste pour dire regardez, nous on les voit à 3 km nos bouteilles. Ouais. Moi je préfère les pars, hein, honnêtement. Pour la digestion. Oh, c'est dégueulasse les pars. C'est une blague, bien sûr. On va peut-être arrêter là de parler de tout ce qui est dégueulasse, hein, surtout quand on s'en met. Alors, ça, son utilité. Quand t'es constipé, voilà. Mon gars. Ah, l'épargne. Ah ouais, ça sonne utile. Bienvenue sur Radio Caca. Non, mais d'accord, en tant que médicament complément, t'as pas le choix, ok. Attends, mais sinon, tu parles bien du coca, moi je parle de l'épargne. Oui, oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que au pire, je prends du coca et pas de l'épargne. Parce que tu vois, je ne peux pas. Mais l'un dans l'autre, normalement, l'épargne, c'est quand même meilleur que le coca. Et puis même, le coca, quand t'es constipé, ça aide pas vraiment. C'est plutôt l'inverse quand t'as la chiasse. Oui, c'est quand t'as la chiasse. Ouais, ça permet de. Bah, en fait, ça fait le truc du nettoyant, ouais, en WC. Ça, hein, ça épaissit. Non, mais ça t'enlève toutes les toxines, tu vois, ça te fait un nettoyage. Nettoyage. Ouais. Nettoyage. Le mec se fait une purge au coca. Non, mais c'est ça ou l'eau de javel, mais c'est vrai que ça supporte un petit peu moins l'eau de javel. Ouais, non, mais en même temps, c'est compréhensible. C'est très bon l'eau de javel. En attendant, ouais, on parle d'alcool et tout, mais on n'a pas fait notre jeu la bataille des deux minutes. Hein. Non, puis c'est même plus de la bouffe à ce stade. C'est vrai qu'on est parti sur l'alcool, bah ça fait partie de la cuisine parce qu'on en utilise en cuisine. On n'en a pas parlé, le rapport alcool et cuisine. T'es sûr que t'as pas bu avant l'émission, toi? T'en veux un rapport alcool et cuisine? Vas-y. Ma mère, elle a déjà fait. Alors, c'est pas un coq au vin, mais elle a mis du curaçao dedans. Oh. Le machin, ça faisait vert. Ah, mais ouais. Parce que c'est cuit. C'était pas bleu, c'était vert. On s'est dit, oh bon, bah tant pis. Tant pis. Ouais, elle l'a servi quand même. Ah, ça. Tu sentais pas le goût, mais ça avait vraiment l'air dégueulasse. Bon, voilà. Vous savez quoi? On va faire notre jeu juste après une musique qui s'appelle Beautiful People Can Go For That Daryl Hall. Oh là là, tout ça, c'est un mashup, je crois. Hein. C'est pour ça que ça porte un si long nom. C'est ça, et c'est de Paolo Montini. J'ai pas la deuxième personne qui a fait ça, c'est le mashup. C'est pas Monty? Il s'appelle juste Monty, ouais, par contre. Monty, je sais pas. Je suis dit Montini, tu vois, ça fait stylé. Paolo Montini. Ouais, ça fait assez italien, moi, ouais, j'avoue. Et on se rejoint juste après ça. Indestar vous souhaite un bel été. Ah, qu'est-ce que je suis bien dans mon transat. On a pas cette chance. Non, bon, c'est comment elle m'a foutu le seum en deux secondes. Genre, bientôt. Comment je suis trop bien sur non, mon nous, c'est qu'est-ce qu'on est bien dans le sauna là. C'est si on a 50 degrés à l'ombre, voilà. On a un ventilateur pour toute la pièce. Ça touche 3-4 personnes sur 6. Moi, ça touche pas du tout. Théo, on n'a pas la chance. Je suis à 10 mètres du ventilateur. On fait tourner le truc sur puissance 3, mais bon. J'ai déjà perdu 700 grammes là, écoute. Merci de la chaleur. 700 grammes d'eau, ouais. 700 grammes d'eau, ouais. Ça, c'est clair. Pas de graisse, bien sûr. Ça aide pas. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? La bataille des deux on parle minutes. De sex-food un peu. Depuis le temps qu'on nous parle de la bataille des deux c'est minutes vrai. Quand même. Ah, vous voulez pas parler sex-food? Bon, ok, après le jeu, après la bataille. Il y a bataille des deux minutes, on va parler une demi-heure alcool. Non mais, Isma le depuis sexe, tout à l'heure. C'est 22h30. Ouais, tout à fait. Et puis depuis tout à l'heure, Isma nous fait oh bah, on a encore pas fait la bataille des deux minutes. Et là, il nous fait bon, alors là, on va parler alcool, sexe. Bah non. Non, j'avoue, je fais exprès, mais juste après la bataille des deux minutes, on va pouvoir passer à une étape supérieure dans l'émission puisque là il est 22h12. Okay. Si vous nous écoutez, vous êtes bien sur indestar.fr, je vous rassure. Hein, on n'est pas sur sexe.fr, cuisine.fr, on vous donne des recettes et tout et des tutos. Après, non, ça nous empêche non, pas on a rien sexe, à foutre. Hein, ça change rien. Qu'on soit sur une radio ou quoi. Ouais, tout voilà. On peut parler de sexe. Quoi. Bah, vous pouvez aussi réagir avec nous là sur les réseaux sociaux, sur nous, Facebook. Avec nous. Venez nombreuses. Bah ouais. Nombreuses. Il y a une page Indestar. Il y a un site aussi, internet indestar.fr. Nombreux. Pardon, excuse-moi. Il y a un Instagram vide. Mais bientôt plein. Voilà. On cherche toujours un chef cuistot du coup. Hein, ouais. Et un sexologue. Mais le sexologue est avec nous, mais vous le savez pas encore. Il attend dans la salle d'attente là. Je crois qu'il y a. Ouais, on a entendu quelqu'un rentrer tout à l'heure dans l'autre salle. On verra tout à l'heure, mais il se peut qu'on ait un sexologue ce soir. Voilà, on vous fera découvrir ça durant le reste de la soirée dans le funnage du vendredi. Mais avant ça, c'est l'heure de la bataille des deux minutes. C'est un peu le moment solennel de l'émission, c'est ça. Hein, c'est ce qui revient vraiment toutes les semaines. Ça bouge pas. Voilà. Donc. Suspense. Oh oui. Gros suspense. Qu'est-ce que c'est que catch, hein. Qui va gagner ce soir? Est-ce l'équipe Vincent Ismaël? Ah bah oui. Il s'applaudit avant parce qu'il pourra pas s'applaudir après. C'est ça. Ou est-ce l'équipe Teddy Chloé? Je sais pas. Elle est où l'impartialité là? Non, mais c'est l'arbitre. On se demande qui met les sons. Hein. Ouais. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un de très stupide ou pas. Mais en tout cas, voilà, on va se faire une petite bataille donc, de 2 minutes. Une minute par équipe. On va faire deviner des mots. Là, il n'y a plus du tout de musique suspense. Là, on est musique Mario Kart. Là, hein, ouais, un peu. Ouais. C'est la course et arc-en-ciel. C'est qui fait le chrono? C'est à moi qui ai le chrono parce que j'ai les commandes. Non, tu vas tricher. Non, c'est un... Non, non, non, en fait, c'est un timer qui est déjà ancré. Donc, en fait, voilà. Juste appuyer sur un bouton. Ouais, et... j'ai pas confiance, tant qu'on n'entend pas le gong à la fin, c'est pas fini. Ouais. Si vous gagnez, c'est que vous avez triché. Tu sais quoi, si t'es plus confiante, tu mets ton timer sur ton téléphone. Voilà. Ouais, ça marche. Il y aura double timing. Voilà, double et c'est timer. Moi qui fais l'arbitre de toute façon. Voilà. Donc, je vais vérifier. T'as de quoi noter, Théo, pour les équipes, bien sûr. Et les points. J'ai de quoi noter, non, mais oui, ça y est. Avec Didi, tu lui balances bien sûr le stylo. Alors, évidemment. J'ai un stylo. Par contre, je veux bien aussi. Je peux pas te prendre ça. Voilà, je te prends un papier. Non, pas celui-là, parce que il est encore en train d'être utilisé, celui-là. D'accord, voilà. Ok, merci. Donc, équipe Vincent, Ismaël et Teddy et Chloé. Dans l'équipe Teddy et Chloé, qui va faire deviner les mots à l'autre? Chloé. Ah, super. C'est Chloé. Ah, je m'arrête. Ah, j'avoue. Ismaël, j'espère chez nous, que t'es prêt. C'est moi. C'est toi. Je te fais deviner. Ok, donc on va commencer par quelle équipe? L'inverse. Non. Mais non, il a déjà fait deviner la semaine dernière. Alors, quelle équipe commence? Moi, je dis honneur aux femmes. Honneur aux femmes, donc Chloé. Les femmes d'abord. Tu vas choisir une des deux feuilles. Un peu comme dans pourquoi honneur aux femmes hein? Vas-y, choisis une des deux feuilles. Voilà. Parce tu as la liste. Vous êtes en minorité. Tu as quelle liste, je Chloé liste. Ouais, pourquoi pas. De toute la manière, je la vois très bien à travers. Alors c'est vrai. On va peut-être éviter là. Regarde là-bas. Regarde. Ouais, mais c'est plus facile de regarder dans les yeux ouais, quand même. C'est vrai. Alors, c'est... juste ouais. Pour donner quelques infos, vous avez le droit de sauter un seul mot. C'est votre seul joker. Par contre, mais vraiment une autre feuille. Parce que j'arrive à voir des lettres. Alors pas des mots parce que j'arrive pas à lire à l'envers. Mais c'était casse-couille aussi. Le relou. C'est pour éviter d'être accusé de tricherie. D'accord. Okay, je suis fair play. Bon, déjà, même si vous trichez, on vous battrait de toute façon. Donc vous avez le droit de dire je passe à un moment donné. Voilà, à un moment donné, mais une seule fois. Okay. Une fois elle, donc, une fois moi ou... Non, juste elle a le droit. C'est elle qui te fait deviner. Si elle arrive pas à te faire deviner, elle peut dire je passe. Si, quoi. L'autre a le droit aussi. On avait fait ça la dernière fois. Non, il y avait qu'une seule personne qui disait je passe. Si, moi je m'en rappelle. Moi en tant que joueur, j'avais dit je passe, vas-y, passe à autre chose, tu vois. Oui, mais le joueur peut aussi le dire parce qu'il trouve pas. Ah oui, bah oui. Mais ouais. On peut le dire qu'une seule fois par équipe. On peut le dire qu'une seule fois. Oui, par équipe. Un des deux peut le dire, quoi. Ouais, ok, gros. D'accord. Donc, vous partez du numéro 1 jusqu'au numéro 20. Enfin, si vous arrivez jusqu'à 20, là, chapeau déjà. Tu ne peux pas continuer tant que tu n'as pas fait deviner le mot. Sauf sur le cas où tu fais le joker, ok? Ok. Donc, tu as une minute pour faire deviner un maximum de mots. Es-tu prête? Oui. Oui, t'es sûr? Oui. Bah, non, je suis pas sûr. En fait, on va pas tenter. 3, 2, 1, top chrono. Le contraire de chaud. Froid. Là où on mange. Cuisine. Salle à manger. Dessus. Table. Oui. On mange des cuisses de. Poulet. Non. Grenouille. Oui. En dessous des chaussettes. Trop tard. Allez. T'as dit le mot. C'est mort. Le groupe des chats. Qu'est-ce que c'est un le chat. Le groupe des chats. Qu'est-ce que c'est félin. Un chat. Plus général. Hein. Animal. Oui. Ce qu'on met sur le dos. Manteau. Gilet. Non. Pull. Veste. Non. Blouson. Non. Un truc où on met des choses dedans aussi. Parce qu'on sac. Met sur... Voilà. Un animal avec une carapace. Tortue. Ce qu'on utilise quand il pleut. Parapluie. Oui. Là où on est. Studio. Plus général. Radio. Plus général encore. Bâtiment. Maison. Non. Je sais pas. Top. Et c'était à la vachette. C'était une salle, mec. Ouh. Wow. J'aurais pas trouvé. C'est chaud. Une salle. Hein. Ouais. Non, j'aurais pas trouvé. Alors, combien de mots ont été validés, cher Théo? 7 mots. 7 mots. Et c'est pas mal pour une première fois. Ouais. Je dois l'avouer. On peut être fier de nous. Ouh. C'est bien. C'est raisonnable. En plus, j'en ai fait faire un, c'est puis, il a dit parapluie, je me suis trompée. Voilà. Mais j'ai dit beau pluie. Du coup, ça compte pas, donc ça fait 6. Ah, c'est trop bien. Ah, mais moi, je suis con. Bah oui, t'es con. Notre fair play est légendaire, je veux pas dire. Si ça se trouve, c'est ce 7ème point, tu vois, qui allait faire égalité avec. Ou qui allait nous faire gagner. Moi, je dis, s'il y a égalité 6-6, on gagne parce qu'on a été fair play. On veut le point fair play. Voilà, là, on t'entend bien, Chloé, ce soir. Faut que je suis trop. Mais oui, c'est on ça. On parle pas encore de sexe, c'est après. T'es pas obligé de le sucer. Je préfère dire gober, tu vois, on va dire. C'est plus joli ou c'est moins. Moins des... Bref, c'est moins imagé que ce sucre. J'espère qu'il a été lavé avant, hein. Le coronavirus, hein. Oui, tout a été lavé avant. Allô, Javel. Allô, Javel. Oui, non. C'est pour ça qu'ils sont blanches, les bonnettes. Non, même allô, Javel, je pense pas qu'elle serait blanche. Non. C'est trop. C'est trop noir. Pour ouais. Il faudrait essayer. Oui. Bah on essaiera plus tard. Non mais elles sont lavées nos bonnettes évidemment. Vincent, est-ce qu'on est prêt à tout défoncer? Je suis ready mon gars. Tu vois, il y a déjà le public qui nous applaudit. T'as intérêt à être chaud patate parce que là moi là je suis prêt à te faire défiler tous les mots là. On rappelle que Vincent c'est le champion du monde. Hein, voilà. Exactement. Bon, je ne veux pas perdre mon titre. Il triche. Je mets mon chrono quand même. Parce que ton chrono. En fait, c'est Ismaël qui a fait la liste de mots. Donc ah bah oui. Okay, Forcément, je les ai tous retenus. J'ai retenu 40 mots comme ça au calme. Bah, t'as eu toute la journée. J'ai eu toute la journée, non. J'avoue que tu peux déjà avoir. Ouais. Comme le mot sale, par exemple, tout à l'heure, il n'y a que toi qui pouvais le trouver en vrai. Bah non, parce que je fais une génération. Enfin, un générateur aléatoire de mots. Donc moi après une fois que c'est généré je fais juste copier-coller et après c'est tout. Et tu regardes pas les mots? Non. Bah vous après je vérifie juste qu'il n'y avait pas de doublons. C'est juste ça. Ouais, bah, comment tu fais sans regarder? Bah je pense que t'as mal vérifié là du coup. T'as vraiment mal vérifié. Sérieux? Oui. Merde. C'est bien. Il a pas vérifié du tout. Parce qu'il y en a un, j'ai fait les 20 mots, puis l'autre j'ai fait oh j'en fais 10 et s'il n'y en a pas de doublon bah c'est que c'est bon. T'inquiète pas. Bah il y avait des. Enfin tu vas. Bon de toute façon si on arrive à faire 20, on est. Vous nous payez le champagne. Allez attention. 3, 2, 1, c'est parti. Un animal à long cou. Girafe. Ok, un truc de préparation. Là, je tiens quoi dans mes mains? Une feuille. Non, oui, mais c'est un autre mot. Un calendrier. Non, un truc de préparation. Une... Préparation. Laisse tomber, passe. Passe, le contraire de lent. Rapide. Ok, avec quel ingrédient on fait le saké? Du riz. Ok, il peut être noir, au lait ou blanc? Chocolat. Ok, le contraire de blanc? Noir. Ok, là on est dans quoi? Un studio. Non, oui, mais... Une salle. Oui, ouais bien joué. Il a mis deux fois. Je sais pas si on le compte. Le contraire de bon. Mauvais. Oui, bien joué. On monte sur... pour monter un... Il y a plusieurs barres. Une échelle. Oui, bien joué. On dit que dans un bus, c'est un truc en... Suspension? Non. C'est un truc public. Transport public. Oui, bien joué. C'est un animal qui vit dans la montagne. Il te fait des... Il vit en meute. Oui, bien joué. Je vais dire ours au début, mais non. Le contraire de dessous. Au-dessus. Dessus. Ok, bien joué. Un animal avec des yeux noirs. Non, trop tard. Alors, trop tard. Alors, le dernier, je le compte pas parce que c'était dessus. Et c'était pas au-dessus. Et c'était pas au-dessus. Et il y en a un autre que je compterai pas, c'est le bah, sale. Bah, la sale. Bah, oui, je suis d'accord. Je suis pourquoi d'accord. Pourquoi? Bah, parce qu'on l'a dit juste avant si et que tu l'avais eu en tête. C'est le doublon. Ah, mais attendez, j'ai pas regardé les doublons entre les deux feuilles. Non, c'est dans la même feuille. Faut pas qu'il nous soit le même mot. D'accord. Ah, non, je pensais pas du tout. Ici, bah, forcément, on vient d'en parler. Merci à vous. C'est non, non, non, non, non, non. Sinon, ne le compte. Je suis d'accord. Je ne l'ai pas compté. Je ne veux pas qu'on me le compte. Ni le dernier. Mais malgré tout. Non, malgré tout, vous êtes en tête. Pas, tu triches. On a en tête. Avec 9 mots. Ok. 9 mots validés. Ok. Je les score. Alors, tu sais qu'il va y avoir une deuxième manche et moi je veux battre mon 17. Vraiment. On a fait 9, donc on est déjà bien là. Ouais, mais c'est pas fini, mec. C'est pas fini. Bah non, il faut faire la revanche. Bah, si tu veux vous voulez faire une revanche. Il y a combien là? Il y a 9 à. 9 à 6. 9 à 6, j'avoue, il y a 3 points d'écart. Est-ce que vous voulez tenter votre chance pour peut-être nous battre sur une deuxième manche? Ou pas? Bah, on n'a rien à perdre. Voilà, vous avez déjà perdu. Juste quelque chose à gagner. On n'a rien à gagner non plus. Voilà. Mais ah bon, on n'a pas parié à un McDo? Ça rajoute des paris comme ça. C'est bien les femmes, ça, hein, tout de suite. Moi, je parie un Big Mac. C'est le début d'une longue histoire. Tu veux, je te paye une banane si tu gagnes. Oh non, j'en veux pas. Et ça, c'est louche quand même. Ouais. Tu parles de quelle banane, Ismaël? Pourquoi une banane? Tu parles de quelle banane? J'ai pensé à une prune, mais je me suis dit, je te paye une prune. Ça va pas être pris dans un sens où je vais te tuer, en gros. Alors, tu vas avoir un accident. Mieux, ouais. Forcément, juste après ce jeu, on parle de sexe avec des légumes et des fruits. Hein. Ouais, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis trop fort. Moi, je te paye un verre d'eau de la fontaine. En plus, en vrai, une banane, quand tu fais ce temps-là, tu vois, c'est vraiment pas le fruit que t'as envie de manger. Une bonne pêche, par contre, c'est. Une bonne pêche, ouais, ça rafraîchit. Tu veux une petite pastèque? Je te paye une pêche. Attendez, vous parlez de fruits là ou... Vraiment sérieux? Oui, de vrai. Ah oui, d'accord. Ah, moi j'y étais pas. C'est quoi les fruits? T'es parti dans les Amazones. Sous-entendu tout ça. Bon, revanche. Sur la banane. Bah ouais. Et est-ce qu'on même la pêche. On garde la même chose, c'est-à-dire Ah ouais, on échange. Ouais. Ah, on échange. Oui, bah on peut pas échanger, elle a lu les mots. Ah oui, bah oui, t'as j'ai pas de mémoire hein. Ouais, si. Arrête. Tu vas faire le coup d'Ismaël. Et après je me souviens que le premier c'était girafe, j'avoue. Ça ne marche pas. Donc Chloé, tu vas devoir faire deviner les mots à Teddy. En vous avez eu 6 la dernière fois, il va falloir faire encore beaucoup mieux si vous voulez battre les garçons. Voilà. Attention, on y va. Vas-y, tu fais le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Une partie du corps en haut. Torse. Non, bras, ouais. On tape avec quoi? Marteau. Un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, bah 3. Hop là. Mère. Papa. Maman. Mère. Indigne. Méditerranée. mère. L'opposé. Père. Ah oui. Ce qu'on porte sur la tête. Casquette. Cheveux. Non, pour écouter de la musique. Casque. Le yaourt est dans quoi? Un pot. Je dis quoi? Enfin. Des mots. Des phrases. Des. Je parle. Tu parles. Ouais, oui, tu parles. Hiver. Été. Été. Printemps. Automne. Dring, dring, dring. Sonnette. Ah, c'est pas fini, cloche. Voilà. un instrument avec. Guitare. Trompette. Oui, bien. Ah, c'était un peu trop tard. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'était un peu trop tard. Je suis désolé, c'était pas sur le début du gong, c'était sur la fin du gong. On verra comment ils font, puis on verra si on gueule ou pas. Il l'a trouvé, non mais faut pas abuser, en plus je me suis planté. Joli score, vous êtes à 9. Bah super. Bah, si on fait moins que 6, ou on 6, il y a égalité déjà. Ouais, si on fait moins que 6, on compte le trompette. Du coup. Non, c'est pas mal 9, bravo. Bah, du coup, là pour l'instant, vous avez égalisé notre score plus 6. Ouais. Vous êtes à 15, oui, c'est bien. Oui. Donc là, ils vont être mauvais. Du coup, merci Isma de me dire le résultat final parce que j'étais en train de compter sur mes doigts, mais j'avais pas assez de doigts pour tenir le compte. Pour une fois qu'il s'est compté. Bah écoutez, moi 2019, j'ai du mal. Après, 6 plus 9, hein, 15, merde. Bon, bravo, bravo Isma. Merci, merci. En fait, j'ai pris ma calculette. Et 1 plus 1 2. 11 ans. Ah oui. Jean-Claude Van Damme forever. Bon, allez vous faire foutre, c'est tout ce que j'ai à dire. Vincent, est-ce qu'on est prêt pour les Je intimes. Suis prêt plus que jamais. Ok. Quelqu'un nous fait le décompte? Alors on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Ok, alors on doit. Dans une chasse au trésor, on doit trouver quelque chose. Un trésor. Ouais, mais plus précisément. Une carte? Non. Une croix? Non. Un endroit? Non, on doit trouver quoi? Bah un coffre. Oui, bien joué. Le contraire du plafond? Bah le sol. Bien joué. Un animal où on peut faire le jambon? Cochon. Oui. Ouais, enfin c'est pas le même mot. Un autre mot. Porcelet. Un porc. Oui, bien joué. Les papis ils s'en servent parce qu'ils ont du mal à lire. Ah non, des lire. Des lunettes, pardon. Non, pas des lunettes, exactement. Des binocles. C'est, ça porte... Monocle. Non. Ils servent avec... ils le prennent dans leur main. On passe, allez. Ok. C'est un animal, il a une queue et c'est tout petit. Ismaël. Ça mange du fromage. Rat, souris. Oui, le contraire de noir. Blanc. Ok, pour acheter quelque chose, tu vas dans un... supermarché. Oui, mais le mot exact. Un marché. Non, le mot exact. Un magasin. Oui, okay. Bien joué. Un animal avec des yeux noirs, il vient du Japon. Mec. Un animal noir et blanc. Mais c'est terminé. C'est important. Mais ça vient de Chine. Ça vient de Chine, pas Japon. Oh merde. C'est exceptionnel ce qui se passe parce que vous avez fait 6. Non. Je suis désolé, mais à un moment, je te dis un animal noir et blanc. Mais tu me dis du Japon. Mais tu m'aurais dit Chine. Je suis désolé que ça vient de Chine. Au Japon. Il n'y a pas de panda au Japon. Un animal noir et blanc, gros. Des yeux noirs. Non mais. Et t'as dit des yeux noirs d'abord, t'as pas dit noir et blanc. Et des yeux noirs au Japon, t'es là. Bon. Et là, t'aurais pu dire on crame les fourmis avec. Hein. Il l'aurait trouvé tout de suite. Est-ce qu'il vous reste des mots, les enfants? Tu crames tes fourmis avec. Sinon, moi, ce que je vous propose, parce comme que là, on est sur une parfaite égalité. On est sur une parfaite égalité, 15 à 15, parce que nous, on a fait 9 la première manche, les 6 à la deuxième, et ils ont fait 6 à la première et 9 à la deuxième. Oui. Alors. Mais il va coûter cher. Il est déçu, Vincent. Ah, mais je suis dégoûté. Je dis des mots, je suis bougon. Ça y est. Alors, moi, je propose qu'on écoute une chanson, et pendant cette chanson, Yann, tu vas nous écrire une liste de mots. toi-même. Oui. Enfin, deux listes de moi, mots. Moi, c'est Théo, moi. Théo, pardon, oui. Ouais, t'as une tête de Yann, c'est pas ma faute, ok. D'accord, ok. Surtout, c'est pas la première fois qu'il t'appelle Yann ce soir. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Ah bon? Ah, j'ai même pas fait Yann. C'est pas la première fois. C'est naturel. Alors, voilà. Faut que je trouve des mots, c'est ça, pendant la chanson. Donc, on a deux minutes parce que pour l'instant, j'ai envie de dire, Vincent, la vie, c'est de la merde. Tu m'as dit. Blanc et un animal blanc avec des yeux noirs. Non, je t'ai dit un animal noir et blanc. Non, t'as dit un animal avec des yeux noirs. Au début, au j'ai Japon. Dit ça. Et après, j'ai dit un animal noir et blanc. C'est noir au Japon. Tu peux mettre tous les poissons. Tu peux mettre tous les cristaux. Et moi, j'appelle ça une idée de merde. Une description de merde. Du coup, on va écouter une chanson de merde qui est de Guédré. Ça s'appelle La vie, c'est de la merde. Oh, franchement. C'est propre, hein. C'est cool, c'est propre, oui. C'est propre, là, ça, la vie, c'est de la merde. Hein. Là, clairement, je te le dis. C'est propre, et du coup, bah, la vie, c'est de la merde. Là où tout commence. Ah, là où tout commence, pardon. Je suis désolé, mais elle avait une voix sensuelle quand même. Là où tout commence. Tu sais que je la connais, cette meuf, quand même. Moi aussi. C'est qui? C'est madame. Non, je dis pas C'est une madame, c'est tout ce que t'as à dire. Oh, attends. On va arrêter de parler de ça, on passe à la suite. Bon, en tout cas, vous avez remarqué, il y a des voix qui sont parties entre-temps depuis le début de l'émission. Pendant un moment, il y avait Vincent qui était plus là, puis Mathilde, on l'entend plus depuis tout à l'heure. C'est normal, faut pas s'inquiéter, c'est juste qu'aujourd'hui, elle était beaucoup au soleil, Mathilde. Et c'est con, mais c'est sûrement tapé une insolation, et du coup, bah, elle est pas très bien, sachant que dans les studios, c'est un sauna. Elle a mal, elle souffre, elle douille. Et on parle de bouffe, d'alcool. Voilà, en plus. Exactement. Et de sexe. Ouais. Et de sexe. Et comme elle évite tout ça, bah, du coup, elle est plus avec nous, elle est partie. Elle est partie pour un autre pays et le pays des rêves. Ouais. Le marchand de sable est passé. Moi, donc, j'ai une info pour toi, si tu veux, Isma. Alors, c'est quoi ton info? Théo, il est en train de faire nos questions pour le. Enfin, nos mots pour la suite de 2 minutes, vu qu'on est à parfaite égalité. Voilà. Ouais. 15-15. Mais en attendant, faudrait faire quelque chose d'autre, parce qu'il est pas. Il est pas prêt. Il est pas prêt, le petit. Ah, allez, il nous a dit 2 minutes là dans l'oreille. Une musique, et c'est bon. Moi, une musique. Je peux vous sortir une petite anecdote sur la nourriture. Bah vas-y. Eh bah vas-y, t'as 2 minutes. Ok, alors on a parlé de McDo tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous connaissez le slogan de McDo? Venez comme vous êtes. Non. Ça c'est le slogan français. C'est un slogan qu'ils ont acheté à je sais plus. Exactement, qui, ils ont acheté extrêmement cher ce slogan. Mais quand 6 millions d'euros je crois, ou dollars. 6 millions de dollars. Est-ce... Je l'ai lu je sais pas quand en il plus. Il a niqué mon info. 6 millions de dollars et ça s'appelle I'm loving it. I love it. Mais non, c'est I'm pas it. La phrase d'un grand sportif. Hein. Je sais plus. Je pense pas. T'as pas l'info avec toi, Vincent ? J'ai l'info avec moi. Ah voilà. Alors en plus, il nous fait. Il nous déverrouille son téléphone avec son pouce là. Exactement, ouais. Exactement. Et Théo en fait, a préparé on va s'en foutre deux listes. Ah, il nous donne une liste, voilà, que je passe à... Non, c'est toi qui va en échange, bah oui. Voilà, alors, donc, pendant la musique, j'ai préparé des nouveaux mots, alors je sais pas s'ils sont... Je pense qu'ils sont un peu plus durs, mais bah, je sais pas... Les mêmes. Tant que tu nous as pas mis tétraplégique, tout va très bien. Non, non, j'ai essayé de trouver des mots pas trop durs, mais, ouais. Mais je sais pas, parce que j'ai fait vraiment ça pendant les 2 minutes de musique, donc je me rends pas compte, ouais. Mais du coup, vas-y, Le célèbre fast-food McDonald's aurait payé 6 millions de dollars pour les 3 mots utilisés pour dans son slogan. En effet, à l'origine, c'est le chanteur Justin Timberlake. Ah oui, quand, dans la musique, quand il dit I'm loving it. Ils l'ont acheté en fait à Justin. Ils ont donné 6 millions de dollars. Dédicace d'ailleurs à Justin qui nous écoute en ce moment. De toute façon, ah bah oui, Justin sur indestar.fr, toutes les plus grandes stars nous écoutent. Voilà. Avec le décalage horaire, c'est bien en plus. Parce que Justin, je suis sûr qu'il est au taquet là. Ah bah ouais, là, il doit être 16h là où il vit aussi. Non, mais peut-être qu'il va nous écouter en podcast. Parce que les podcasts seront disponibles, n'est-ce pas, Espagne? Mais aussi exactement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver en podcast nos dernières émissions pour le Fun Avu vendredi et les autres émissions One Shot de cet été. Bah oui. Je savais même pas. Sur une vingtaine de plateformes internet. C'est-à-dire, peu importe ton application, peu importe où tu te trouves dans le monde, peu importe l'heure qu'il est, tu peux écouter les podcasts Indestar. Bah, ça y est, sur Spotify, Deezer, iTunes, c'est d'autres plateformes. Ah, ouais. Moi, j'utilise des applications qui font que podcast et j'aime beaucoup. La pute de merde! C'est. Ouais. Non, parce que c'est je me rappelle plus du nom de l'application. Je voulais pas te le dire. Mais... Par contre, j'en vois un qui consulte les mots avec intention. Bah, je regarde, oui. Ouais. Pourquoi tu regardes? Alors, Isma, fais-toi plaisir pour trouver des. Alors, des du coup, vous allez continuer à parler, moi aussi je vais regarder les mots parce qu'en fait, on a été dit depuis tout à l'heure qu'il lit les mots et qu'il les enregistre bien. Essaye de les lire d'abord. Alors effectivement, je dois t'avouer que le y en a là, j'arrive pas. Effectivement, ça rajoute une petite difficulté au truc, c'est-à-dire que j'essaie de m'appliquer. T'en as fait 14. J'en ai fait 14, ouais. D'accord. Ok. Mais j'avoue que j'écris pas forcément très bien. C'est-à-dire que on n'arrivera pas à la fin. On m'a demandé déjà si j'avais fait des études de médecine, mais juste pour l'écriture. Quoi. Et t'as répondu quoi du coup ? Eh ben j'ai répondu oui. Alors, m'expliquer c'est quoi ce mot ? Hein, je connais. Tu vois, pas. On peut bien regarder. Ah mais je sais pas si ça s'écrit comme ça par contre. Attends. Tu veux un coup de main ? Eh ben attends, je peux l'aider. Attends, c'est bien le truc que je pense. Ok, je vois, je le passerai. Je te l'ai écrit comme ça. Il t'a donné d'autres mots. Oui, c'est bien ce que t'as voulu. J'ai, okay. J'ai terriblement peur. Je te rends ta feuille pour les points. Face de okay. Non, ça va aller. En vrai, les mots sont plus simples. Okay. Ah ouais. Je... Les mots que je connais. Juste celui-là, on le passera direct parce qu'il est casse-couille. Bon, Ah ok, d'accord. Pas tellement. Donc le mec, il va me laisser galérer sur un mot si je dois galérer quand même. Hein. Le mec, il m'abandonne. Lui, celui-là, je le veux pas. Je le veux pas. Allez, hop. Je crois que non. On va peut-être, on va l'essayer. Du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah vas-y, on comment y va ? T'avais l'air chaud. Moi je suis chaud. Alors, okay. Équipe Vincent, Ismaël, on rappelle qu'on joue au jeu, comment t'appelles ça ? La bataille des deux minutes. La bataille des deux minutes. 20 000 euros sont en jeu. Non, il y a des mots à trouver et moi, tu peux pas te dire des mots de la même famille. C'est ça, je peux pas donner des synonymes. Non voilà, plus. Il faut en trouver le plus en deux minutes et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et pour l'instant, on est à une parfaite égalité. On a fait deux manches et il y a 15 partout. Voilà, et donc, c'est trouvé en une minute par équipe. Ouais, ok. Donc là, ça effectivement. Je parie un Big Mac, hein. je reste là-dessus. Hein. Ah ouais, moi aussi. Hein. Ah, je pense que c'est un peu le fil rouge de la soirée. Vous vous débrouillez entre vous. Un triple cheese. Un triple cheese bacon ? Non, sans bacon. Hein. Okay. Bah, un menu McDo. Hein. Ouais, alors, pas de menu. En fait, bah, ils sont sur la borne, mais en direct à l'ancienne. Exactement, là, on commande pour tout à l'heure. Est-ce que tu prends le petit le petit sundae là ? Ah, bah oui, mais je suis obligé, bien sûr. Il me le propose. C'est si gentiment proposé. Oui, c'est vrai que c'est. Il y a le McFlurry aussi. Ah, le McFlurry, oui. Bon, on va trop loin là. Il est arrivé, attention, dans 3, 2, 1, top chrono. Vincent, tu as les couteaux, les cuillères et la fourchette. Ouais. Quand tu veux aller sur internet, tu utilises quoi ? Google ? Non. Chrome ? C'est un objet, il y en a dans la salle. L'ordinateur ? Ouais. Quand tu bois, tu. Bouteille ? Bois ouais. Une. Une bouteille, une de l'eau. Quand c'est quelque chose comme un coca, etc., on dit que c'est une. Une boisson ? Oui ! Ok. Tu es assis sur quoi en ce moment ? Une chaise. Oui. Tu sais, t'as des tables où t'as juste une planche et on dit qu'il faut mettre des. Tréteaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, pas besoin de passer. Quand tu veux aller sur un ordinateur pour regarder, t'as besoin de quoi ? Un écran ? Ouais. Quand un film est au cinéma, on dit qu'il est sur une. Et on dit qu'il est à. Passe. Ok, on la passe. Comment tu fais pour passer d'une pièce à une autre ? Il faut que tu ouvres une. Porte. Ouais. On est en train de faire quoi en ce moment quand la radio ? Non, en gros, on a déjà fait une première fois, une deuxième fois, et là c'est la troisième fois, c'était une manche. Putain, je voyais pas comment. Ah, j'aurais dû dire. Il aurait pas trop. Je pense qu'il aurait dit. Je vois pas comment dire une manche. C'était un écran, le mot que tu as passé, non ? Non, on a passé. Le cinéma. À l'affiche. Le film est à l'affiche. Et le film est à l'affiche. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. C'est chaud, ah ouais, j'aurais pas trouvé là vraiment. Là j'ai bégayé déjà dessus. Ou alors tu colles des. Des affiches, ouais. Ouais ça, là ça aurait pu passer. Alors on est à 7 points. 7 mots trouvés. Ok. Et, voilà. C'est un peu plus que la deuxième fois. C'est un peu moins que la première fois. Moi je dis bravo. Parce que j'ai eu peur vraiment. Mais peut-être. C'est respectable. Peut-être que Chloé et Teddy vont faire mieux. C'est possible de faire 7 ou plus 1. Ah croire. Oui, bien vu. Hein. Bien vu. Mais non, faut y croire. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention, on y va dans 3 secondes. Ouais, je suis prêt. 2, 1, top chrono. Dans les cocktails, il y a du jus d'orange et. Dans les cocktails, il y a du jus d'orange et du jus de pomme ? Non, en général, une boisson. Vodka, boisson, alcool. Plus général, oui. Leclerc, Intermarché, c'est des. Des magasins. Non, supermarché. Au-dessus. Hypermarché. Oui, sur ta tête, tu portes des. Des lunettes ? Non. Ah, un casque ? Non, sur un ta chapeau. Tête. Sur ta tête. Oui, mais c'est pas un vêtement. Ça t'appartient, ça pousse, oui. Avec ta voiture, tu roules sur ? Des routes. Oui. Quand tu fais du camping, tu dors dans une ? Toile de tente. Oui. Quand tu prends ta douche, tu t'essuies avec une ? Serviette. Oui. Quand t'es chez toi, tu as. Passe. Dans ton jardin, tu peux avoir avec de l'eau ou alors avec du chocolat quand tu manges. Des œufs de paille ? Non, ça dégouline, ça coule. Et une fontaine au chocolat. Fontaine, oui. Alors c'est pas la mer, c'est. La plage ? Non, Pacifique. L'océan ? Oui. Quand t'es pas au rez-de-chaussée, tu es à... L'étage. Oui. Celui-là, je sais pas ce que c'est. C'est la baise. Non ! Putain, je suis arrivé là-bas. C'est quoi ce mot ? De quoi ? Alors, attends. Je peux pas le lire. C'était une cheminée. Bon, j'ai perdu un triple cheese, hein, je le dis. Bon, et ben, tu payes, hein. Je crois que nous avons nos vainqueurs des soirs. Mais oui. Ouais. Je crois qu'on n'a pas été mauvais. Parce que vous avez eu 9 points à cette manche. On n'a pas été mauvais. Ah, j'avoue. On n'a pas été mauvais. 9 à 7, 2 points de différence. En soi, j'accepte ma défaite. J'avoue, c'était. On a quand même fait une belle égalité. C'était honorable. Ah, 2 points d'écart, franchement, ça va. Ça va sur 3 manches. Mais ouais, Chloé, on sent qu'elle est contente, mais t'as raison. Tu vas pouvoir manger burger, c'est sûr. J'ai été obligé de passer meuble, j'ai été obligé de le passer. Je savais pas comment le dire. Meuble. Voilà, vous avez le droit des applaudissements. Pour une fois qu'on a les applaudissements. Et nous, on a le droit d'être hués, c'est ça ? Non, nous, on a le droit aux applaudissements méga. Non ! Ah non, il y a un petit peu de vous quand même. Mais bravo aux deux équipes. On a été bon. Ouais, mais là, je me rends compte que finalement, en fait, mes mots que j'ai cherché à l'arrache sont à peu près. On est un petit peu près dans les mêmes scores finalement que les autres. Là, il était simple. Ouais, c'était assez simple. Bon, bah ok, très bien. Pas compliqué, parce que moi, par exemple, j'avais cherché un dictionnaire adulte un peu plus compliqué, du coup. Ah ouais. Ça me sortait des Eureka, Amsterdam, Einstein... Constitution. Constitution, j'étais là, mais c'est quoi ces mots ? Personne va trouver, tu vas faire un, tu vas être content. Bah non. Je suis parti sur le truc. T'as bien géré pour la table, les tréteaux. Oui, ouais, j'avoue, c'était bien. T'as vraiment expliqué. Bien. Franchement, j'ai réfléchi. Deux secondes, tout de suite, j'ai pensé d'attendre. Il y en a dans l'open space. Il a tout misé dessus parce que, en fait, c'est le mot qui pensait que t'allais buter. Ouais, c'est ça. Donc, justement, après, il a bugué sur d'autres mots et j'étais en mode. Allez. C'est bon, on a le tréteau, c'est bon. T'aurais pas bugué sur affiche. La porte, c'était bon. Après, la manche, ouais, non, on aurait pas passé la manche. Bah, la manche, tu pouvais dire autre chose. Du coup, si t'avais pas bugué sur affiche, tu pouvais parler de la manche dans le entre nord. La France et l'Angleterre, il y a la manche. Bon, mais allez vous faire foutre. Après, il y avait sel, gazon, fenêtre, plancher et serpillière. Bah, poivre, salt, sel, hein. Fait quoi mec, gazon, vert, herbe. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Bon, après. Mais bon, vous avez perdu. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. On va pas débattre là-dessus, ouais. On a perdu, c'est bah, tout. Mais... on ah, vous l'avez triple schiste là. Mais est-ce que les perdants ont un gage à la fin de l'émission? Non, parce que je veux bien un gage. Parce que moi, quand j'ai participé au jeu, il y avait un gage. Oui, c'est vrai. Ouais, mais là, c'était parce qu'on était dans la villa d'Indestar, tu vois. C'était les spéciales télé-réalité. Dans la télé-réalité, tu fais des gages de merde, genre du maquillage, tu vois. Moi, je dis, c'est l'arbitre, c'est lui qui choisit s'il y a un gage ou pas. Tu veux qu'on l'arrose? Bah non, mais je me dis, ouais, on pourrait faire un petit gage à la fin de l'émission, ouais, ça pourrait être marrant. Tu veux qu'on l'arrose? Histoire d'alimenter tes réseaux sociaux. Ah merde, on fait un vote. Quelque chose en rapport avec la cuisine et le sexe. Oh là là, oh là là. Chloé, tu imagines quoi là? Ça peut pas être sur les réseaux sociaux. Alors Chloé, je suis pas sûr qu'on va dormir ensemble ce soir. Je suis pas sûr. Alors là, quand je parle de réseaux sociaux, Chloé, c'est pas Pornhub, hein, c'est nos réseaux sociaux. Le gars, c'est une sextape. C'est bon. Alors ce soir, je suis pas sûr. Se passer à la maison. Ça fait le buzz. Moi j'ai une petite idée du coup pour mélanger les deux et que ça passe sur les gars, j'ai un burger. Ça soit normal. On peut s'en servir, j'ai un burger. Vous connaissez les carwash? Ah bon, oui. Non. Non, tu veux ta... ça, non. Ah, tu veux te... Bah ils font ça sur ta voiture. Oh non. Ah, ça serait trop bien. Ça, deux gars sur ta voiture, bah, ça serait trop bien. Ouais. Il faut de l'eau. Ah ouais, non, bah oui, on a de l'eau. Ouais, c'est Vincent et moi. On a de l'eau. La nourriture, hein. Moi, ça sur ma voiture. Non, je pensais à de l'eau. Et non, mais c'est bien l'eau. Qu'est-ce que tu veux laver une voiture avec une banane? C'est quoi le truc? On va l'encrasser, sa bagnole. S'il y a le petit lustrage après, je veux bien. Moi, j'ai ma banane. Moi, ça me dérange pas. J'avoue que. On se l'a dit, on va pas faire ça ce soir. Non, mais bien sûr. Tiens. Bah non, ça va pas se voir. C'est pas faux. Ils vont pas voir s'il y a une petite tache quelque part. Avec du coca, ça détartre. Ouais, ouais. Ça va être bien collant ta voiture. Mais ça colle. Hein. Je préserve ma carrosserie. Un car wash avec de l'eau. Bah oui, c'est le but, non? Pourquoi? Oui. Bah oui. Ça serait fun. À quoi alors? D'accord. On a dit sur les réseaux sociaux. Oh là là. Sans le maillot, à la rigueur. Voilà. Avec le maillot. Non, sans. Bah non. Ah oui, sans le maillot. En haut, enfin en bas, il s'est habillé. Je me mettrai en short, c'est bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, en short moulant. Okay. Oh, mais vous savez quoi? Laissez mon bébé. Moi partisans. J'ai une idée, c'est qu'on en débat hors antenne. Enfin, non, tout non, à non, l'heure. Non, mais le débat carwash, moi c'est noté. C'est pas non, mais. On va en débattre là pendant 2 minutes 22 avec une superbe chanson de Jeff Hendricks. C'est You Found Me. Il a repris la chanson d'Ellie Goulding qui s'appelle You Found Me. Ah, on va découvrir ça là sur Indestar si vous connaissez pas. Parce que moi je connais pas. Je connais l'original. Et puis juste après. Mais on est où là? On en est à Jeff Hendricks, sir. Ah ouais. Et puis tout à l'heure on écoutera du Mia Rose. Je croyais que You Found Me c'était la reprise de. Comment ça s'appelait là? You Found Me. Ouais, bon, on va mettre la musique. Non, je rigole. C'était bien, je pensais. Ce non-respect. Hey, si c'est celle-là, alors là, j'aurais le droit de chanter après. Si tu veux, en tout cas. Et Jeff Hendrick sera obligé de faire son car wash, je le dis. Hein. Jeff Hendrick sur Indestar, You Found Me. Indestar. Là où tout commence. Là où tout commence. Alors, qui avait raison? Qui avait pas raison, tu veux dire? Bah, c'était moi. Non, mais c'est bizarre parce qu'au début, justement, je suis tombé sur le résultat que tu m'as montré sur du cover en allant. Attends, tu parles de quoi? On parle de la chanson qu'on. On vient d'écouter qui s'appelle You Found Me. Ça a été repris par Jeff Hendrick. C'est l'original. Ouais. C'est du groupe The Fray au final et pas de Ellie Goulding. Ouais. Du coup, je suis très déçu. Et je pense, non, parce que j'adore le groupe The Fray, cette chanson qui était sortie, je crois, en 2009 de mémoire. Ils sont frais. Mais non, mais c'est ça, je me suis dit. Hey. Il a coupé mon micro. Je me suis dit, il va faire chaud, donc on va mettre The Fray. Voilà, tu vois, ça épargne le côté. Non, faut arrêter les blagues comme ça, Théo, s'il te plaît. Ouais. Non, je vais arrêter de couper ton micro parce que c'est très pas gentil. Mais c'est par pas contre, pro, tu avais dit que j'aurais le droit de chanter si j'avais raison. Est-ce que tu as la musique quelque part pour chanter par-dessus? Non, pas du tout, juste sortir les paroles, mais je peux. Ouais, juste en yaourt comme ça. Comme juste ça, le refrain, tu vois. Si vous êtes encore nombreux à nous écouter, mais il n'y aura plus personne. Eh ben, alors, je mets un jingle. Ouais. Et c'est à toi de chanter. D'accord. Sur un jingle. Oh, avec un bon jingle. Il y a besoin d'un jingle. Attention. Un peu de réverb peut-être. Vous souhaite un bel été. Ah, qu'est-ce que je suis bien dans mon transat. Et avec Teddy. When I'm falling in love. Si vous voulez un réverb. Ah putain. Ah voilà, comme ça. Oh ouais. Echo. Non, il y a que toi que ça marche pas. Ok. Oui, toi ça marche ou pas? Toi t'es pas dans l'église. When I'm out of me, you found me, you found me. When I love a girl, you mourn me, you mourn me. Voilà, c'était un massacre. C'était un massacre. Faut continuer là. Ah, mais je sais pas, on n'a pas la suite. On n'a pas le texte. Mais on n'a pas le texte. Si tu veux, on associe Spergues Taboulé. Ah bah oui, il faut un jingle de fin. Ah bah, Là où tout commence et là où tout se termine aussi. Ah, t'as loupé ça, Chloé. T'as loupé très beau moment de radio. Voilà. Là, il y en a quelques-uns qui prennent la douche. Le bon temps. La douche d'air frais, en fait, tout simplement. Ouais, mais même pas parce que dehors, il fait quasiment aussi chaud que dans le studio. Non, il fait plus froid. Ah, c'est vrai? Parce qu'il y a du vent. C'est rafraîchi. Bon, ouais, voilà, c'est cool le vent. J'ai les fesses qui collent tellement. Alors, il y a Vincent qui revient de dehors aussi après Chloé qui nous dit pas du tout. Pas vraiment d'accord, ouais. Bon, on va falloir vous mettre d'accord, les cocos. Parce que moi, si vous me dites qu'il va faire frais dans la voiture, il y en a un qui me fait non, putain, il fait chaud avec la clim pendant qu'on part en vacances, sur 8 heures de route, ça va être chiant. T'as la clim dans la saxo? Les fenêtres ouvertes. Non, on prend pas la saxo, on prend une plus récente. On a on prend la voiture de ma maman. Une grosse voiture, parce qu'on est 5 quand même. Ah oui, 7 places. Donc on prend une 7 places. D'accord. Parce que 5, il faut les valises et tout. Un bon espace avec les enfants. C'est une Dacia. C'est une Dacia Logan longue. Qui dit la bagnole. Demain, on a plus de pneus. Ça donne pas envie. On en parlera. Demain, on a plus de roues. Demain, on a plus de roues. On en parlera dans Starter. On a Dacia Logan. Je vous le dis, moi, ma prochaine voiture que je prends. Prendre, c'est une Citroën C5 berline. Phase 1 par contre. Ça ne rigole plus. Les premières? Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, mais elles sont pas chères pour 2005. Bah non, mais ouais, mais attends. C'est peut-être pas aussi dégueulasse que la bouffe qu'on va parler tout à l'heure. La bouffe. Parce que là, ça va taper dans le. Ah oui. Ouais, dans le dégueulasse. Oui. Mais avant, on a quoi, Isma? On parle de quoi? Bah, on m'a piqué ma feuille. Moi, je veux bien parler. C'est pas la mienne des... Non, c'est. Si, non. Mais d'où c'est bon. T'as pas besoin de ta feuille. Bah si, pour parler sex food. Ah, tu veux parler sex food tout de suite? Explique-nous le principe de la sex food. Alors, est-ce qu'on en parle tout de suite? Sinon, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Parce que moi, je voulais proposer les 10 choses sur la nourriture à savoir. Vas-y, allez, à 23h top. Rentrer dans le hard. Ok, ouais, justement. Donc, j'ai une petite anecdote sur le sex food. Ok. Oh là là là là. Alors, elle qui normalement n'est pas du tout pratiquante, elle l'a dit au début de l'émission. De sex food, elle a dit. Ah, les deux. Alors, je suis pas pratiquante, mais là c'est pas dégueulasse. Mais je suis croyante. Oh, d'accord. Bah, avant de parler, c'était pratiquante. On en parlera de ton anecdote, mais d'abord, vas-y, dis, raconte-nous ce que tu voulais nous dire. Alors, sur les 10, c'est quoi les 10 choses les plus dégueulasses? Les 10 choses à savoir sur la nourriture. Ah, c'est des trucs vraiment à savoir. Des connaissances. Exactement. On va commencer par le miel. Ouais. Le miel, vous allez me dire un nombre d'années qu'on peut conserver le miel. Ça se périme pas. 3000 ans. Non. T'as lu l'article. Ah, c'est super long, ouais. Non, mais ça se périme pas. Si, ça se périme au bout de 3000 ans. Non. Si. Si. Au bout de 3000 ans, c'est impossible. Bah si, je te. Mais connais. Alors, qui a vérifié? Parce que le mec qui s'est dit, bon, on va voir au bout de combien de temps le miel. C'est très simple, c'est parce qu'on en a en fait. Il y en a, du miel ça a toujours existé, hein, ça existait même à l'Antiquité, et oui. Il suffit qu'il ait 3000 ans. D'accord, et là tu dis, oh. Il est plus bon. Mais, jour près, en fait, comment tu sais exactement qu'il a 3000 ans? Tu vois, c'est exactement. Ouais, c'est il y a beaucoup de choses, c'est comme les os de dinosaures et tout ça, il y a des études. Là t'analyses et tu dis, il a été fait en 1902. C'est, comment tu sais que le dinosaure, il a je sais pas combien de millions d'années? Ouais, après, comment tu sais que les dinosaures ont vraiment existé? Enfin, on peut partir sur est-ce que c'est pas un complot? Là on part sur des mythes ou des mythes et non, mais le miel, par contre, c'est. 3000 ans. Moi, je me maintiens. Restons sur les 3000 ans, mais de toute façon, c'est hyper long, 3000 ans. En bac à cave. Personne ne pourra. Ouais. Autant que la belle-mère, quoi. En vrai, quand t'achètes le miel, tu te dis, bon, pour moi, il est impérissable parce que de toute façon, c'est pas qu'il est périr avant. Franchement, 3000 ans, moi, ça me fait ça. J'ai un petit creux. Ça, voilà. Ouais, mais au bout de 3000 ans, tu pourrais pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il serait pas périmé, mais par contre, il serait dur. Il serait cristallisé en fait. Oui, bah, faut juste le faire au fond. Faut rajouter un peu d'eau aussi. Ouais. Alors, tu refais du miel. Je vais vous parler de la marque Nestlé. Oui. Ouais. Alors, il faut savoir que la marque Nestlé, elle a été créée par hasard. Vous allez me dire, Hasard. Ah, c'est qui, monsieur Hasard? Non. Thierry Hasard, c'est le même qui a fait le jerk. Ça a été créé. En fait, normalement, c'était un cookie au chocolat. Ouais. Et en fait, le chocolat a un peu périmé, a été laissé au chaud, quoi. Cramé. Ouais. Et en fait, ils ont utilisé cette recette avec le chocolat chaud. Chocolat un peu vraiment blanc, limite. Enfin, c'est chocolat noir, mais qui est devenu blanc à cause de la chaleur. Ouais. Et en fait, ils ont utilisé cette recette, et ils ont trouvé que ça avait un bon goût. Et du coup. Ils ont créé une marque qui s'appelle le chocolat Nestlé. Ah voilà, ouais. Simple, basique. Et ça vient de Kenneth et Ruth Graves Wakefield. Oula, ça sent l'américain. Ça sent l'américain, exactement. Et ça a été inventé par erreur, comme ils disent. Inventé par erreur par un jeune couple. Incroyable. Ça rapporte bien, les erreurs. Ouais, erreurs, là, ça a bien rapporté. Ensuite. Oui, c'était le erreur Windows, ça. Le plantage. C'est trop. Oui. Ah, je peux pas le faire plus rapidement, je voulais faire une espèce de musique et tout. Mais il y en a des remixes de ça. Il va nous faire un set électro carrément. Ah, c'était le son sur Windows 98, ça, un truc comme ça. Hein. C'est très vieux. Celui-là, c'est XP. Ah, c'est XP, ça. Ouais. Ah, ok. Il y a une étude qui a été faite sur le chocolat par des étudiants, ouais, qui en fait mangeaient du chocolat avant un examen et ils avaient de meilleures notes. Ah, j'avais entendu cette étude. Oui, exactement. Ça a été mon excuse. Pour avant le bac, bouffer plein de tablettes de chocolat. Est-ce que t'as eu le bac du coup? Oui. Mais voilà, merci le chocolat. Mais manger du chocolat. Manger du chocolat. Il y en a d'autres, ils s'embêtaient. Comment ils appelaient ça? Réviser, je crois. Ouais. Et, moi non, chocolat. Voilà. Mais ça a plein de facultés parce que c'est un antidépresseur aussi. Ah. C'est euphorisant. Ça te rend joyeux. Ouais. Ok. Très bien. Si t'as pas de mec, bah tu prends un chocolat. Ah, c'est pas pareil, c'est différent. Alors, par contre, tellement de sous-entendus dans ce que tu dis. Exactement. Alors, tu prends le chocolat, d'accord, mais. Ah, je le prends, mange-le. Mange-le, le chocolat, vraiment. On va parler des pizzas maintenant. Oui. Je le prends, je le retourne. Les pizzas diminuent le risque de tumeur. Ah ouais? J'aimerais bien savoir pourquoi ou qui. Alors, qui c'est le couillon qui a fait une étude là-dessus? Non, mais ouais, ça dépend ce que tu mets dans ta pizza, non? Bah, ouais, clairement. En fait, c'est dû au lycopène. C'est une matière qu'il y a dans la farine de blé de la pizza. Ah, c'est dans la pâte à pizza. Exactement. C'est la farine normale. Alors, attention. Cela est notamment dû au lycopène qui est présent dans la farine de blé et dans la sauce qui en fait un antioxydant. La sauce tomate? La sauce de pizza, c'est le truc que tu rajoutes dessus là ou Non, la sauce, je pense. C'est la sauce tomate, je pense, ouais. Ok. Tu voilà. Peux manger de la sauce tomate, hein, c'est moins gras. Que toute la pizza, ouais. La farine, tu peux aussi, hein, c'est encore moins gras. Mais... Voilà. Juste du pain. Tu la sauce tomate, un peu de farine. Ouais. En soi, tu manges du pain avec de la sauce tomate, c'est une petite pizza, c'est quoi. Bon pour ça change pas grand chose. Ça, tu meurs. Du pain et de la sauce tomate, quoi. Alors, les glaces utilisées dans les publicités sont le plus souvent faites avec de la purée pour éviter qu'elles ne fondent entre les différentes prises. Oui, ça, c'est connu. Et t'as déjà vu les affiches pour les McDo, pour les burgers, ils peignent leurs burgers. Ah oui. Ça, j'avais déjà entendu. Ils peignent pour justement prendre une belle photo. Ouais. Sinon, ça a pas de gueule. Hein. Ils peuvent prendre des faux éléments et mettre des cure-dents pour que ça reste beau. Il y a plein de. Parce que effectivement, je sais pas si vous avez déjà essayé de comparer une pub, une publicité pour un burger et le hamburger qu'on te sert dans ton truc, ça n'a pas du tout la même forme. Disons qu'il est pas peint, note. Non, non. Heureusement, peut-être. Heureusement, mais c'est presque de l'art, hein, tout ce qu'ils font. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Biche, ouais, c'est de l'art. Bah, le noix, tu te demandes vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Ah, le noix, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Bah, vaut mieux pas manger ceux des pubs, en fait. Non. Surtout ça. Ah bah non, parce que eux, ils sont imbouffables, comme tu as dit, c'est de la purée, en fait. C'est pas très bon, la purée en classe. Je vais vous dire quelque chose et vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Le thé noir face au cancer du poumon. Bullshit. Bullshit ou pas? Je sais pas. Oui. Et tu as le résultat. Moi, j'ai le résultat. Le thé noir, pourquoi le thé noir? Oui, allez, oui, oui. Pourquoi que le thé noir et pas le thé tout court? Commence pas, Teddy. Commence pas! Sinon, on est là à 2h du matin. Réfléchis pas trop, s'il te plaît. Ou pas bullshit? Mais de toute façon, c'est pas bullshit, sinon il serait fort comme info. Mais ça sent que. Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Ouais, pareil. Bullshit ou pas bullshit, Chloé? Parce que c'est con, sinon tu prends de l'esti. Moi, je dirais. À la fois, je dirais vrai, mais. Mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Ismaël, bullshit ou pas bullshit? Moi, je dis ça. Ok, alors c'est pas bullshit du tout. En fait, il y a une étude qui a été refaite encore. Le thé noir diminuerait l'incidence du cancer des poumons, mais également de l'œsophage, de l'estomac, du rectum et du pancréas. Est-ce que juste par rapport à ton étude, parce que moi j'aime bien comment on commence par... Il y a une étude américaine qui... En fait, non, mais c'est trois gars dans un garage. Ils ont testé des trucs pour leur joint, par exemple. Et justement, ils ont fait une thèse là-dessus. Ils auraient un effet protecteur pour soulager les poumons endommagés par la cigarette. Donc ça veut dire que le mec qui fume une cigarette, il se prend un thé noir, la cigarette, elle passe tranquille. C'est bon. En fait, finalement, c'est bon. C'est continuer de fumer, mais buvez du thé noir. Ok. Mais pourquoi noir? Alors, une canette de Coca Light flottera dans l'eau tandis que la canette de Coca normale coulera. Ça, c'est logique. Je vais t'expliquer. Pourquoi ? Pour le sucre, hein, parce que le sucre est très lourd. Hein. Exactement. Cela est dû à la quantité de sucre. Ce qui augmente. Ça se voit sur mon corps, d'ailleurs. Bien joué, qui augmente la densité et le rend plus lourd. Moi, je coule plus facilement. Il y en a qui floutent. Quand tu fais la planche, et ben, c'est comme s'il y avait un parfum accroché. De base, on coule tous. Hein, c'est pour ça. Non, il y en a qui flottent. J'ai jamais compris ces gens qui flottaient sur. Alors c'est facile, c'est la respiration. Oui, mais même moi je gonfle mes poumons, je coule. Hein. Non. Personne peut couler si on gonfle les poumons. Ouais, bah normalement, oui, quand t'as de l'air à l'intérieur, en fait, exactement, tu flottes. Les poumons servent de bouée, en fait. Quand oui, mais ça te tient pas à l'eau. Moi, il y a juste ma bouche qui sort de l'eau. Bah, en soi, tu te noies pas, gonfle tes poumons et tu respires pas. Mais il y en a qui tant que je retiens ma respiration, je me noie pas. Mais une fois que mais je flotte pas comme les gens en fait faire la planche. Toi, j'ai eu ce problème moi quand j'étais en 6ème pour. C'est dur à stabiliser. Les interclasses, ça coule. Mais oui, les interclasses, putain. J'étais une quiche en piscine. Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui part sur mon prochain article du coup. T'as dit quelque chose qui est totalement véridique. Le chocolat noir est un élément chimique aphrodisiaque. Oui, que le corps convertit en phényléthylamine. Une hormone ou je sais pas. C'est la même molécule qui crée lorsqu'on tombe amoureux d'une personne. Une hormone. Ouais. Donc c'est une hormone qui clairement. Tu vois une tablette de chocolat, le coup de foudre. Non, mais c'est pas en la voyant que tu la sécrètes, c'est en la mangeant. Je comprends pourquoi j'ai eu du mal à tomber amoureux, j'ai jamais mangé de chocolat. Mon dieu. Mais t'as mangé ta copine. C'est pas du chocolat. Ça a le même goût. C'est un peu plus salé vu qu'il fait chaud. Ça, par contre, c'est franchement, ne reproduisez pas ça. Enfin, surtout, ne buvez pas après, quoi. Pour éliminer les mauvaises odeurs dans les chaussures, il vous suffit de mettre un sachet de thé à l'intérieur. Ouais. Oui. Oui, ça c'est d'accord, vrai. D'accord. Mais n'utilisez pas le sachet de thé après. Non. Soyons. Bah, ça d'accord. Fait un petit goût en plus. Hein. Non. Oh, je crois que j'ai soif, tiens. Non, mais allez, t'as raison de préciser, Vincent, parce que certains pourraient tenter le truc. Mais attends. Et ça serait un bon gâche. Si c'est bien pour l'odeur des pieds, ça peut être aussi pour ma bouche. J'avoue. Un petit gâche. La prochaine fois que vous perdez, vous ferez ça. Tu dis ça, Chloé, parce que t'as gagné, on est d'accord. Après, quand j'aurais perdu. Il y a des gens, ils sentent pas leur propre odeur corporelle, alors tu sais, ça les dérangerait peut-être pas. Ouais, bah, mais... hey, les masques, hein. Ceux qui doivent puer de la gueule, hein. Les masques, c'est sûr, c'est le truc qui va leur faire rappeler leur odeur de bouche. Ah ouais, parce que oui, t'as raison. Ça fait un aller-retour, hein, vraiment. Si le mec tombe dans les pommes, c'est pas qu'il a eu trop chaud, Moi, j'ai une pote, justement, depuis qu'elle a les masques obligatoires là, récemment dans les espaces clos et publics, elle se lave 3 à 4 fois les dents par jour, du coup. Ah oui, ah, psychote là-dessus. Mais, non, mais peut-être qu'avant, vraiment, elle a peut-être une mauvaise haleine de base. Ouais, ouais. C'est des gènes. Ouais. Hein, ouais. J'avais pas remarqué au début qu'elle se lavait autant, puis je sais pas, on allait chez elle et elle a fait. Genre, je suis arrivé à 11h, entre 11h et 23h, elle s'est lavé 3 fois les dents en plus, quoi. Je me suis dit, déjà, elle a dû le faire le matin, ouais. Midi, après-midi, soir. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'elle est-ce que je vais aller chercher dans la bouche? Non. Moi je dis juste elle a une collaboration avec Colgate, il faut pas vraiment qu'elle utilise les produits, quoi. J'utilise le nouveau Colgate. T'es sûr que c'est pas une Instagrammeuse? La France, c'est l'un des seuls pays d'Europe qui est en autosuffisance au niveau de nourriture. Moi, c'est pas gagné, ça. Hein. Si. Enfin, on va pas rentrer. Je parle niveau agriculture. Oui. C'est-à-dire. Pas au niveau masque, hein, pas. Non. Niveau masque, c'est clair. On est dans le pétrin. Au niveau bouffe, on peut s'assumer tout alors, seul. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, si on a un embargo comme Cuba. Qui nous arrive sur pourquoi Cuba, il y a de la réverbe. Je suis sûr, c'est dit Cuba, ça fait Cuba. il teste un peu la table de mixage. Et donc, s'il y a un embargo, si par exemple on ferme les frontières dû au coronavirus, nous en France, on aurait pas vraiment, en fait, on n'aurait même pas besoin de ramener des produits d'ailleurs pour vraiment se nourrir et vivre. T'as regardé le film La Plateforme, hein? Oui, j'ai regardé le film La Plateforme. Tu te dis que dans notre pays, tu auras les riches qui vont bien manger. Et les pauvres qui vont crever. Mais on a un pays autosuffisant. Ça, c'est un autre débat. C'est autosuffisant, mais pas pour ce débat. C'est autosuffisant. C'est en termes de chiffres. C'est en termes de chiffres. Sur le papier, ça marche. Ouais, non, après. Mais ça implique aussi que. Il n'y a pas de stress, tu vois. Il y a point S. J'y pensais. Non, mais qu'on se rue pas tous sur la nourriture à acheter 150 paquets de pâtes. Parce que ça me chose qui est arrivée au début du Covid. Chose qui est arrivée au début, qui arrive à chaque fois qu'il y a une couille, quoi. Les paquets de pâtes allaient bien, moi, je trouve, dans mon supermarché. Ah, pas dans le mien, moi, il n'y avait plus de pâtes, moi. Par contre, chose qui n'allait pas bien dans mon supermarché, on peut en parler. Le papier toilette. S'il vous plaît. Mais pourquoi? J'en ai besoin, moi. Tout le monde fait caca. Pourquoi acheter 150 rouleaux de papier toilette? C'est pas parce que t'as le Covid. C'est pas périssable. Non, mais c'est pas parce que t'as le Covid que tu vas chier trois fois plus. C'est pas le Covid qui va te faire chier trois fois plus. J'ai pas compris non plus. Ça va pas te faire bouffer plus de nouilles non plus, en théorie. Mais exactement, mais c'est juste que les gens, ils ont plus mangé pendant le Covid. Non, mais en fait, ils se disent. Pour oublier leur fracas. Vu qu'on mange plus parce que forcément on reste confiné. Ouais, donc plus de papier toilette. Plus de papier toilette. Ouais. Non, mais il y en a. Il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter quand même, hein, mais il avait acheté 200 paquets de compotes. C'est pareil, à quel moment? Parce que j'ai une. Je sais pas, je mange des compotes régulièrement, de façon raisonnable. Genre, 200 paquets de compotes, ça me fait 4 ans. Hein. Mais tu sais que quand il y a eu le Covid, j'ai dû demander à ma voisine au moins 8 ou 10 fois. Du papier toilette. Ouais. Mais vraiment, ma voisine, mais oui, elle a accepté. Ah bah, c'est le truc le plus excitant. Elle est gentille, d'aller demander du papier toilette à oui, c'est très gênant déjà. Elle est gentille, mais elle est bizarre. Je vous vois à travers la fenêtre, vous êtes aux chiottes. Le problème, c'est que j'ai demandé ces 8 ou 10 rouleaux en une semaine et demie. Mais tu vois, vous avez fait que chier pendant le corona. Je pense que je revenais d'une tourista ou je sais pas. Ah ouais. Je me sentais pas très bien. Et clairement, ma voisine, à un moment, elle en avait eu marre, hein, vraiment. Elle me regardait en mode. Mais je pense, elle faisait partie des gens qui achetaient beaucoup de papier toilette. Parce que arriver chez elle et me dire. Elle donne carrément 10 rouleaux, elle était vraiment généreuse en papier toilette. Mais je pense qu'elle avait du stock, elle. Hein. Ouais. Je pense qu'elle avait du stock. Après, si tu veux, il y a une solution. Au problème du PQ, si t'as pas de PQ, ben tu te fais installer un bidet. Oui, les Japonais, dans les pays asiatiques, ils font souvent ça. En fait, ils se mettent avec le petit jet d'eau et tout. Ça, c'est trop bien les toilettes. C'est trop bien. Moi, quand j'étais au Japon, c'était le top. Dans la plupart des pays hors Europe, ça marche comme ça. En Afrique, c'est la même chose. Mais nous, on est retardés, hein. On est sur l'utilisation de papier. Mais nous, on est utilisation papier. Mais c'est vrai que c'est pas le plus hygiénique. Ah non, clairement. Le bidet, c'est super hygiénique. Non, le papier. Ah oui, le papier, c'est pas. Bah non, même d'une, c'est pas hygiénique. On s'essuie du mauvais sens la plupart du temps. Oui. Attends. Vers le haut ou vers le bas? Alors, quel est ton sens? c'est pas par... Je sais pas comment dire. Bah oui, mais attends, justement. C'est pas par devant, c'est par derrière qu'il faut s'essuyer. Tu parles pour les femmes, peut-être. Pour les femmes et pour les hommes. Main derrière ou main devant? Donc du derrière vers le devant. Je comprends pas. En fait, il faut pas s'essuyer du derrière vers le devant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller de devant à l'arrière. Voilà. Oui, bah, chose que ouais. d'habitude. Beaucoup de gens font ou ils se trompent. Hein. Ah bon? Après, alors, pour ça, il n'y a pas vraiment de sens. Alors, je viendrai vérifier dans les toilettes. Attendez. Ça soulève un point intéressant, mais c'est pas exactement ça. C'est, pour le cul, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu peux te nettoyer dans tous les sens, tu peux récurer, tu peux faire des ronds, c'est pas grave. Tant que c'est propre, c'est ce qui compte. C'est plus pour les vagins. C'est important pour la flore intestinale. Tu peux faire des ronds. Tu peux faire des ronds. Voilà, c'est ça. Ça peut vous faire des infections. Non, on n'est pas trop sujet à ce problème-là. Non. Honnêtement, je t'avoue. Alléluia, quoi. Ça, je te jure. Non, mais moi, en fait, j'ai des potes qui, eux, ne se mettent pas. Par exemple, quand ils font juste pipi, ils ne s'essuient pas la bite. Avec un petit bout de papier. Ça arrive, il y a des gens qui ne le font pas. Il y en a, ils s'essuient sur alors, les murs. Hein, moi, je le fais pourquoi? Parce que justement, bah, pour ceux qui ont un prépuce, et bah, c'est compliqué parce que ça peut rester à l'intérieur et puis ça peut faire des infections urinaires, tout simplement. Ah ouais. Donc, essuyez-vous un petit peu la tub, s'il vous plaît. Et lavez-vous les mains. Et lavez-vous les mains. Super. Et avant manger, si vous voulez. Ceci est un message du ministère de la Santé. Avant de serrer la main, alors ça se fait plus maintenant. Mais avant de manger les cacahuètes. Oui, aussi. Exactement. Parce qu'il y a une étude. Il y a une étude en vrai qui était menée. Il y avait de l'urine dedans. Ils ont retrouvé. Traces d'urine. C'était dans des traces d'urine et de sel. Ils en ont retrouvé vachement des traces d'urine, effectivement, dans les trucs de cacahuètes qu'on te sert dans les bars gratuits là. Bref. Ah, bah j'en mange jamais, ça tombe bien. Ils en servent plus. Je comprends pourquoi. D'accord. Ah oui, non, mais c'est. C'est ça, ce petit goût salé. Lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Faites ça au moins. Surtout avec le Covid en ce moment. Oui, enfin. Non, mais là, on sert plus la main en ce moment. Non, mais après, par contre, il y a eu un développement avec le Covid, c'est qu'il y a des gens qui étaient sales avant, qui sont devenus propres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient en mode. Qui ont pris conscience qu'il fallait se laver exactement, les mains. Exactement. Exactement. Et puis il y a des gens qui ont voulu se faire passer pour propres, mais qui étaient sales. Ça aussi, ça marche. Mais ça, c'est la France qui est champion pour ça. Ouais, on a cette réputation. On n'est pas réputé, effectivement, pour être des gens très propres. Propre, après, bah, c'est surtout bah, on voit nos papiers, rues, ouais, on voit nos papiers par terre c'est dans les rues. Mais ça vient surtout pas de l'Antiquité, du médiéval, Louis XIV et tout ça. Ça vient de là, la réputation que les Français sont sales. Oui, parce et que... ça continue, évidemment. Parce alors, ça les rois ne se lavaient pas et mettaient du parfum pour essayer de camoufler les odeurs. Mais non, mais c'est vrai que nous, en tant que Français, on n'est pas réputé pour se laver très souvent, etc. Avoir une hygiène. C'est parce qu'on est écolo. Ouais. Alors, ça. Écolo, mais on utilise toujours du papier des toilettes. Hein. Les gars, niveau écologie, on est un peu. J'utilise les mains. J'avoue. Voilà. Non, mais ouais c'est vrai qu'on est un peu sale quand même. Il faudrait que la France change un peu leur. Ouais. Après, leur c'est pas bon d'hygiène. De se laver tous les jours. Hein. Ah non, mais c'est. Même c'est bah, les cheveux, pas le corps. Oui. La toilette des chats. Le corps, c'est de base, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours. Donc, mais les cheveux. Non. Bah, les cheveux, eh ben non, si le corps on peut se laver les cheveux tous les jours, mais pas se les shampooiner tous les jours. Voilà. Oui, c'est ça, on peut passer un coup d'eau dessus, oui, mais. Voilà. C'est le pour shampoing la tous les jours, c'est pas très bon, non. Effectivement. Dis-moi Vincent, est-ce que t'as encore d'autres anecdotes? Oui, j'ai encore d'autres anecdotes. Là, on est parti sur un truc. Vous radotez comme des petits vieux, je trouve. Hein. On sans est vous offenser, un petit clin d'œil à l'équipe de Vita Conso. J'ai mon téléphone qui a lâché. Il n'y a plus de batterie. En gros, ça veut dire ta gueule. Mon téléphone m'a dit concrètement, arrête tes anecdotes, ça pue la merde. Et on va passer à la suite. Non mais c'était intéressant, les débats sur les savons là, mais cool. Vita Conso, moi je dis. Ah oui, très clairement. Linda, si tu nous écoutes. Bon bah vous savez quoi, on fait une petite pause, on revient juste après une superbe chanson de Mia Rose, None Better. Et c'est sa dernière chanson, elle vient juste de sortir. Voilà, on la répète à chaque fois. Hein, De quoi qu'elle vient juste de sortir? Oui. Bah elle est sortie la semaine dernière. Ah non, on l'a déjà passée. C'était pas celle-là. C'était pas celle-là parce que la dernière fois c'était déjà une qui était sortie il y a pas très longtemps. Non, c'est... Elle a sorti un album ou quoi? Mais non. La semaine dernière on l'a fait écouter. Hein. Oui, vous l'avez passé dans l'émission la semaine dernière, mais elle était vraiment en nouveauté la semaine dernière. C'était vraiment la musique qui venait de sortir. Et vous la retrouvez sur la page Facebook d'Indestar parce qu'on l'a mise. Voilà, et puis aussi sur indestar.fr. Et bien sûr, toute la journée, évidemment. Et Mia Rose, elle a une chaîne YouTube? Elle a une chaîne YouTube, ouais. Et bah allez, foncez voir Miharu sur, sur sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, l'Indestar. C'est vrai que vous pouvez la voir sur Parce Indestar. Parce que toutes les routes mènent à Indestar. Exactement. Allez, tout de suite Miharu, et on se retrouve juste après bah, pour parler du coup, pas des anecdotes de Vincent, mais de la sex food ou le sex food. C'est vous qui choisissez, masculin, féminin, on prend tout. Et bonnes vacances avec Indestar, là où tout commence. Avec le petit bruit d'eau qui nous fait tellement penser à la Méditerranée. Tellement plaisir. Oh, chiottes. Quand tu tires la chasse. Non, moi, je sais pas quelles sont tes chiottes, mais moi, il fait pas ce bruit-là. You are very dégueulasse, Teddy. C'est qu'à mon avis, ce qu'il y a dans les chiottes, ça doit pas être commode. C'est le bruit de l'océan dans mes chiottes. Je suis désolé. C'est du gros poisson. Bon, les amis, plus sérieusement. Qu'est-ce que vous connaissez au sex food? Alors au sexe, je connais. Alors, toi, tu connais le libertinage surtout. Déjà, explique-nous le sex food, ouais, donc la nourriture et avec le sexe, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Alors, le sex food, le nom le dit très bien, en gros, c'est l'utilisation de la nourriture lors de pratiques sexuelles. On appelle ça aussi la cytophilie. Et c'est une forme de fétichisme en fait qui fait que tu utilises la bouffe dans aussi tes jeux sexuels. D'accord, je ne connaissais pas le terme cytophilie, tu vois. Donc, c'est un terme chiant. Voilà. Ouais, je. Donc, c'est un fétichisme, on pourrait limite dire maladie vu comment ils disent cytophilie. Tu sais, j'ai chopé la cytophilie, tu verrais. Tu verrais ce qui se passe entre ma meuf et moi. Ça fait penser à la syphilis quand même, genre vraiment. Oui, c'est exactement, ouais, t'as l'impression, je suis désolé, médecin, je crois que j'ai la cytophilie. Mais c'est pas grave, manger une fraise. Les gars. Est-ce que la scatophilie ça rentre dans Non. Alors là, je vais quitter l'antenne. Je suis désolé, je m'en vais. Est-ce que c'est je des sex porn? Alors non. Non. Recycler. C'est vrai que tu manges en même temps. Bah oui, c'est ta nourriture. Non, mais arrêtez. Vous êtes parti dans un délire chaud. On est écolo ce soir. J'ai mangé il y a moins de 2 heures, s'il vous plaît. On a dit pas de politique, on n'est pas écolo ce soir, ok. On ne recycle pas et on ne bouffe pas la merde. Revenons sur la nourriture donc. Et du coup, alors la cytophilie, je finis un petit peu l'histoire. Faut savoir que ça date pas d'hier. Genre, c'est pas un truc qu'on a inventé, nous, pauvres humains, du 21ème siècle. Non, non. Ça date déjà. Des orgies romaines. Bah oui, mais c'était sûr. Parce que à l'époque, en fait, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'enlaçaient sur les tables pleines de mets exotiques. Oui. Ah ouais. Donc voilà. Et puis il y a même aussi dans le domaine littéraire qu'il y a eu des choses qui se sont passées, notamment dans Gargarin, tu vois, un livre de François Rabelais, hein, très connu. Et il y a aussi au cinéma le film qui s'appelle 9 semaines et demie, qui comportait des scènes très érotiques mettant en rapport sexe et nourriture. Ok. T'as le film Sausage aussi, où c'est de la nourriture qui font du sexe. Exactement. Oui, voilà. Un pain hot dog avec une saucisse hot dog. Hop, ils font du sexe. Enfin, c'est de l'animation. Bon, ils font plein de choses, hein. Ils font pas que du sexe. C'est vrai. Ils font des choses d'adultes. Normalement, à la base, c'était un film pour enfants. Voilà. Enfin, non, du coup, non, du tout, ça a jamais été un film pour enfants. Bah, de base, trop d'anecdotes. C'est bizarre. Ça a été bizarre comment ça a été lancé le film, mais de base, c'est présenté dans la bande-annonce comme un film pour enfants. Oui, c'est vrai. Et c'est juste qu'après, à la sortie, quand tu ressors de la salle, t'es adulte. Ouais. C'est ça. Et puis même, certains parents ne comprenaient pas pourquoi au cinéma c'était écrit interdit moins de 12 ans. 12 ans, c'est tout? Ah oui, c'est 12 ans. Bah, c'est quand même un pain hot dog et une saucisse. C'est pas difficile quand même. Ils sont leur propre sexe, certes, mais. C'est-à-dire que tu vois aucun. Alors physiquement, aucun ils sont pas chibre. Leur propre sexe. Tu vois aucun chibre, tu vois aucun truc qui t'amène à ce que ça soit. C'est le chibre. La saucisse, c'est le bénéfice. Oui, non, mais j'ai compris. Bon. Mais est-ce que, parce que tu dis, là, t'as pas un point de vue enfant qui n'y voit rien et le point de vue adulte qui. Non, en fait, c'est le point de vue d'un. En fait, j'ai travaillé en animation dans un centre de loisirs. Et justement, quand ce film est sorti. T'as travaillé, toi, non, je rigole. Mais je te. Voilà. Et en fait, il y a certains parents qui m'ont parlé de ce film. Ouais. Et qui ont essayé de le voir avec leur enfant de base, parce que, vu de la bande-annonce, c'était un bon film. Quoi. D'accord, un film pour enfants. Un film pour enfants. Ça te préparait pas à ce que t'allais voir. Et le truc, c'est que. Ils comprenaient pas pourquoi ils refusaient leur place parce qu'ils avaient moins de 12 ans. D'accord. Et justement, vu de la bande-annonce, ça présentait pas un film de plus de 12 ans. Et en fait, les parents ont téléchargé le film. Illégalement, mais heureusement. Mais ils ont vu ce film et ils ont tout de suite compris pourquoi c'était interdit au moins de 12 ans. D'accord. Voilà. Et clairement, ils étaient en mode, bah, ils auraient pu faire une bande-annonce explicative. Ouais, j'avoue que normalement, le principe de la bande-annonce, c'est d'annoncer ce qui va se passer. Et de prévenir, voilà. Ah, oui. Justement, l'âge ou. Genre 50 nuances degrés, tu vois, fin de vie. Imaginons, t'aurais pas été prévenu. Tu finis sur un truc sadomaso, super. Ouf, là-dessus, t'es sûr au moins qu'il n'y a aucun enfant qui va regarder ce film, quoi. Oui, voilà. Si, pour l'artistique. Non, 50 nuances degrés, tu vois. Prochain épisode, la part tous de oui oui. Avec en voix off pour oui oui Brigitte Lecordier. Oh non. Bah, elle a toujours fait. Bah c'est elle la voix de oui. Ah bon? Oui. Ah, merde. Donc c'est oh oui. C'est ça, c'est oui. Oui, oui, oui. C'est bon, dire que oui. Alors du coup, quand elle te répond, est-ce qu'elle te dit oui, oui? Alors, bon, blague de merde. Non, mais mis à part ça, est-ce que vous connaissez un petit peu les catégories dans le sex food? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les aliments? La chantilly, plein de trucs. Il y a de la chantilly, la chantilly, c'est quoi? C'est les aliments crémeux. On est d'accord. Ouais, oui. Crémeux. Crémeux ou sauce. Ouais, je m'attends au pire là. M'attends à quelque chose. Et bah, justement, les aliments crémeux, ça fait partie dans la cytophilie, donc du coup, le sex food, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Désolé. En gros, c'est pour ceux qui ont vraiment une imagination fiévreuse et qui aiment se badigeonner de crème fouettée, de tartinade au chocolat ou même de confiture pour le plaisir fougueux. Là, j'avoue, ça donne envie de dévorer de l'autre à coups de langue. La chantilly, c'est dégueulasse. Donne ou attention, oh là, tu tombes sur un terrain mineux. C'est horrible. Ça pue. C'est dégueulasse. Ça pue. Ouais. Ça te laisse des traces en fait, parce que même si tu la manges, en fait, ça va laisser des molécules, on va dire. Ouais, ah oui, voilà. Ouais. Et non, ça sèche et ça devient dégueu. Non, mais après, le but c'est de prendre une douche après d'avoir fait l'amour, quoi. Genre. Bah ouais, mais tu la prends pas tout de suite. Il s'endort, t'as dit après. Non, mais c'est comme s'il avait écrit ça à sa mère avec la chantilly. Pendant l'acte, tu vas le sentir, tu vois. Mais bien sûr. En plus, il fait chaud. Et ça fait partie du jeu en même temps, t'es dit. Tu fais de la sex food. Exactement. Après, le but, la crème fouettée, faut pas la laisser sur le corps. Le but c'est qu'elle soit mangée. Attention, c'est mes blancs en neige. Les gars, en fait, c'est pas de la crème solaire. Tu sais comment il est pas les blancs en neige. C'est pas de la crème solaire, vraiment. Hein, si, j'ai une question pour Ismaël aussi, du coup. Vas-y. Le jeu de la biscotte, c'est considéré comme. Non, non, tu arrêtes ça tout de suite. Non, je ne veux pas parler du jeu de la biscotte. Nous n'en parlerons pas à l'antenne. S'il vous plaît. C'est pas considéré pour comme ceux qui ne connaissent pas le jeu de la biscotte, n'allez pas voir ce que c'est. N'allez pas voir ce que c'est, s'il vous plaît. Oh, c'est un jeu de rugbyman, c'est un jeu entre mecs. J'appelle pas ça un jeu, j'appelle ça une torture. Pour moi, c'est mignon. Chose, c'est mignon. Non, je connais pas. Tu veux que j'explique? Non, on peut pas expliquer ça. Ça si, on peut expliquer ça. On peut expliquer de manière très professionnelle, okay. Ismaël. Mais je vois même pas ce que c'est. C'est pour ça que je veux pas qu'on en parle. Ah, bah, attendez, je parce que si c'est Teddy qui raconte. Ouais, mais je sais pas s'il faut que ça soit Teddy qui raconte. Non, je peux raconter de manière professionnelle. Bon, vas-y, c'est simple. Vas-y. C'est des rugbymen qui font un jeu. C'est pas que des rugbymen. Non, mais tu peux jouer à ça entre potes. Là, en fait, je lance une histoire. D'accord. Justement pour donc imaginons, donc on est après un bon match de rugby. Et voilà, après un bon match de rugby, ils ont gagné le championnat, voilà. Ouais. Et du coup, pour le dernier qui arrivait de l'équipe, justement, il doit se prendre des bifles. Non, non, non, non, mais mon Dieu, j'essaie d'expliquer ça de manière professionnelle, il sort des bifles. Non, t'as pas le droit. C'est professionnel. En fait, il y a une biscotte, simple. Une biscotte d'aliment. Oui. Okay. Ils jouent avec leurs saucisses. Et en fait, quand leurs saucisses arrivent à ébullition, tout simplement, le dernier arrivé à ébullition doit dévorer cette biscotte remplie de sauce. Tartine, confiture. Sauce blanche. De tous les autres. De tous les autres qui ont déjà saucé sur la biscotte. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Voilà ce que c'est le jeu. Ça fait un petit mélange. C'est un jeu entre mecs. C'est un mélange crémeux. Sauce blanche. C'est de l'imagination, c'est ça. Mais ça, c'est pas du sex food. On arrête. Non. Bah si. Y a de la nourriture avec du sexe et tu manges. C'est pas de la nourriture. Bah, une biscotte. La biscotte. Hein, y a une biscotte. Je suis désolé. À partir du moment où la sauce est sur la biscotte, c'est plus de la nourriture. Mais je suis sûre que la sauce blanche, c'est très nutritif. Oui. Après, il y a des qualités protéinées. En parlant de ça, ça me fait, dériver sur. Ça me fait dériver sur autre chose, mais il y a eu certaines histoires dans des kebabs où la sauce blanche n'était pas vraiment de la sauce blanche. Ah, ah ok. Bah, mais ça, c'est ceux qui se tapent le mouton. Je fais très attention avec ça. Moi, de base, je prends toujours sauce blanche. Maintenant, je suis. Maintenant peut-être plus. Maintenant peut-être plus. Je la fais moi-même. C'est très bien la sauce burger. Voilà, bon, je pense qu'on peut embrayer sur quelque chose de plus soft, est-ce pas? Bah, j'avais pas fini sur le crémeux parce que là, je vous ai parlé des gens basiques qui utilisent la crème fouettée, la tartinade au chocolat et la confiture. Mais il y en a, c'est des artistes, ils sont carrément sophistiqués. Ils vont utiliser un pinceau à poils doux pour étendre tous ces petits éléments sur le corps de l'autre. Bah, bien t'étales sûr. Pas de la chantilly avec un pinceau? Alors. Pourquoi pas? Alors, parce que c'est. Non, mais après, il y a plusieurs manières de le faire. C'est-à-dire que. j'ai déjà pratiqué le sex-foot et pourtant, enfin pour moi, c'est quelque chose qui est pas mal. Vraiment, c'est, tu rentres dans un jeu. Avec le pinceau ? Non, pas forcément avec le pinceau. Mais tu deviens un cytophile. Exactement. Je suis cytophile et je l'assume, mon Dieu. Je ne prendrai aucun traitement pour cette maladie. Je ne prendrai aucun traitement pour cette maladie. Comment tu peux faire manger la nourriture et le truc, c'est que pour atteindre un plaisir, il faut faire mariner la chose. Il faut vraiment amener l'autre à ce que. Enfin, je sais pas comment expliquer la chose. J'ai mon point de cuisine là. Ça brûle. Ouais, ça fait mariner. Mais oui, c'est trop bon pour la cuisine. Je vais pas faire un bain mariner et tout. J'ai mis dans la casserole. Attends, sex food, waouh. C'est ce qui s'appelle passer à la casserole. Un peu de thym, un peu d'origan. Voilà, tu badigeonnes. Je la mets dans un bain marie et je la prends une heure après. C'est bon. Non, en fait, c'est juste la patience. Déjà, pour nous, de base humain, c'est une vertu qu'il faut avoir. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas patient. Mm. Tout le monde n'a pas cette chance de l'être. Et en fait, le fait d'arriver sur la nourriture, le sexe, quand t'étales la nourriture, forcément, en fait, la personne qui a la nourriture sur son corps aimerait bien que tu la dévores, cette nourriture. Mais justement, tu joues avec cette nourriture pour permettre à ce que l'autre arrive à un point où elle n'en peut plus et elle veut juste que tu le manges. Mais c'est ça, de toute façon, le sexe, c'est des préliminaires, quoi. Ah, mais exactement. Ah, mais oui, c'est un jeu. Donc, c'est un jeu que, voilà, donc tu joues avec la personne. Après, et ça fait partie des processus. Quand c'est à deux, tu peux le faire toute seule aussi. Ah ouais, j'avais pas pensé. Ah ouais. Alors je me vois pas. Genre je me mange une fraise. Oui, c'est ça. Tu fais fraise chantilly, mais d'abord tu mets sur ton corps. Bah, tu peux t'étaler la chantilly, après utiliser des fruits en accessoire. D'accord. Ah mais ça c'est pour les femmes, bien sûr. Non, ça c'est pour éviter de faire la vaisselle. Non, non, c'est pour éviter de faire la vaisselle. Je mens, il y en a qui utilisent des aubergines pour leurs fessiers. Après, bon. C'est... Voilà, pour les hommes aussi. Non mais j'avais pas pensé. C'est vrai. Mais pour c'est moi c'est plus ouais une activité à deux pour de préliminaires. Mais surtout, bon après. Surtout il faut savoir qu'il existe des codes en épis de maïs. Hein. Ah oui, en forme de maïs, d'aubergine, de. Anecdote réelle. Et si oui, je peux vous donner, vous pouvez les acheter. Anecdote réelle. On a été au cinéma avec Mathilde. Oui. Et on est sorti de la séance de cinéma et en fait on doit acheter un maïs. On doit remonter pour sortir, justement les portes sont en haut, on remonte et on tombe sur un légume. Concombre. Le fameux concombre. Mais non, mais ça, c'est que ça peut être mangé cru. Non. Alors, le concombre n'a pas été dégusté. Et de deux, il avait l'air très bien lubrifié, ce concombre. C'est normal. Dans une salle de cinéma. Dans une salle de cinéma. C'est la sauce. Dans une salle de cinéma. D'accord, ok. C'est pas tout à fait. Mais ça, c'est pas associé pour faire le parallèle, c'est pas associé au sex food. Le fait de. Bah, d'un autre côté, si. Si. Ah alors ouais. Justement, dans le sex food, il y a les aliments crémeux. Mais s'il y a les aliments crémeux, c'est qu'il y a aussi les aliments solides. Donc, c'est-à-dire que bah, il y a genre des fruits, des légumes comme la banane, le concombre, la carotte, la courgette, le maïs. Il y a aussi des petits fruits comme la fraise, la framboise et le bleuet que tu peux foutre dans ton anus ou il dans le vagin. Il faut faire attention avec la banane. Je dis juste ça. Savoir si elle est périmée ou pas. Non, pas du tout. Ça pique. Non, absolument pas. Il se peut parce que j'ai déjà vu une vidéo où en fait des filles sur TikTok que tu sais essaye de mettre une banane dans, ah oui, mais dans la bouche, impossible. Non, parce que justement ça arrive aussi au niveau du vagin. En fait, tout simplement, si la banane se coupe comme dans la gorge, elle peut rester coincée dans le vagin. Ah, c'est pas vraiment amusant, quoi. Non, bah tu vas la chercher. Alors, qu'on répète un peu les choses, une banane, c'est pas vraiment solide. Tu comprends? Bah oui! À un moment, quand c'est lubrifié et que c'est dedans, ça. Non, mais la banane, quand tu te l'enfonces dans le vagin, tu gardes la peau! Bah, pas tout le monde! Dans le vagin, normalement, tu gardes la peau! Moi, pour moi, je l'aurais enlevé, perso! Bah, voilà, tu vois, forcément! La peau. Ah, mais non, c'est trop mou! Après. Bah oui, mais ça fait rien! Et puis, ça va se remplir bah, de oui, flotte, c'est comme si t'en faisais. Ça va se dissoudre! Oui, t'en fais du crumble! Les gars, on n'a pas dit qu'on faisait un smoothie! On tape un smoothie! C'est la liqueur de banane, les gars. On a trouvé notre instrument pour faire le smoothie maison. C'est la banane de l'Éden, tu sais. Ah, bon. Puis après, on peut faire de la pomme aussi. T'épluches la pomme, hop, t'en trouves. Mon Dieu. Ça va trop loin. Ouais. Ça va trop loin. Je crois qu'on a bien fait d'attendre 23h parce que là, on est sûr qu'on se boucher. Une pomme, mais tu t'imagines. Oui, après, tu forces. Mais non. Pour l'écraser. Ouais, t'en mets deux. Ça fait du chier. Tu les enfiles après. Et avec ton gut, tu deviens livreur de jus de pomme. Oui, c'est ça. Ça te fait des pommes-potes. Jus de pomme à domicile. Non, mais ça me fait penser à ceux qui font de la... ça avec la drogue. Tu sais, qu'ils mettent des paquets de drogue dans derrière et qui les ressortent après. Justement, il y a des personnes qui ont mis un paquet de drogue dans leur cul. Il suffit que le sachet craque et c'est ah ouais. Fini. Alors là, c'est mort. Non, mais c'est mort. La drogue monte dans ton corps. Il y en a cramé. Du coup, Chloé a deal des pommes. Voilà. Des pommes. Non, c'est qu'elle est végane et qu'en prison, c'est pas la drogue, c'est les pommes. Non, je suis désolé. C'est la pomme et le savon. Si vous voulez un partenariat avec Chloé pour avoir des pommes gratos, essayez de l'appeler. Donnez-lui une pièce, là, vous nous appelez avant la fin de l'émission. Appelez-nous, exactement. 09 70 407 306. D'ailleurs, ne appuyez pas sur le ventre. Ça sort tout ça. Elle est peut-être pas enceinte, hein. C'est pas sûr. C'est peut-être des pommes à l'intérieur qui vont ressortir. Elle doit avoir un bon stock, je pense. Une bonne cagette. Oh, Pink Lady. Méchant. C'est la meilleure pomme. Mais c'est toi qui nous parles de pommes dans le troufion. J'avoue que c'est toi qui a commencé. Non, mais s'il te plaît, on était sur les bananes. Mais parle d'un autre livre. On était sur les bananes. On était sur les bananes. Il y a autre chose, Isma. Attendez. Ah, il y a autre chose, c'est que là je vous ai parlé donc des crémeux, ouais. Des solides, ouais. Mais l'inverse de solide c'est quoi? Le liquide. Ouais, il y a aussi les aliments liquides. C'est oui. Vrai, t'as pas vu parlé du chocolat par contre? Si, j'en ai parlé. Si, on en a parlé. Ah bon, je vais pas passer. J'en ai parlé dans les, en fait, c'est dans les aliments crémeux. Ah oui. J'ai dit tartinade au chocolat, tu vois, c'est tartinade. D'accord. Après, dans les aliments solides, on parle aussi de bouche à bouche avec les chocolats, tu vois, que tu peux consommer comme dans La Belle et la Bête, tu vois, c'est romantique et tout. Non, mais parce que. Tu mets à moitié-moitié et hop. Mon chéri, je pensais avec le chocolat liquide de faire du body painting. Eh bah, justement, c'est pas mal. Body painting, aliments liquides, sex food, ça va ensemble. Si, peut-être avec de la purée, de la soupe. Ah non. Non, avec du chocolat. Ah oui, je vois. Ah ouais. Ouais, enfin, tu fous dessus, tu crames, hein. Mais non. Bah, pas forcément chaud. Au bain-marie, non. Au bain-marie, c'est froid. Donc il est liquide, tu l'étales, il est chaud et après il refroidit. Du coup, tu te crames la peau. Non, mais tu mets non, du lait. Ça crame pas tant que ça, le chocolat. Écoute, de base, ouais. Tu te mets de la cire pour t'épiler. On est sur le même délire. Là. Bah, la cire, c'est pas chaud. Bah c'est chaud, mais sans être chaud. Voilà, quoi. Bah c'est pareil là. Bah, c'est pareil. Chocolat. Voilà. C'est pareil. Ok, eh bah on essaye. Hein. Je vous jure, je vous fais cramer des chocolats dans une poêle et je vous le fous sur on a dit au bain-marie, pas cramer. Au bain-marie. Tu fais pas ça au feu ou au micro-ondes. Marie. C'est comme ça que tu fais du chocolat fondu. Bref. Mais en gros, pour les aliments liquides, il y a des couples du coup qui vont enduire leur corps de miel par exemple pour faire l'amour collé. T'appelles ça liquide? Collé. Collé. Ah bah je vais pas. Et ça bouge plus. Ah, c'est bloqué. Mais t'imagines Et si tu veux en arriver là. Tu dois appeler les pompiers. Oh mon dieu. Les gars, on est coincés. Alex, on le retour. Non, mon dieu. Mais d'une autre façon. Et j'imagine tous les encore insectes. Encore vous, monsieur, vous êtes bourré? Non. J'ai voulu tester. Non, mais j'imagine en plus. J'ai testé les miens, je suis restée collée. Oh, tous les insectes qui se greffent au truc, tu vois. Ah oui, le temps que le pompier arrive. Non, mais t'as les deux et t'as toutes les mouches dans la salle qui se sont collées. Les morceaux de chips que t'as mangé avant. Vous voyez, quand je continue dans le même délire, du coup, il y a ceux qui se collent entre eux grâce au miel. Il y en a d'autres qui s'amusent à verser du lait sur la nuque pour le laisser couler vers des zones érogènes avant de le boire. Ah, ça, ouais. Donc, tu vois, tu le laisses couler vers le cul et après tu le bois. Attends. Et là, ça fait chaud. Faut qu'on mette les choses au clair. Comment tu peux verser le lait dans le dos et en même temps aller en bas pour récupérer le lait? Bah, faut être très rapide. Tu te penches. Non, la personne est couchée, toi t'as les pattes écartées sur elle et puis tu te verses ton lait. Et du coup ça goule. Ah c'est elle qui... Ok d'accord. Et elle est là avec la bouche ouverte. Et sinon on est trois, voilà, il y en a un qui verse le lait, l'autre. Ah, oui. C'est toute une équipe de techniciens. T'es en bas, t'as ton bol de Kellogg's. Oh oui. Du Nesquik, cool. Ah, le lait, il a un petit goût de salé, de sel et tout. Il est pas totalement blanc, tu vois. Bah après, tu l'as mis avec des chocs à pic, tu vois pas la différence. Le lait de base, il est plus très blanc au bout d'un moment. Tout de suite, quand on parle de sexe, ça part vite. Toujours. Non mais parce qu'on imagine la scène. C'est surtout ça qui nous fait marrer. Et maintenant, imaginez ça avec du vin, de l'alcool et des bulles, parce que c'est aussi très populaire dans cette pratique. Mm-hmm. Non mais le fait du liquide, c'est marrant. En vrai, tu te verses lentement du liquide, etc. C'est plutôt érotique, tu vois. T'es pas obligé de le boire à la fin, mais... Non, du tout. Mais en vrai, et sinon, ça, c'est sympa. C'est la scatophile ou pas? Bah, si le mec il sort d'une tourista, oui, c'est la scatophile. Il y a des restes, tu peux, ouais. Oh mon dieu. Oh non. Après, il y a d'autres pratiques aussi avec le liquide. Alors, je ne sais pas. Il y a ceux qui se le mettent. Ah oui, et qui font des omelettes et tout, et après qui font. Ouais, j'ai des omelettes. Oui, carrément, ils mettent le fouet, ils mélangent. En fait, il le met dans le cul, il récupère le liquide. On vit dans quel monde là? Attends, je comprends pourquoi tu cherches un chef pistolet en fait. Je comprends pourquoi tu cherches un chef pistolet. Non, non, je déteste ça en plus. Elle veut prendre pas d'histoire. C'est pour faire son omelette. Je la vois bien, tu sais, pendant que le gars il fait ça, alors elle est en train de chanter ça. J'ai faim. Petit chef pistolet, j'ai faim. Allez, vite, fais-moi ma petite omelette. Alors explique-nous Chloé, on va en savoir plus sur ton histoire. Tu mets tout dans le cul et du coup forcément avec la pression ça ressort et après du coup tu fouettes. Fouette. Mon dieu. Et j'ai vu plus violent encore. En fait c'est un peu comme le Thermomix quoi. Oui c'est ça. Tu bats c'est les un plans cool, machin. Tu bats les plans en neige. C'est ça. Non. Après tu fouettes pas avec un fouet, on est bien d'accord. Si hein. Si, j'ai déjà vu. C'était tellement dilaté le bordel que le machin il mettait son fouet. Mais tu regardes ça sur quel site mec? Ah c'est pas très légal. C'est incroyable. C'est pas très légal. Moi je connais des gens, ils vont sur YouPorn, ils se font plaisir. Mais toi mon gars. Non mais t'es dit aime le sexe et aime la cuisine. Donc, ah, oui, donc voulu tester un sexe petit jonction des deux là. Bah bientôt c'est pas ça. Les comment on appelle ça, les truck food non, les food trucks. Les food trucks. Ça devient des sex food, tu sais. Ah ça, c'est la prochaine étape. Ça alors, concept, ça, si tu veux, j'ai une anecdote là-dessus. Non. Je connais un camion de pizza, mon pote. Non. Quoi? Oh, si, qu'il faut que je le dise. Il y a un camion de pizza par chez moi, je ne dirai pas lequel. On d'accord. On sait tous que t'habites en Boise. Je connais une fille, effectivement, qui avait le droit à des prix assez intéressants sur les pizzas parce qu'elle avait le droit de monter dans le camion. Ah oui, d'accord. Pour une petite Le magasin était ouvert. Est-ce que le mec il faisait des pizzas, il jouait avec ses olives ou pas? Eh ben je sais pas, je sais là, pas trop. On peut appeler ça du sex food du coup. À découvrir dans le prochain épisode de Sex Food sur Indestar. La semaine prochaine. Épisode. Que s'est-il vraiment passé dans cette dans ce cabine à pizza? Dans ce food truck, voilà. Cabine à pizza. Putain, je commence à fatiguer cabine ça. Le truc, c'est médical. Venez vous faire ausculter. Mais quoi, on a dit que la pizza ça rentre en vous. Vous allez bien. Elle ne rentre pas, je vais vous aider. Oh non. Moi, tu l'as fait en calzone. Ça part loin les amis, ça rentre tout seul. Mon dieu. Bon les amis, vous savez quoi, on va arrêter de parler un petit peu de solide liquide, on va parler de chaud et froid maintenant parce que j'ai pas fini sur la catégorie. Oui. Et on finira avec quelque chose que moi me ferait grave kiffer. Enfin bref, déjà le chaud et le froid. Faut savoir que lorsqu'on fait des caresses intimes, le glaçon c'est vachement utilisé. Oui. Attends. Sur les tétons, sur d'autres zones érogènes. L'as-tu déjà fait? Non. Moi oui. Oui. Chloé. Le glaçon. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Cool. Il est étonné. Wow. Non mais c'est sympa. Par contre, quand il fait 40 degrés, ça fond vite quoi. Ouais c'est vrai. Tu vois, imagine mais on fait dans ce sens. Tu devrais avoir une petite réserve de glaçons quoi. Ah, t'as le mini frigo à côté. Les gars, s'il te plaît, on fait l'amour dans la cuisine, on en a besoin. Après, il y a les glaçons solides aussi. Les glaçons solides. Ah oui. Bah... C'est les glaçons qui ne font qu'ils pas vraiment pas. En fait. Ah bon, je non, c'est, en fait, c'est des c'est objets en fait que tu mets au congélateur. En forme que... de fruits. Et tu peux te les mettre partout. Oh. Ça rentre et ça ressort. Là, on est sur carrément autre chose. Ouais. On est mais sur d'un autre sûr, level. Mais t'as chaud. Ça règle la chaleur. Tu sais, si j'ai chaud, moi j'ai. Quand t'as la ménopause, tu utilises ça, voilà. Quand vous avez chaud, il y a une tactique de grand-mère. Ça a rien à voir avec le sexe, hein. Tu mouilles tes chaussettes. Oui. Tu mouilles tes chaussettes, tu mets tes chaussettes et crois-moi que ça baisse ta température mais à une vitesse. Ça, vraiment. Ça alors, vraiment. Moi j'ai une anecdote. De ta grand-mère. Je sais pas si je dois révéler mais. T'as plusieurs manières de mouiller la chaussette. Non mais y a rien de choquant en vrai. Mais c'est vrai que souvent en ce moment qu'il fait chaud, le soir quand je me couche, je me passe mes pieds sous l'eau parce que j'ai mes pieds qui me démangent en fait. Je sais pas pourquoi mais. C'est la chaleur et la sueur. Mais t'as l'impression que tout va vers le pied et je mets le pied dans le lavabo. Dans l'eau fraîche et après je peux me coucher tranquille. Je sais pas, y'a que moi qui fais ça ou pas? Non, pas du tout. En fait, c'est juste dû, je pense, à. On ne te jugera pas. Non. Justement, on est ancré au sol, donc forcément la température elle vient du bas en fait. Mm-hmm. Et justement, ça monte. Et c'est sur le tout pied gauche. Et c'est sur... Quel enfoiré! Il gère mieux la température celui-là. Pourquoi? Non mais en vrai je pense que c'est vraiment bien, c'est une bonne astuce de se laver. Ouais mais c'est surtout de... ça me démange, tu vois. Ouais. J'étais là, ouais, non, j'étais pas bien dans le lit et. Sinon tu prends la douche froide, hein, c'est ouais, plus rapide. Ça c'est bien, mais après t'as vite chaud. Donc Bah ouais. Ton corps il se remet vite en température, c'est ça qui. Ouais, mais c'est, bah surtout quand il fait 40 degrés. Mais quand quoi. T'es bien gelé, tu prends de l'hypothermie, t'inquiète, ça remonte pas très vite. Oui, non mais. Non mais faut faire attention à pas qu'il y ait trop de différence de température aussi, c'est un peu comme la clim quoi. Tu prends une douche. Moi j'ai jamais été d'accord avec ça. Alors, vous préférez quoi, le chaud ou le froid? Genre, si vous faites du sex food, vous préférez le glaçon le froid, ou le froid. Du chocolat fondu le sur froid, le froid, un froid, vagin le froid, le froid. Alors, je te dirais que quand il fait froid, le chaud, et quand il fait chaud, le froid. Alors, ah non, mais non, même mais les deux, fait, le froid. Forcément, quand tu vas faire l'amour, du coup, tu vas avoir chaud. Oui. Et du coup, ouais. Justement, donc, le froid ça apaise tellement le. Ça te fait des frissons. Ouais, mais tu sais, t'as les frissons, genre, avec le glaçon, tu sais, c'est des frissons amoureux, j'appelle ça. Et alors qu'avec le chocolat, tu vas avoir des frissons ardents, c'est pas pareil, tu vois, c'est. Bah déjà enfin, ouais, tu sais pour les tétons. C'est des frissons, ils se crament au troisième degré. Mais c'est ça. C'est fait, il faut aimer la douleur. Ouais, après pour le chaud, il faut aimer la douleur. Alors, du coup, c'est encore un autre truc. Attention, il y a une différence entre le chaud et le brûlant, hein, quand on parle d'aliments chauds. 50 nuances de porn food. Bah il y a quoi faire, hein. Sinon t'as aussi la cire des bougies, ça se mange pas. Mais c'est chaud. Oui, il y en a qui c'est trop bien. Non. Non mais tu sais, tu prends un potage de grand-mère. Ouais, aussi. Mais c'est pareil, on est sur le sujet de la douleur. En gros, ça va faire mal au début et après ça va se calmer. Ouais, c'est comme les personnes qui aiment se faire taper. Sachant que la douleur, quoi. Apparemment, c'est un excitant. Ouais, mais pas trop quand même. Alors, c'est un excitant, mais à un niveau. Ouais, c'est pour ça. Chaque personne, il y a un niveau, il y a un palier, tu vois. Si tu dépasses le palier, là, c'est plus excitant. Je vais te casser la gueule en faisant l'amour. Oh là. Bah, ceux qui aiment bien se faire griffer et tout ça. Ouais. Alors, Chloé, ça, tu dors sur le canapé ce soir. Je sais pas ce qui va se passer pendant la nuit, mais voilà, tu dors sur le canapé. Parce qu'à un moment donné, Jeanne d'Arc et son mari ont voulu essayer le show, tu vois, ils sont allés trop loin. Jeanne d'Arc, d'une, elle a perdu son mari et s'est cramée. Et en plus, elle s'est cramée. Oh la conne! On refait l'histoire. Vous parlez de jeune femme. Enfin, non. De Jeanne d'Arc. C'était une jeune femme, oui. Est-ce que vous connaissez les femmes plateau ou les hommes plateau? Ouais. Ah, non. C'est très utilisé au Japon. Ah, vas-y, raconte-nous. Bah, c'est simple. En gros, t'as un dîner, on va dire pas d'affaires, mais un dîner assez de bourge quand même. Et en gros, t'as généralement une fille. Et dessus en fait t'as de la nourriture, en fait tu manges. Hein, elle sert de plateau. Genre t'as l'assiette de charcut là, oui. T'as les petits fruits. T'as d'accord, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est pas réduire la femme à un objet? Alors oui. Après c'est alors... réduire un objet mais tout en gardant le côté sexy. Alors ça dépend quel genre de soirée. Sexy tu vois, pour les hommes, enfin je veux dire c'est pas. Une femme à poil peut être sexy, enfin après c'est. C'est bien payé. Non, mais après elle peut se sentir sexy. Pour avoir testé, t'es dit, confirme. Après, tu vois, là je fais une différence par rapport à tout à l'heure. Après, ça vient peut-être de moi, mais autant tous ces jeux sexuels, etc., c'est des trucs que tu fais tout seul ou avec tu partages à deux. Ouais, tout ça, ouais. Voilà. Autant l'objet de la femme plateau, pour moi, je trouve ça tellement dégradant en vrai. Je suis d'accord, d'accord d'un côté, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que elle, si elle le fait dans tous les cas, elle a un truc est-ce pour que c'est elle pas pour alors, se sentir c'est pour se sentir un peu. Pour vous rassurer, c'est fait lors de fêtes pour adultes consentants. Ah, on est bien d'accord. Voilà, déjà, ça c'est la base, fête consentante. En fait, c'est dans une partance. En même temps, je vois pas une meuf qui est pas consentante et se dit bah je vais servir de plateau. C'est son job. J'ai signé un contrat en cuisine, moi je sais pas ce que je vais faire. On m'a dit tu vas servir de plateau. Moi, j'ai et généralement, alors t'es dit non, c'est pas des plateaux comme tu dis, genre de charcut, etc. Non, c'est juste en fait des petites bouchées qui sont disposées sur le corps d'une personne. Elle, donc généralement, comme on disait, la femme. Pardon. Et donc elle sert alors effectivement de plateau. Ça, oui, ça change pas. Après, il y a aussi les hommes plateaux du coup. Oui, et du coup, en fait, à chaque fois que tu vas manger une petite bouchée, tu vas retirer la surface qui va dévoiler une partie plus ou moins érotique du corps. Là, c'est un côté érotique. Voilà. Et généralement tu vas chercher directement le sexe. On est bien d'accord. On va pas essayer de chercher le nombril. Hein. Ça sert alors, à rien. À l'intérieur du sexe ou sur le sexe. Hein. C'est pas non, la même non, chose. Alors, non. T'as un distributeur de paille. J'ai dit le sexe. J'ai pas dit ni sur ni l'intérieur. On va éviter de rentrer dans le vif du sujet. Ça va repartir dans concombre dans madame. Là, là on est plutôt sur des aliments solides. Mais il y en a bien sûr qui font avec des aliments liquides. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas surtout aller chercher ça avec ta bouche et ta langue pour nettoyer le plateau. Tu lèches le plateau. Là, lèches c'est, le plateau. C'est le seul moment où que tu dis ah bah tiens je vais lécher mon assiette quand même parce que. Et ça tu fais pas ça à deux en fait. C'est une sorte de partouze quoi. Bah ouais c'est. Bah à deux t'as l'air c'est pour les fêtes où il y a plein d'adultes consentants. Ouais. J'ai jamais été invité à ce genre de fête. Pour 10 mecs. Comme tu peux avoir un mec pour 10 femmes. Alors, tu dis un mec pour une femme. Cas, ouais. Dans tous les cas, le mec il est joyeux. Dans tous les cas, le bah, mec il est joyeux. Dans tous les cas, la femme elle est joyeuse aussi parce qu'en plus elle se lécher et après elle lèche. Ouais. Melon bah, me lèche, ouais. Pourquoi, nous on n'aurait pas le droit de kiffer? Mais je dis, oh, je dis pas les. Waouh, ça mais... part en cacahuète là. Alors, il y a des femmes qui, il y a des femmes qui peuvent kiffer 10 mecs et ils sont en mode waouh, c'est trop bien, je vais en avoir pour tous les goûts. Et ouais, à la fin, elles ont mal quand même. Et à la fin, le lendemain, il y a des crampes. Mais attends, tu peux avoir mal aussi si t'as un mec et 10 filles. Alors, au bout d'un moment, les gars, si vous avez à satisfaire 10 filles dans une soirée, putain, exactement. Déjà ça. Déjà, va faire 3 ou 4. Ouais, tu peux satisfaire une femme sans rentrer ton sexe à l'intérieur. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est, oui. On reste avoir un bon. Mais là où elles veulent en plus te monter dessus, t'es tout seul. Bon. Gros, t'as beau être Rocco Siffredi, tu tiens pas. Hein. Ramène des concombres, on a besoin de renfort. Là tu sais, tu prends ton touki. Concombre, j'ai besoin de vous. Bah, un concombre d'enchaînement et un dans la bouche. Et on y va. C'est nous faire un remake de Zorro. C'est de là qu'est venu le foot porn. On pouvait pas satisfaire, du coup on a pris ce qu'on avait. Voilà, ouais, l'origine exactement. Du sextoys, bah justement, non, c'était du sextoys. Ah oui, c'est autre chose. L'origine du sextoy, c'est c'est un objet qui a été créé pour justement les femmes pour resserrer le vagin et tout. Ah ouais. C'était pas un objet de plaisir, hein, c'était un objet médical à la base. Hein. Ah ouais, je ne savais pas. Il a été vite détourné. Hein. Les gars, c'est bien quand même. Hein. Je vais resserrer ou écarter. Je vais aller. Non, resserrer. Je m'imagine à l'époque. Je vais aller chez le médecin. En fait, je me sens pas très bien. Quand tu accouches, ton vagin il se desserre. Oui. Hein. Ouais. Et du coup, pour pouvoir resserrer le périnée, qui a un muscle, bah du coup, il faut que tu aies quelque chose à l'intérieur et que tu contractes. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'en avais entendu mais parler. Mais t'es pas oui, obligé oui. de mettre quelque chose, par contre. Hein. Bah, ça dépend des périnées. C'est pour que ça reprenne la forme. Ouais. C'est, bah, faut que muscle. Ça se resserre, ouais. Hein, voilà. Mais okay. C'est marrant, en fait, tu peux faire des exos comme ça, du gainage et tout ça. Le plus efficace, c'est de se mettre quelque chose dans le vagin. Mais comment tu peux savoir, t'as pas de vagin? Oui, mais moi, je suis papa. Ah oui, pardon. Bah oui, il a pas de test. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Moi, j'ai mis un concombre dans la gueule. Moi, je l'ai fait ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai visualisé son périnée. Ouais, mais c'était marrant parce qu'elle devait on faire du gainage. On a planté des carottes dans le jardin cette année-là. Grosse production. Tu vois le pont. Un potager à l'intérieur. Un potager. En gym, t'as une figure qui s'appelle le pont. Et bah, tu fais ça. Et tu serres tes jambes et pout, pout, pout. Est-ce qu'on peut dire que t'as la main verte ou pas? Très bon jardinier. Moi j'ai une question pour vous. C'est à votre avis, est-ce que fourrer une pastèque ça peut se faire? Bah bien sûr. Ah oui carrément. Bah, mec, oui, il y a carrément. Tellement pas plus qu'une pastèque. Alors, tu t'as bugué. Alors, ça peut être bon comme mauvais. Mauvais pourquoi? Parce que d'une c'est frais. Plus mangeable. C'est frais et c'est froid. Et forcément pour le pénis, le froid ça aide pas grand chose. Par exemple bah, le trop chaud on le sait très bien hein, quand c'est l'hiver et qu'il fait très très froid et qu'on bah, va resserre, quand même hein. À la piscine parce qu'on doit prendre des cours de piscine avec le collège ça nous aide pas grand chose hein, vraiment voilà. Ça nous aide pas vraiment. Après donc, si ça t'aide pendant la piscine à pas la... Oui non voilà. ça t'aide à pas bander en soi parce que c'est compliqué hein, quand t'es avec des filles dans ta classe. Ça dépend lesquelles. Hein. Ça, oh oui, moi c'était surtout. Moi c'était alors, plus au lycée, collège, non, tu vois, mais tu lycée, t'imagines voilà. Que dans ma classe, j'avais une Ginette. Ah merde. Une Ginette. Une Ginette. Une Ginette de 97. Hein. Et pour ça devait 97, t'aider. Et pourtant, c'était une bombe. Ah ouais, ouais. Hein tu vois, là c'est compliqué. C'est compliqué. Là tu veux pas être dans le même. Tu vois, t'es dans le truc en mode waouh, elle est belle. Ah non, tu peux pas l'aimer. Mais maman, elle Ginette. Maman, je me suis fait une Ginette. Mais elle s'appelle quoi Ginette. Elle a quel âge? C'est à ça qu'il faut que tu penses. Oui, c'est ça. Au prénom. C'est ça. Non mais, en vrai, je suis désolé, mais Ginette, aujourd'hui. La meuf en face de moi s'appelle Ginette. Si je pense à son prénom pendant que la belle, je vais débander direct. Hein. Mais oui, c'est pas ça. Je suis désolé. Justement, c'est ce qui c'est te permet ça, de garder c'est la solution. Forme. Bah ouais. Du coup, tu fais oui. Et bah, elle est contente. Oui, Anna, oui, Anna. Oui, Marie, oui, Marie. Oh oui. Oh, Marie, tu changes ton prénom. Tu t'appelles Ginette. Non, non, non, Marie, Marie. Je remarque que t'as pris Anna en premier prénom. Anna Free. Non, j'ai pas pensé à Anna Free. Anise, pardon, Anise. Non. Non, ça marche pas. Non, ça fait pas Anna. Ouais. C'est presque, on est presque. Ah, tu prends Chloé au pire, hein. À deux lettres près. Y aurait. franchement, t'es pas loin, mec. Anna Chloé, c'est clair que ça va très très proche. Tout à fait. Non. Mais au pire, moi, pour le problème de la piscine, bah, tu nages. Enfin, ouais. Bah, sauf... Tu fais ma nage et je peux te dire que tu bandes plus. Oui, non, sauf que t'as toujours un moment où tu dois attendre dans la queue parce que tout le monde doit sauter. tu vois, du plongeoir ou sauter d'un truc. Ouais, mais tu restes dans l'eau. Et quand la fille elle accroupit bien son dos, c'est pour faire un beau plongeon. Et toi t'es juste derrière. Ah, oui. Juste le maillot de bain. Ce genre de moment, j'essaie de l'effacer de ma mémoire. Tu vois, ce genre de moment où tu regardes. Je vais regarder la prof. Je vais regarder la prof. C'est mieux. Elle est plus mature. Putain, mais elle aussi, elle est bonne. Ah mais pensez à essayer de nager en fait. Vous allez voir. Oui mais non mais quand t'es obligé de rester en dehors du bassin parce qu'il faut que tu sautes, c'est compliqué. Crois-moi. Il y a eu des moments pour moi, ça a été. À l'adolescence, c'était compliqué. Ah non, ça a été complexe, vraiment. Bah, surtout les hormones. Le développement des hormones à la piscine. À la plage, tu vois, tu regardes et tout. Mais alors, à la piscine, moi perso, je suis plus concentré à comment je vais nager. Que, est-ce que je vais survivre? Non, mais à ce truc. Toi, ça, c'est parce que tu sais pas nager. Mais le problème, c'est que. Si, j'ai pris des cours, mais. Tu sais qu'en 3 secondes, je voyais Ginette en 3 secondes. Moi, ça y est, j'étais pompé là, hein. Vraiment, Ginette, elle faisait de l'effet. Je peux pas te passer mon numéro parce que j'en coupe. Faut l'enregistrer cette phrase. Ginette, non, fait clairement, clairement, Ginette elle me fait pomper. C'est horrible, c'est horrible. Tu peux mettre ça genre en mode c'est ma grand-mère en fait, donc le mec il parle. Donc là, pour résumer un petit peu ce qui se passe sur Indestar et dans le Funnel du vendredi, on parle de sexe. Ah bon, tu crois que t'as vraiment besoin de sexe? Mais, t'as même pas le mais on parle de Ginette qui fait pomper l'op Vincent. Quand il était ado. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Maintenant, je sais pas ce qu'elle est de Ginette. Moi, je vais vous parler d'un film. Où c'est une tarte aux pommes qui a fait pomper l'op un jeune homme. Ah, ouais. On dit rien. Alors, j'ai l'extrait. Il y a eu un film, mais il y a eu aussi un deuxième film. Hein. Oui, il y en a eu plusieurs. Ok, ok. Et avec de la nourriture. Je vous passe l'extrait et on en discute après. Aux pommes, ta préférée. Je rentrerai tard. Bon appétit. Mais que va-t-il se passer? J'aimerais pas être à la place. Cette porte. Bon, là, il faut imaginer, hein, mais. Bon, là, c'est pas du tout gênant. Jim? C'est pas du tout ce que tu crois. Bon, nous dirons à ta mère que. Nous avons tout mangé, voilà tout. C'était surtout ça que je voulais laisser à la fin. Alors, je vous rassure, j'ai coupé parce qu'au début, l'extrait faisait 1 minute 16 dans ce film American Pie. Là, attendez. Il fait. T'as préféré. 30 secondes. Ouais. Et donc, j'ai déjà quand même pas mal coupé. Nous la scène. Donc. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, hein, bien sûr. Tu as le jeune homme qui est là dans la cuisine, qui se croit tout seul. Donc, il s'appelle. Comment il s'appelle Jean. Déjà Jean. Non, Finn. Non, C'est Sandler. Non, Adam Steve. Sandler qui bon, faut qu'on réécoute du coup. En vrai, oui. Jim. Adam, c'est son nom d'acteur. Oui, voilà, c'est dans le film qui s'appelle Jim. Je crois que c'était Finn. Donc en gros, ce qui se passe, c'est Jim. C'est pas un ado, c'est un adulte. Il est à la fac. Il vient de rentrer. Non, oui, c'est au lycée. Je sais plus. Un ado attardé. Un étudiant. Il est entre 17 et 19 ans. Voilà, donc ils sont au lycée en dernière année. C'est ça. Ils sont pas encore à la fac parce que c'est le prochain où ils vont à la fac justement. Et Jim, il voit une tarte aux pommes. Et la tarte aux pommes, vous savez, c'est pas celle qu'on voit nous dans nos magasins, c'est celle où il y a des rubans, tu sais, il y a des espèces de losanges. De carré, ouais. Voilà, il y a des losanges et il y en a un au milieu. Et là, il lit le mot, donc justement, de sa maman qui fait une tarte aux pommes, ta préférée, à ce soir, bisous. C'est pas une tarte, c'est une tourte. Non, tarte aux pommes. Tarte. Ouais. Ouais, c'est bien dit. Et du coup, il sait pas pourquoi, mais il met un doigt. Et là, il fait oh. Et il remet un deuxième doigt. Mmh. Oh. Et bah du coup... Elle est chaude la tarte. Oui, il faut savoir qu'elle sort. Elle sort du four. Voilà. Elle est très très chaude la tarte et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va finir par en faire un crumble. Par la combiner cette tarte. Et donc, il y a son père qui rentre plus tard, on l'entend, et qui dit « Jim ». Et quand il dit « C'est pas ce que tu crois ouais, », en c'est fait, le c'est truc que... qu'il faut pas sortir, ça, parce c'est que Jim a son pantalon baissé, la tarte aux pommes devant la tub, devant sa tub, et il est caché. Et la tarte aux pommes, il est en crumble. Voilà. Donc, moi, ma question, c'est... Tarte pomme, on valide ou pas? 100%. Et moi, je veux savoir qui c'est a déjà essayé ça. Non. Ou alors le gant avec les pattes dedans. Jamais. Non. Le gant. Attends. Au grand jamais. Attends. C'est quoi le gant avec les pattes? Tu connais pas? C'est aussi dans American Pie. C'est aussi dans American Pie. Et en gros, il les fait manger par contre. Et en plus avec la crème fraîche. Ouais. Je crois que je vais avoir du mal à digérer mon. T'as même pas encore fini ton burger. Quand on fait des spaghettis avec pas une sauce de spaghettis. En gros, la scène, il a un gant. Ouais. Et il fait des pâtes en même temps, son gant de cuisine, il fait des pâtes. Et puis là, il met les pâtes dans le gant. Et il sent que c'est chaud, que ça ressemble un peu à l'intérieur d'un vagin. Et puis du coup, il se la met sur la tub. il se fait plaisir, ouais, et il éjacule, sauf qu'il y a ses amis qui arrivent en même temps aussi. Ah, ah donc en fait, il remet son pantalon et du coup, il a de la sauce dans les pattes, c'est ça? Ouais, c'est okay, ça. Ok, je viens de comprendre. Ah ouais. Et ouais, c'est un peu... fait des nouilles. Ah bah tiens, on va manger les nouilles. Ouais, c'est ouais, c'est à la un biscotte, peu le jeu hein. de la biscotte ouais. en solo, quoi. Alors. Ouais, mais là, ils le savent pas. Mais ils trouvent que c'est bon. Là, il avait la bite bordée de nouilles. Non! Il avait pas le cul. Non! On est sûr qu'il est pas le ver solitaire? Non, je suis pas sûr. Oh, ça se mélange avec les spaghettis. Tu reconnais pas quand tu fais après. Je suis sûr que c'est plein de protéines tout ça. Oui. Mais moi je gâcherais pas des nouilles pour ça. Il y aura pas de carence. Les nouilles c'est sacré pour moi. Ah ouais, non mais non. Non, non, non, les spaghettis, non, non, faut pas abuser. En plus, les nouilles elles étaient toutes molles. Et elles avaient loupé. Bah des nouilles cuites c'est molle hein, sauf si elles sont pas cuites hein. Bah, c'est les bases de la cuisine Chloé. C'était... Mais elle nous sort des détails genre en plus les nouilles elles sont toutes molles. Non parce que j'ai vu le replay, genre... image par image. J'ai regardé, ils touchaient bien les nouilles, c'était mou et tout. Ah, oui, c'était elles étaient al dente, ils étaient cuites. Ah non, elles étaient pas al dente, elles étaient vraiment molles. C'était bien collé là et... du coup. Et bien rempli d'eau. Bon, ceci conclut l'avant-dernier paragraphe de notre émission de ce soir, parce que notre émission... On dirait qu'il fait un truc littéraire alors que t'as dur. Je te jure. Ceci conclut l'avant-dernier paragraphe de notre histoire, c'est alors qu'on vient quand même... En fait, on fait de la philosophie carrément. Mais oui, moi, là, c'est un cours qu'on fait, les gars. Et d'ailleurs, et les filles. Il est où notre sexologue, là? Mais notre sexologue, mais il va arriver, il va arriver. Je crois qu'il arrive, ouais. Et justement, là, il est 23h56. On va écouter une chanson. Une chanson de Jules Trowbridge. Ah ah, okay. Ça s'appelle Nothing Breaks Like a Heart. Ça vous dit pas quelque chose si, cette chanson? Miley Cyrus, produit par Robin Thicke. Pas du tout. Non. Nothing Breaks Like a Heart, c'est Mark Ronson. Oui, Mark Ronson, pardon, c'est pas Miley Robin Cyrus, Thicke. Mon dieu. Mais non, mais non, je t'en foutrais des mais Cyrus. Non, mais je pense si. Qu'elle l'a fait, je pense qu'elle l'a fait justement, il y avait Robin Thicke qui a fait C'est Robin Thicke. Non, Mark Ronson qui a fait la production. Ouais. Et Miley Cyrus qui chante sur la version originale de cette chanson. Oui. Oui. Oui, mais la chanson elle est de Mark Ronson. Oui, la chanson est de Mark Ronson. Miley Cyrus. Mais chantée par Miley Cyrus. Bon, bref, on est là pour débattre ou pour écouter? Bah, non, mais quand parce que moi, faut que j'aille me prendre des nouilles et une tarte aux pommes. Non, mais en vrai, non, non, si, on peut faire un mini débat là-dessus. C'est-à-dire que Mark Ronson, donc, qui est un producteur, donc il est connu. Donc, tu vois, on dit c'est la chanson de Mark Ronson. Mais en vrai, elle est chantée par Miley Cyrus. Tu prends n'importe quelle autre chanson. Ah, tu veux pas qu'on. D'accord. Ah, okay. Je rigole. Non, alors, écoute, on va mettre pause, on va mettre pause. Bah, elle veut pas se mettre pause en plus. Pas grave, écoutons. Non, je rigole. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bom, pouf. Jingle. Musique. Ben, on peut parler, hein. C'est, les micros sont open. Alors, oui. Faut savoir qu'actuellement, dans les studios, on a Vincent qui est parti dehors. Oui. On sait pas trop ce qu'il fait. Il a peut-être pris une banane, une prune, on sait pas trop. Une pomme. Je ne sais pas ce qui se passe. Il est parti rejoindre Mathilde en même prendre temps. Prendre une prune, c'est possible. Qui est couché sur le canapé, voilà. C'est... Non, allez-y, allez-y. Venez pas dans les studios. Coucou Mathilde, bah, moi je la vois pas parce qu'il y a la porte et tant mieux. Non, et, Ouh, ça clash. Oh, ça clash, c'est gentil. Ouais. Enfin bref, un sexologue va venir nous voir là dans quelques instants. Mais il est là. Il est là déjà. Regarde, il nous attend là. Alors, il est là déjà. Mais on, faut, t'as cassé le truc parce que Vincent est en train de revenir en fait. On faisait ça, tu vois. Ah, mais Vincent s'en fout lui. Du coup, en attendant. Elle était bonne la banane. Ah mon petit coquin. On a mis en attente le sexologue qui est avec nous. Alors il est dans le studio mais on l'a mis en attente comme s'il était au téléphone. Voilà. Il croit qu'il est sur Énergie mais en vrai il est sur Indestar, une radio. C'est le temps qu'on file le casque. Il nous a appelé au 09 70 407 306 pour réagir et d'ailleurs il n'y a plus de musique. Bonsoir sexologue qui nous vient tout droit de Tours. Bonsoir. Oh. C'est alors on va pas abuser sur les c'est effets beaucoup. Pour alors... c'est un peu beaucoup là non c'est un petit peu trop le sexologue en fait il vient de la paroisse de l'église il est pasteur alors mon père sexologue Jean-Marc sexologue de père en fils et en fille aussi surtout ouais mais surtout en fils. Ah ouais. Jean-Marc du coup c'est votre prénom vous nous venez au droit de quelle paroisse? Alors je ne viens pas d'une paroisse, j'ai bénéficié d'une formation de sexologie et j'exerce mon métier depuis plus de 28 ans. 28 ans. Je vais tenter de répondre ce soir aux questions que vous pouvez vous poser, vous jeunes ados, jeunes adultes. des questions de sexe, hein, bien entendu, en solitaire, en couple ou en équipe. D'accord. Très bien. J'ai déjà pas mal de questions. Eh bah, ben, Vincent, vas-y, pose la première question. Première question. À Jean-Marc. Jean-Marc. Oui, tout à fait. Mon cher Comment Vincent. Raviver la flamme du sexe. Ah, pas mal. Alors, vous avez bien précisé du sexe. Hein. Du sexe, oui. Exactement. La flamme, elle est là. Hein. Parce que je pensais tout de suite aux Jeux Olympiques, tout ça. La flamme du sexe. Je pense que ça s'entretient... ça s'entretient dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne ravive pas la flamme un seul jour en disant « Allumez le feu, mettons-le à l'aider. » Voilà, je pense que... Non, c'est quotidiennement qu'on doit raviver cette flamme. C'est-à-dire que, prenons un exemple, vous travaillez, Vincent. Oui. Voilà. Ah non, là, je suis au chômage, mais... Bon, alors, vous, imaginons que vous travaillez. Oui. Vous revenez du travail le soir. Voilà. Vous voulez faire plaisir. Imaginons que vous êtes avec Chloé. J'ai entendu tout à l'heure que Chloé. Eh bien, non, mais moi je t'en ai beaucoup avec tout la nourriture. Chloé, elle t'en a avec beaucoup de gens. Ouais. Ça va mal finir ses vacances, hein, je le sens. Ah oui, je le sens aussi. Chloé aime beaucoup la nourriture. Qu'allez-vous faire, à votre avis? La nourriture. Hein. Il a bien dit la nourriture. La nourriture. La nourriture. Je sais pas. Dites-moi. Eh bien, vous allez cuisiner. Vous allez la cuisiner, cette chère petite Chloé. C'était facile. Mais Jean-Marc, c'est ce qu'on parlait déjà tout à l'heure dans la radio, de cuisiner justement dans le sex food. Vous nous vous répétez un peu ce qu'on a déjà dit en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous là? Mais parce que Chloé aime la nourriture. Mais là, il est en train de répondre à ma D'accord. question, s'il te plaît. Si c'était une personne qui aimait d'autres plaisirs, vous allez faire plaisir à cette personne. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez faire plaisir au quotidien. Voilà, c'est pas je regarde mon match de foot, je joue à mes jeux vidéo préférés et le week-end, le samedi entre 18h et 19h, je m'occupe de ma copine. Non, c'est un petit peu chaque jour, comme l'instant où vous allez savourer le journal de 20h. Bah là, vous allez passer un petit peu de temps avec votre compagne. Est-ce que c'est que le garçon qui doit s'occuper de la femme? Alors là, vous faites une bonne réflexion, effectivement. La vie de couple, comme son nom l'indique, se joue à deux. Voilà. Donc, il faut que ça s'entretienne tous les jours à deux pour que ce puisse. J'emploie des mots qui ne font pas partie de votre vocabulaire. Exactement. Mais qui sont pourtant compréhensibles en tous les cas pour ma part et pour mon métier. Je dirais que ça s'entretient. Pour que ce puisse. Pour que ce puisse continuer. Jusqu'à que mort s'en suive. Merci pour cette réponse. Je pense avoir répondu à vos questions. Merci. Ismaël, vous faites votre malin. Posez-moi une question, s'il vous plaît. Ah, alors, je n'en ai pas. Non, c'est un mensonge. Tu dois avoir une tonne moi, de questions. Moi, là, comme ça, si je n'en ai pas. Vas-y, et après, je ferai. On garde la femme pour la fin. Alors, Teddy. Monsieur Jean-Marc. Oui, tout à fait, Teddy. On m'a proposé quelque chose, mais je sais pas trop ce que c'est et j'ai peur de m'engager là-dedans parce que du coup je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite? On m'a proposé de faire une DADV. Et du coup, je sais pas ce que c'est. Et ça me fait peur. Alors, expliquons chaque mot. Je connais pas la signification de ces mots. D'accord. Donc, il y a quatre lettres hein, dans DADV. D'accord. Je sais que D, c'est double. Alors, non, D, vous faites erreur. D, c'est direction assistée. Donc, on va vous assister dans cette direction. DADV vers la double voie. Direction assistée, direction vagin. Assistée, effectivement, vers le vagin. Voilà, c'est-à-dire que vous allez être accompagné d'une autre personne. C'est comme passer le permis. Qui va vous diriger vers le bon endroit. C'est un peu comme un régulateur de vitesse, quoi. Oui, oui. Alors, un GPS. Non, j'aurais pu dire le GPS, tout à fait. Hein, c'est, L'alerte franchissement de ligne blanche, ça te quitte bien. Vous êtes tout équipé, effectivement. Oui. D'accord. Bon. Du coup, j'ai tout intérêt à accepter. Vous avez tout intérêt ça à accepter. Ça m'évite les hors-pistes. Si... Attention aux déviations. Si vous avez du mal à trouver le trou... pour diverses raisons. Hein. Un mauvais GPS. C'est vrai que j'ai jamais eu le sens de l'orientation. Voilà. C'est dur de viser avec... Grâce à la DADV, qui est une option, hein, d'ailleurs, proposée sur les nouvelles femmes. À proposer à son partenaire. À proposer à son partenaire. Vous allez tout de suite trouver le bon chemin. Et même quand c'est pas sa femme, du coup, qui propose. Alors, méfiance et boule de cristal. Hein. attends, méfiance aux boules de cristal. Surtout. C'est surtout. Vous avez raison de préciser, Vincent. D'accord. Oh, mon Dieu. Je vous remercie pour ces conseils. Mais de rien, avisé. Oui, avisé. J'ai quand même été voir sur internet et je suis tombé sur un truc assez bizarre. Ah, mais vous pouvez avoir plusieurs significations, mais faites attention aux contrefaçons. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, Jean-Marc, j'ai trouvé ma question pour vous. Tout à fait. C'est selon vous, pour avoir une sex food correcte avec... Ah, vous êtes resté sur la nourriture. Sur le... hein. Oui, ça parce que anime, ça me turlupine, ça me chagrine, cette question, parce que je n'arrive pas à trouver la réponse. Je voulais savoir s'il était préférable d'utiliser du pain au chocolat ou de la chocolatine pour la... sur le corps de votre compagnon. J'ai mal entendu, là. Tu rentres dans un débat de vous fou, là. Vous faites référence, effectivement, à ce fameux débat sur le pain au chocolat ou la chocolatine, qui est tout simplement un abus de langage. Je dirais. Mais comment lui faire comprendre que... Nos amis sudistes utilisent le mot chocolatine, effectivement, parce que. Est-ce qu'on peut dire qu'il parle français réellement? Je ne sais pas. C'est un autre débat. On est bien d'accord. D'où ma question, parce que je ne voudrais pas casser l'ambiance qu'il y a dans le couple lorsque nous faisons ça. Ouais. Tout simplement. Ça vient du sud. Non, mais alors... moi je viens du sud et elle n'est pas du sud. Et comment je lui fais comprendre que moi c'est la chocolatine et pas le pain au chocolat? Comment je lui fais comprendre que je veux te mettre ma chocolatine? Tu peux pas. C'est que j'ai acheté de fraîchement ce matin à la chocolaterie, quoi. Le métissage est une chose agréable. Est une bonne chose, je pense. Et pourquoi n'inventerait-on pas le pain au chocolat? Au chocolatine. N'inventerait-on pas, ok. parce que je puis-je. Parce que vous pigez les deux. Bah les deux. Non. Oui. Non mais c'est un hybride là dans ce cas-là. C'est un alien. Si t'as pas compris, le pain au chocolat et la chocolatine, c'est exactement la même chose. Bah tu t'es merdé entre les deux. Alors le problème de ça, c'est que ça existe pas. Ismaël a essayé et regardez son ventre. Voilà. Le débat n'est pas fini. Vous qui mangez du pain au chocolat êtes beaucoup plus mec que moi qui mange de la chocolatine. C'est parce qu'il y a une différence. Mais parce que vous mangez, vous avez c'est un abus de langage. Ismaël, le pain au chocolat et la chocolatine pour contenter monsieur et madame. Bien sûr. Mais oui, on est bien d'accord. Il y a eu double échange, bien sûr. Il y a eu double bien échange. Sûr. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut partager. Il faut partager. Voilà, tout simplement. Partager. Partageons. D'accord. Ça sera mon mot de la fin pour vous. Je vais m'adresser à Chloé. Oui. Chloé, vous avez certainement des questions à poser à un sexologue réputé comme moi. T'as parlé qu'il peut me cuisiner tous les jours. Oui, tout à fait. Sauf que si la partenaire veut pas, comment tu fais? Alors, je pense que s'il n'y a plus de vie. De flamme. Et de flamme, voilà, tout simplement. Il n'y a plus d'amour. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de relation. Il est en train de nous faire une Jeff Tuche. Continuez, Jean-Marc. Non, on peut se poser une question très philosophique finalement dans la vie. Je suis en couple, pourquoi je Parce que je cuisine. Parce que j'entretiens effectivement cette flamme. S'il n'y a plus lieu d'entretenir cette flamme à ce moment-là, où va la relation? Où va l'amour? Alors... Où va l'amour? J'ai une autre question. Oh oui, je vous en prie. Pourquoi couple? Ah, pourquoi s'arrêter? Pourquoi? Au mot couple? Ouais, s'arrêter au mot couple. Ah, effectivement. Mais c'est une question que se pose. Pas mal de personnes. Que se pose pas mal de personnes. Et on pourrait parler du libre amour, du libre échange, de la livre sterling. Non, enfin, on n'est pas obligé. Mon Dieu, des pounds. On dérive. D'une libanaise. Parce que j'aime les libanaises. Oh Dieu, c'est que j'aime les libanaises. Jésus. Ah oui. Mais effectivement, on a une culture qui est. Aujourd'hui, une culture en France qui est celle d'un couple, deux personnes qui s'aiment, qui s'entretiennent pour la vie jusqu'à que mort s'en suive. Voilà. Et pourquoi n'irait-on pas plus loin? Exactement. C'est la question, mais c'est la question que vous devez vous poser. C'est-à-dire que si ça fait atteinte à votre culture et que c'est mal perçu, mais que vous assumez derrière et que surtout votre partenaire est d'accord, parce que c'est encore ça qui revient sur le tapis, c'est savoir si le couple que vous formez est prêt à s'agrandir. Quelque part, la famille autour est prête à partager les choses. On invite le cousin dans le trio, quoi. Les gars, et puis les enfants aussi. En fait, ma question est plus simple. Comment créer un harem? C'était cette question, en fait. Mais en France, Jean-Marc, on avait moins. Alors, qui n'est pas reconnu, effectivement, dans nos traditions, mais vous pouvez tout simplement... À l'époque, effectivement, vous avez raison, hein, Chloé. J'ai envie de vous demander, hein, dans l'équipe, est-ce que... Alors, un harem, je ne vais pas l'appeler comme pas ça. Forcément. Je vais parler parce que un harem, pour moi, c'est... Un syndicat. C'est une seule personne qui est avec accompagnée d'un autre genre. Voilà, d'un autre genre de façon beaucoup plus nombreuse. Ça peut être des animaux, du coup. Non. Non. Tu vas trop loin. Là, on appelle ça la zoophilie. Mais après, vous pourriez revenir sur le sujet que vous avez abordé il y a deux semaines ou trois semaines de cela, qui est le partage, en fait, tout simplement. Le partage d'expérience. Moi, je me dis, on vit qu'une seule fois, tu vois. On n'est pas conscient, enfin, on ne sait pas si vraiment il y a une autre vie, tu vois. Oui. Tout à fait. Et il faut explorer ces expériences, il faut aller plus loin. Alors que peut-être que vous avez un message à partager avec votre partenaire. Pas forcément. C'est juste à de nombreuses personnes qui se posent des questions justement sur ces choses-là. Mm. Et si c'est possible d'avoir une réponse, notamment pour toi. Moi j'ai pas besoin de la réponse pour ça, j'ai déjà la réponse. La notion de couple n'est pas très existante. Je vous dirais qu'à partir du moment où il y a consentement, tout peut être faisable. Le mot couple peut changer. Le couple peut s'élargir. Ouais. Ça peut devenir un couple. Ça peut devenir un couple. Un couple. Ou une couple. Imaginez que vous viviez dans une caravane et vous vouliez acheter une maison, une villa. Voilà, c'est pour faire venir les petits enfants dans la piscine, etc. Merci, mais vous me comprenez. Mais bien sûr. Jean-Marc, sexologue, sur une étage. Réputé ce sexologue. Je le recommande. Franchement, Jean-Marc, merci de votre lumière. C'était avec plaisir. Sur tout ça, parce qu'on a eu des questions quand même très personnelles et très profondes, franchement. Et pertinentes. Très, très, très profondes. Ah oui. Là, on est allé dans le fin fond des questions qu'on pouvait trouver au fond de nous-mêmes. On a même retrouvé des pommes. Oh non. En tout cas, voilà, on tenait à vous remercier. Ouais, Jean-Marc, est-ce que vous avez un cabinet de sexologie où on peut venir vous consulter régulièrement? Alors, j'ai deux cabinets chez moi, un à l'étage et un au rez-de-chaussée, avec du papier toilette. D'accord. À disposition, tout à fait. C'est pas mal. En tout cas, merci Jean-Marc pour votre intervention sur InStar ce soir. Voilà, c'était dans un plaisir. Du vendredi, 21h, minuit 15. c'était l'émission... En entière. Non, en vrai, on n'a pas fini. Ah. Et puis, il y a Théo qui est de retour. Ouais, bah oui. Mais tu faisais quoi du coup C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de place pour recevoir le sexologue. Ouais, tu faisais quoi en attendant? Ah, j'étais dehors. Avec une banane. Avec une tarte. Est-ce que tu avais une apple pie comme on dit? Ou une American pie? Ou alors il est devenu un crumble, hein? Non. il faut qu'on ait des réponses là. C'est bizarre s'il faisait ça dehors parce que je crois qu'il y a aussi Mathilde dehors. Ok, faisait ça tout seul. Je voulais agrandir le couple. Je pense qu'elle a compris la signification du couple maintenant. C'est bon. Voilà. Bon, en tout cas, c'était cool. J'ai bien aimé le passage de Jean-Marc. Et vous savez quoi? On va pas finir tout de suite. On va finir sur un truc un petit peu drôle. Vous connaissez peut-être le QTTR, les questions très très rapides. Oui, parce que tu en as parlé il y a deux semaines. Voilà, il y a deux semaines, on en a parlé. Non, il y a trois semaines. Trois semaines. Et on en avait fait un en direct avec Pierre Champion, qui est l'auteur de la BD Exilium, qui devrait sortir en fin de cette année, enfin courant décembre, voire janvier 2021. Et du coup, j'en ai fait un autre il y a pas très longtemps avec une dame. Voilà, j'ai appelé au hasard quelqu'un, j'ai tapé un numéro, je suis tombé sur une dame, une jeune femme. Et je lui ai posé des questions et elle a trouvé un personnage de dessin animé très sexe. Alors, on va écouter ça juste après une chanson de Jorm. Ça s'appelle Let's Go Skying. Ça sera aussi notre dernière chanson ce soir dans le Fun Life du vendredi. Qui n'est pas une chanson d'ailleurs, c'est une instrumentale. Musique libre que vous pouvez retrouver sur YouTube, que je vous conseille. Mais j'adore cette musique, c'est super entraînant, ça fait été, ça fait vacances. Et c'est pour ça que c'est dans le Fun Life du vendredi soir. InStar. Là où tout commence. Là où tout commence. Là où tout commence et là où tout va bientôt se terminer. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à cette heure-là, quand même, si tout commence... Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il est minuit 19, là, sur InStar. Ouais. Vous le savez, le Fun Life du vendredi, pour ceux qui nous suivent quasiment toutes les semaines, parce que là, on a fait une émission quasiment toutes les semaines pour cet été. c'est 21h-23h. Ouais. Normalement. On dit à peu près ou presque. Mais en même temps, là, c'était la dernière du mois de juillet et la dernière avant un moment parce que je crois que vous partez en vacances la semaine prochaine. Voilà, dès lundi, là, on part 2 semaines en vacances. Et, ça y est, c'est sûr, on se fait 2 semaines en vacances. Et vous partez avec où? Banane, pêche, fruits. Une semaine à Cannes et une semaine au Sable d'Olonne. Ouais, au Sable d'Olonne. Donc la première semaine à Cannes, on est dans un F4. Ouais, une petite. Voilà, on est en vacances kilomètre. De riches, quoi. Hein. Un petit peu. Ouais, alors, c'est plaisir. Alors, hein. Ils vont dans le sud et ils vont dans le nord. C'est pas le chômage, hein, soi, ça rapporte. Tu veux expliquer? En soi, pour Cannes, on paye actuellement, on va dire, 200 euros notre semaine par personne. Ah, ça va? Ah, ouais, carrément. En incluant la bouffe. Alors en fait, il faut savoir que dans notre région, voilà, la région centre, et plus précisément le 37, le département du 37, et il y a une aide pour les jeunes entre 18 et 25 ans, donc ce qui inclut pas mal de nos animateurs ce soir, dont moi, Vincent, Mathilde et Chloé, et d'autres amis à nous qui sont dans cette tranche d'âge. Et en fait, IEPS, qui est l'organisme qui nous aide, en fait, nous paye nos vacances quasiment entièrement. C'est-à-dire qu'à la base, c'est génial ça. 75% de... Ça marche que jusqu'à 25 ans. Ouais. C'est con, hein. Quelles seraient les conditions pour les gens qui ont gagner moins de 17 280 euros sur l'année. Ouais. Alors, quand t'es au chômage, c'est bien. Alors, pour savoir, mec, tu pars. J'ai pars, calculé en divisant par 12, ça faisait combien par mois? Il faudrait toucher 1440 euros par mois quand même, ce qui est un bon salaire déjà. J'imagine que c'est pas la seule condition. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Sinon, faut être étudiant boursier, faut être en CAP, etc., en BTS. Il y a plein de choses. Ouais. Mais c'est. Tu as jusqu'à 25 ans. Quand tu pars, faut que tu aies encore 25 ans. Après, si pendant ces jours t'as 26 ans, ils s'en foutent. Mais aujourd'hui, départ, ouais, faut encore que t'aies 25 ans. Il faut savoir que le logement là pour la semaine, ça coûtait normalement 1180 euros. Ouais, bah oui, parce que j'imagine. On arrivait à 55 euros par personne. Ouais, c'est pour le logement. C'est-à-dire qu'on divise par 5, c'est-à-dire qu'au lieu de 1114 et des brouettes, je crois, on paye 280 euros au total. Pour 5 nuits. Moi, à Cannes. Ouais. À Cannes, tu vois. Tous les jeunes de 18 à 25 ans du 37 qui ont envie de partir en vacances, vous avez cette aide-là. Et peut-être même si vous n'êtes pas du 37, renseignez-vous au niveau de. Ouais, c'est quoi, c'est régional, non? Alors, je sais pas si c'est régional, mais en tout cas, moi, c'est marqué. J'ai vu ça en fait un jour quand je traînais sur Facebook. C'est sans doute une aide du 37, mais il y a peut-être dans d'autres départements. Je pense que ça fait la région centre, genre 45 et 37 principalement. C'est où qu'il faut aller pour ça? Alors, vous écrivez sur internet, que ce soit Google ou n'importe quel moteur de recherche, YEPS, YEPS. YEPS. Ou vous pouvez même m'attacher, c'est pas très grave. Il y a un truc qui me ferait peur, c'est EPS, tu vois. en fait, vous partez pas en vacances, vous faites du sport, les gars. Ouais, c'est ça. Donc vous tapez YEPS, plus loin vous mettez départ vacances, et vous allez voir dans les résultats, il y aura l'aide pour les 18-25 ans, départ en vacances. Donc pour ça, il faut quand même monter un dossier, il faut une carte d'identité, il faut l'avis d'imposition des revenus 2018 sur l'année 2019. Bien sûr, ouais, pour pas ça, voilà, pour que tu dépasses le seuil. Ouais. C'est exactement. Ça. Et si vous nous en avez pas parce que vous êtes encore chez vos parents, il faut celle de vos parents parce qu'il y a aussi des barèmes pour ceux qui sont encore chez leurs parents. Ah ouais, mais ça veut dire que si tes parents gagnent plus parce que voilà, arriver à un milieu de carrière, en fin de carrière, tu n'y auras pas le droit. Effectivement, tu n'en auras pas droit. Mieux. Imagine, t'as travaillé toute l'année 2018 et tout, t'as été super riche, mais là t'es au chômage et tout. Bah, vu que ça prend 2018, tu l'as donc. C'est pour les revenus 2019. Ah, Non, c'était revenu 2018 pour l'année 2019. Pour l'année 2019. Voilà. Ouais, oui. Voilà, c'est l'avis d'impôt 2019 en gros. Ouais, il y a toujours une année de décalage. Même, aussi. Même avec le. Maintenant, avec le revenu à la source, ça marche pareil. Ouais, parce qu'ils demandent en gros ce 2019. Quand ça sera 2020, ça sera différent. D'accord, je pense. Ok. Puis maintenant, ça se fait quasiment automatiquement. Bah, ça se fait automatiquement, voilà. Et puis c'est surtout prélevé sur l'année qui. Ouais, c'est ça. Ce qui est plus logique, hein, parce que effectivement, si t'es au chômage, que tu gagnes rien, que tu peux pas partir en vacances, de prélever. Enfin, de voir l'avis d'imposition de l'année dernière, c'est pas forcément une bonne idée. Et ça, c'est du vite à conso tout ça. Ouais. Mais ça, c'est trop bien. C'est vrai qu'on est revenu sur quelque chose de vachement sérieux. C'est ça. Je te jure, on était on sur le truc sexe avec Jean-Marc. Même si Jean-Marc était quelqu'un de professionnel et que voilà, il a bien répondu à nos questions. Voilà, surtout ne pas reproduire à la maison. Sauf la DADV. Bon, j'ai assisté, donc vous pouvez dire que j'ai assisté. On va appeler Chloé quand même parce qu'elle est pas revenue de la pause. On se demande ce qu'elle est partie faire. Ils sont entre pêche. Elle est avec ma copine là. Oh, oui, ils sont entre pêche. Voilà, ça y est. Pour finir l'émission, on va faire revenir toutes les filles dans les studios. Donc toutes les filles, hein, on précise bien. Même Mathilde du coup. Et puis on revient après cette petite musique d'ascenseur. Vous êtes bien sûr Indestar. Nous sommes en attente du retour des filles. Ah. Nous atteignons le troisième étage. Et il nous manque Mathilde. Mathilde est indisponible. Mathilde. Ah mince. Aha. Mais on sait pas ce qu'ils ont fait. Encore un petit peu de temps. Attends. Comme t'as dit, elle a bien essuyé ses lèvres. Parce que vous étiez pas là, mais en fait, nous, on a vu que l'eau est rentrée. En fait, elle s'est essuyée dans le coin de la bouche comme ça. Ah, genre, il y avait vraiment quelque chose. Mathilde fait pareil. Vous avez fait quelque chose, non? Non. On appelle ça du prout de mine. Ouais, du prout de mine. Ah bah, ça y est, c'est reparti en vrille. Bon. Tu voulais conclure l'émission donc. Avec un QTTR que j'ai fait avec. Un QTTR. Alors, Mathilde, tu peux t'approcher du micro? Je m'approche. Un QTTR, ce sont des questions très très rapides en fait que j'ai posées à une personne. Faut qu'elle réponde le plus naturellement possible, c'est-à-dire sans réfléchir. Je demande aux gens d'être cons en gros là-dessus. Oui. Tu dis la première chose qui te vient par la tête, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Et ça rend les choses assez drôles. D'ailleurs, des fois les gens réfléchissent, mais quand ils réfléchissent, ça devient drôle. Et notamment cette jeune femme dont je ne donnerai pas le nom, avec qui j'ai fait le QTTR. Il se trouve que dans les questions, je lui ai posé si elle avait un animal ou un dessin animé préféré qu'elle trouvait sexe, etc. Et elle a répondu quelque chose. Dora. Non. Il y en a pour une petite minute et demie, vous verrez, il y a plein de réponses. Et tu vas pas nous poser des questions? Je pensais qu'on allait jouer, moi. Non. C'est quelque chose qu'on écoute et on va réagir en même temps. Voilà. D'accord. Donc quand vous êtes prêts, vous me dites. Bah, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Tu peux mettre le casque, Mathilde. Ah. Oui, je suis prêt. Ah, ça y est, maintenant je suis prêt. Allez, c'est parti. Allô ? Bonjour madame, monsieur des QTTR. Pour les QTTR, les questions très très rapides. En fait, je pose des questions à des gens le plus vite possible. Ils doivent répondre hyper rapidement. Et je voulais savoir si vous vouliez participer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Si vous étiez un homme, comment voudriez-vous vous appeler ? Baptiste. Contre quelle somme d'argent échangeriez-vous vos parents ? Jamais j'échangerai mes parents, c'est mort. Sexualité maintenant. À votre avis, quelle est la position préférée de la Belle et la Bête ? La levrette. À quel personnage de dessin animé aimeriez-vous pincer les tétons avec des pinces crocodiles car il est trop sexe ? Bugs Bunny. Ok. La plupart des gens que vous aimez bien et qui sentent mauvais de la bouche regardent la série... Twilight. C'est pas une série. C'est pas grave. Imiter dans un dessin animé une mouche qui vole, puis qui se prend une baie vitrée, puis qui vole moins bien. Merci. Pas mal. Si vous étiez un slip, par quel personnage de manga hentai voudriez-vous être porté ? Zoro de One Piece. Finissez ce proverbe japonais par un autre proverbe qui n'a rien à voir. Omae wa mo. La cerise sur le gâteau. Ok, avant dernière question. Si tous les Avengers venaient manger chez vous ce soir, vous leur cuisineriez quoi par amour ? Une blanquette d'agneau. Et pour finir, imitez le cri de quelqu'un qui apprend en même temps qu'elle vient de gagner au loto et qu'il n'y aura jamais de suite à ses séries à l'eau de rose préférées. Sa voix me voilà. Dit quelque chose. Ah, moi aussi, la voix me dit sa énormément voix, quelque dit chose. Énormément. Est-ce quelque que c'était quelqu'un totalement au hasard Oui, sans déconner. Non. Moi, je dis un prénom. Si tu me dis que c'est. Il faut que tu répondes honnêtement. Ouais. Après, c'était quelqu'un au hasard dans mon répertoire. Ah, oui, on est d'accord. Par contre, est-ce que je peux te donner un prénom ? Dans quelle période tu l'as fait ? Je sais plus en vrai. Ça fait un petit bout de temps là. Oui, quand même. Ok, Marion. Avant le confinement. Marion. Oui. Mais c'est Marion, bah, c'est sûr. 100%. Et moi, j'ai 100%. Reconnu la sonnerie du téléphone avant, qui n'est pas une vraie sonnerie, mais qui est un bruitage que t'as rajouté. Ah bon ? Et que j'ai dans ma banque de données. Tu es sûr ? Oui, parce qu'il est pas. Tu as volé un son. Attends, écoute, attends. Remets. On entend un. Il y a un derrière. Vas-y, remets. Ah oui, t'as raison. Ça, c'est parce que c'est moi qui parlais à côté. Non, je suis sûr qu'il est dans le son, ce truc-là, parce que... Mais il n'y a pas de montage, je vois pas de quoi tu parles. Mais non, mais enfin... C'est totalement improvisé. Non, bien sûr qu'il y a du montage quand même, parce que bah quand j'appelle les gens, des fois, ça met 30 ans à répondre, donc je coupe, ou quand la sonnerie a pas sonné, que ça répond direct, je mets une sonnerie. Mais cette sonnerie n'est pas une sonnerie hyper clean, et du coup, je reconnais l'espèce de son qu'il y a dessous, tu vois, non, j'ai déjà employé. Mais par contre, franchement, c'est stylé, le petit thème comme ça, tu pourrais le lancer. Un petit jeu comme ça à faire à tout le monde, un truc. Alors, je l'ai pas lancé, hein, je l'ai carrément piqué sur une autre radio, je le dis clairement. Ah oui, mais les questions, voilà, j'ai été en chercher moi aussi parce que c'est. Non, j'ai écouté stylé, puis j'ai fait, c'est mais. De ouf. C'est pas mal en vrai. Ah, mais carrément. Il y a quand même une question que je me pose, c'est depuis quand Bugs Bunny a des tétons ? Mais. Ouais. Que tu veux passer avec une chance je pense qu'elle a répondu avec le stress, hein, vraiment. Bugs Bunny ! C'est comme Zoro, c'est pas un personnage de manga, mais c'est pas un personnage de manga hentai, tu vois. Ouais, mais ça, tu peux. Sur sa tête. Ça, tu peux l'intégrer. Tu peux l'intégrer un personnage de manga hentai, tu connais beaucoup ? Non. Bah voilà. Si, tu connais Marc. Et connais. Puis, je suis désolée, Bart sur One Piece, il y a énormément de dérivés sur le sexe. Bah, oui. Ah oui, bien sûr. Nani, Robin, Zoro. Il n'y a pas que One Piece, hein, on peut en parler. Hein. Oui, tous les mangas. Naruto, princesse Shiro, qu'on en parle. Les japonais, ils ont un petit esprit pervers. Princesse des sirènes. Un petit, un grand. comprends. Voilà. Là, il y a Théo qui nous regarde, il est totalement paumé sur ce qu'on parle. Bah alors, sur les mangas, non, mais je ne sur regarde, hentai, oui. Je ne regarde pas. Et les hentai non plus. Mais par contre, oui, je sais que ça dérive vachement, mais c'est normal en vrai. Parce que c'est une façon. Déjà, les Japonais, ils ont des trucs c'est bizarres. Ce ouais. Mais, et ils sont frustrés. Mais hein. Ils en profitent, tu vois, dans ça pour faire passer voilà, toute leur. D'ailleurs, on a vu une série avec toi, Isma. Une série sur les créateurs du porno. Ouais. Et des pornos japonais. C'est japonais. C'est vraiment. C'est... Les pornos, c'est japonais. Non. Pas du porno, parce que ça existait déjà aux États-Unis depuis longtemps. Mais je veux dire. Sur le porno japonais, en fait. Ah oui. Le porno où avant, en fait. C'est-à-dire que le porno américain, quand ça a commencé, on voyait pas les parties féminins et masculins. C'était ça qu'on voyait pas. C'était érotique. Il y avait, vous savez, les espèces de scotch, etc., là, qu'on mettait pour les vagins, les caches. Il y avait vraiment. Les gros pixels. Il y avait vraiment. Non, mais ça n'existait pas, le floutage pixel à l'époque, Teddy. Et y avait pas, non, mais en fait, il n'y avait pas de relation vraiment sexuelle. C'est-à-dire qu'il y avait du scotch vraiment qui empêchait la relation. Ah ouais. Sauf que là, en fait. C'était de l'érotisme. Ouais, c'est ça. Voilà. Porno. C'était voilà. Ouais. Sauf qu'en fait, ça a été cité comme porno. Sauf que ouais. Au Japon, c'est eux qui ont vraiment lancé le truc du porno, mais du alors, vrai porno. Il y a un truc une question qui me taraude. Pourquoi aujourd'hui, au Japon, justement, c'est eux qui sont pixelisés? Parce que je pense que. Parce que c'est une loi qui est passée et ouais, en fait, voilà, faut voir la série, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, mais en gros, ça a été très compliqué déjà de passer de l'étape des caches tétons, etc., mm-hmm. à totalement dénudé. C'était interdit en fait. Les gens qui ont fait ça et qui ont lancé cette production, ils l'ont fait, mais de ils ont été illégale. Plusieurs fois en prison, ouais, ils ont ouais. pris des amendes, etc. Parce que c'est beaucoup trop hardcore pour les Japonais en fait. Est-ce ils sont très prudents. Ouais, mais c'est un truc qui est chelou au Japon parce qu'ils ont des pratiques sexuelles qui sont, à mon avis, les plus bizarres oui, dans le monde. Oui, on est d'accord. Et en même temps, c'est eux les plus prudes parce qu'ils floutent les séquences. Mais moi, je trouve que c'est lié parce après, que ça vient de leur frustration en fait, tout ça. Ils ont pas le droit d'afficher voilà, plein de choses sexuelles, ils ont pas le droit même de s'embrasser en public. Ouais. Oh, tu fais ça, tu te fais allumer. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'ils ont pas le droit. Et du coup, bah, dans ton jardin secret. Ça alors, bouillonne. Ouais, un petit alors, peu, t'as pas le droit d'embrasser quelqu'un en public, mais par contre t'as le droit de la tripoter dans le métro, quoi. Ça, non. C'est alors, par contre, non, tu peux pas la tripoter justement aussi. J'ai tu vu peux pas une toucher. Vidéo d'un c'est, héros. C'est pas que tu peux pas, c'est qu'ils le font sans le faire. Enfin, One sans punch. Consentement. J'ai vu une vidéo d'un héros local. Le mec, on le connaît pas. Vraiment, c'est un mec dans le métro. Et en fait, il y avait un gars qui était en France ou au Japon, Japon. Et en fait, il y a un mec qui était sur son téléphone, sauf qu'il était vraiment bien penché. Et en fait, il y avait une fille qui se tenait debout à la barre. En gros. Elle était en jupe et le mec en fait il en profitait avec son téléphone pour essayer d'avoir les parties intimes. Ouais. Et incroyable, y a un mec en short. Il a remplacé la dame. Il s'est tourné et il a regardé le mec et fait prends la photo. Prends la photo. Attends, la femme était là. La femme était debout retournée. Ouais. C'est-à-dire voilà. qu'elle était de dos, donc elle voyait pas la personne qui d'accord. était là. D'accord. Et quel moment attends, et en fait, le mec était assis à côté du photographe. Okay. Et il l'a vu, il était choqué. Donc il s'est levé. Ouais. Il s'est retourné face au photographe. D'accord. Et là, il lui a dit prends la photo. Et il a demandé à la meuf d'aller s'asseoir à sa exactement. Place. Bien joué. Ah. Et là, le gars qui devait prendre la photo, il a fait ça. Bah, il a retiré son non, téléphone. Non, il a fait oui, d'accord, ok. Il a retiré son téléphone direct. C'était pas mon premier plan, mais enfin pourquoi et pas. Il a oublié l'idée de prendre la photo. Exactement. C'est quand même très répandu ça. C'est malsain, mais c'est hyper c'est illégal, hein. J'ai pas dit que c'était légal. Ah non, c'est hyper. C'est ce qu'on appelle du voyeurisme déjà. Exactement. Alors, avec le téléphone, c'est du voyeurisme, mais ils se frottent aussi. Ils essayent de. Oui, il y a beaucoup de Japonais. T'as quelque chose dans les cheveux. Mais j'ai l'impression que les Japonais aiment beaucoup ça en fait, le côté interdit de la chose. Et enfin. Ça vient d'une frustration en fait. En fait, on est beaucoup plus libre. Nous en tant qu'Européens ou Américains, ouais voilà, nous on peut parler de sexe, on peut dire bit par exemple. Mais clairement, ils n'ont pas le droit. Eux ils font ça. Ouais, ça et va... vous savez comment on dit bit en japonais? Non, je l'ai pas demandé. Je connais pas. Shin shin. Shin shin. Dafelou. Shin shin. Tu vas plus trinquer maintenant. Ma question, Chloé, c'est tu l'écris comment? S H I N ou C H I N? Parce que si c'est S H c'est Shin shin et si c'est C H c'est Shin shin. Je sais que quand j'ai un petit livre pour trinquer quoi. Oui, Shin-Shin. Mais justement, sur mon petit livre du Japon, quand je suis partie au Japon, justement, il disait ne dites surtout pas Shin-Shin parce que ça veut dire pénis en japonais. Shin-Shin. Ah ouais. Du coup, faites Shin-Shin, attention gars, à ce que Shin-Shin. Vous dites. Okay. Et il préconisait de dire Kanpai. Kanpai. En fait, tu dis Kanpai comme une paille, mais t'enlèves le une, tu fais Kanpai et ça fait. Campagne. Campagne. Campagne. Par contre, ça fait très, ouais, très politique du coup. Et voilà. Et il faut savoir, enfin, ils sont frustrés, mais il faut savoir que la moyenne sexuelle au Japon, c'est 25 ans. Hein. Fontaine. Ah ouais, c'est ils sont très attardés. Tu as une petite alors attardés peut-être. Alors putain, les Japonais et les Japonaises, vous êtes des attardés. Parce que vous le faites à 25 ans et plus. Non mais est-ce le terme bien alors faut savoir que depuis tout à l'heure Teddy quand je vous Teddy tu pourrais écouter ça en podcast. Je t'ai dit un moment elle a tapé non c'est pas un papillon elle a tapé elle a tapé son meilleur twerk sur c'est une espèce casque, de puce ou un puceron je sais pas il peut un rester cafard. Si c'est pas un papillon ça me va il peut s'installer c'est vrai j'avais oublié ça il peut s'installer fait sa maison pourquoi t'aimes pas les papillons. Ok bon on était assez sur l'épisode des attardés bon ce sont des attardés. Chloé tu es sûr tu veux pas changer ce que t'as dit. Elle a dit non. De tête elle a fait non. Et elle a bugué. Mais mon dieu. La maturité. Alors c'est la maturité sexuelle en fait que t'as 25 ans. D'accord. Donc beaucoup plus tard un petit peu retardé par rapport à nous. Voilà. Pas attardé, retardé. Ouais mais t'as aussi autre chose qui vient avec ça. Ils ont une période juvénile vachement longue. Comment ça? Juvénile. Alors bah, développe forcément. Là on parle le vieux français. Juvénile. C'est quoi c'est... Non, juvénile c'est jeune. Ça veut dire une période jeune. En fait ils ont l'air jeunes plus longtemps que nous. Ah eux à 40 ans ouais si. Ah si bah j'en avais un dans ma classe. À 40 ans je me fais encore une enfin, japonaise. Ah c'est ce que tu voulais dire. Non non ça n'a rien à voir. C'est que j'avais deux amis japonais qui étaient avec moi en CAP boulanger. Oui. Ils avaient 32 et 26 en fait. On leur donnait 18. Oui, mais ouais, ça, c'est pas un rapport à nos propres codes européens, etc. Exactement, oui, c'est, oui, ça c'est veut pas dire que. Au code génétique, c'est, leur, c'est parce que chez eux, t'inquiète, ils sont jeunes. Oui, non, mais d'accord, mais ça veut pas dire qu'ils. Ça veut pas dire que. En termes de. Je sais pas, de. De sexualité. De sexualité, mais même des. Enfin, d'éducation, de maturité. Ça veut pas dire qu'à 20 ans, ils sont pas aussi matures que nous. En fait, ils ont pas le temps de penser. Enfin, ils ont pas le temps de penser au sexe jusqu'à 25 ans parce qu'ils travaillent. Voilà, c'est études. Ah, mais niveau travail, c'est différent de nous. Et justement, pour combler ce plaisir sexuel qu'on aime tous et que nous on pratique à l'âge de 16 ans, voire 12 pour certains, et bah forcément ils ont créé tout un univers pornographique en dessin animé, en dessin animé ou et en manga et en et justement, film aussi. Justement, oui. Ils ont t'as déjà vu les films porno japonais, c'est à mourir de rire. Mais tu, y a pas d'histoire, c'est what the fuck sur what ah the si, fuck. Moi j'en ai vu un avec un histoire, c'était un mec qui un chopait histoire. Les gonzesses au lasso. Wow. Wonder, qui représente tout à fait la vie réelle. Hein. Les gars, on est sur un scénario de baiser. Tu connais Wonder Woman? C'est pareil, mais en mec. C'est Wonder c'est Man. Il l'attrape, il peut la pécho. C'est le Spielberg du japonais. Quoi. Je l'ai pris dans mon film. Voilà. On dit bien que les Wish, ça devient du Japon ou du Chine, mais hein, on est sur du produit de basse qualité. Hein, vraiment. Ah mais c'était à mourir de rire le film. Hein. Ils ont un délire avec les tentacules. Et justement dans la série où on parlait du porno japonais, ils ont commencé pas par les films, ils ont commencé par des journaux. Ils ont commencé par des trucs, vraiment des photos. Juste des photos de modèles en voilà, fait. Voilà, des photos de modèles, mais nues. Du Playboy quoi. Avant, ah bah oui, comme Playboy. Voilà, oui, exactement. Oui. Et même Playboy, tu vois, au Japon, c'était interdit. Justement, ils vendaient ça dans des petites boutiques qui, en gros, n'étaient jamais. Et en gros, ils changeaient la couverture. Et c'était une couverture spéciale. Et les habitués connaissaient. Ah ouais, t'as c'était vraiment que du bouche à oreille. D'accord, t'avais un bouquin de bagnole et à l'intérieur, t'avais des filles nues. Et en fait, ça fait du bouche à oreille. Et du coup, ça s'est développé, mais en très peu de temps. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de. Mais c'est à la fin que. Je vais pas spoiler, j'arrête là. Je me tais. Je spoil pas la fin de l'histoire parce que. je me tais parce que sinon, ouais, c'est. Juste... Non, mais c'est intéressant cette histoire de. Du porno. Du porno japonais. Par contre, on reparle de sexe, je note, alors qu'on était parti sur la bouffe. Non. Oui, non, mais finalement, tout se mêle. Tout se mêle, exactement. C'est toujours lié, ça. Eh ben moi je dis tout se mêle et l'heure aussi à l'avance et Ah je croyais que t'allais pas un rapport, ouais. Je croyais que t'as donné le indestar@life.fr mais non Bah si indestar enfin www.indestar.fr Oui. Je sais pas quoi dire. Ça c'est l'adresse du site internet effectivement. Voilà donc www.indestar.fr pour écouter en direct toute cette nuit parce qu'il va y avoir plein de musique, oui. plein des covers, des originales. Des bootlegs. Voilà. Match-up pour ceux qui. Voilà, des qui remix. Sont remix, ouais. Voilà. Et puis hop, encore une originale. Oh mince alors moi oui, j'ai. Plein de découvertes de toute façon, comme tout au long de l'année. Et j'espère que vous profitez bien de votre été. Hein. Peut-être que vous êtes sur la plage, là, à faire un bain de minuit. Indestar vous souhaite un bel été. Oh. Qu'est-ce que je suis bien dans mon transat. Ah oui, elle est bien sur son transat. Ah, la coquine. Je vais lui péter les genoux, c'est moi qui vais prendre son transat. Ah, je suis bien nu sur mon transat, c'est ce que tu voulais dire. C'est marrant parce que Chloé, quand t'as repris, j'ai eu l'impression que c'était toujours la même personne. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Non, vas-y, je fais « Ah, qu'est-ce que je suis bien sur mon transat. » Ah, qu'est-ce que je suis bien sur mon transat. Tu vois, ouais, sans la l'approche prod, on pourrait croire que c'est la même voix. On va peut-être t'embaucher sur notre radio. Vas-y, Patrick, essaye pour eux. Ah, qu'est-ce que je suis bien sur mon transat. J'aime pas mal non plus. C'est là, plus érotique. C'est pas mal. Là, tu vois, c'est plus doux. C'est... Là, ça fait une mi-molle. Là, ça... On ne veut pas que Teddy se lève maintenant. On ne veut pas que Teddy se lève maintenant. Promis, on vous prend pas sans faute. Ne te lève pas tout de suite. Ginette. Reste dans la piscine. Hein. Reste dans la piscine. Ginette. Pense à Ginette. La fameuse. La fameuse. L'unique. En attendant, on va arriver au terme de l'émission. Sur toutes les émissions qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a toujours fait une petite chanson pour partir ensemble. Ah oui. Oh merde. Oh, Alors, on va pas refaire celle-là parce que c'est celle-là. Saucisse, merguez, taboulé. Voilà, on l'a déjà fait pas mal. Ah oui, l'autre fois, tu as fait Bienvenue à Gala Swinga. Ouais, c'est ça là. C'est ça que tu avais fait. Bienvenue à Gala Swinga. Et ça, c'est Mathilde qui est un petit peu HS ce soir, qui a participé un petit peu à l'émission quand même. qui nous a forcé à chanter ça. Ouais, bah elle a raison. Bah, et moi, j'ai le droit, j'étais la seule meuf. Chloé, ce soir, c'est toi qui vas choisir parmi les autres chansons. Alors, ah, il y a quoi comme autre chanson? Il y a ça. Chihuahua. Chihuahua. Qui est sympa. Ouais, DJ Bobo. Il y a du Charlie et Lulu. Et l'eau s'amouille. Ouais. Tous les oiseaux dans la... On a aussi vole dans le ciel. On a aussi Boris avec le camping. Cet été, ah mais c'est plus dur à chanter ça. Au camping de la plage. Boris, il aime bien la mer. Et en plus, l'été sur la plage. J'avoue, celle-ci elle est sympa, mais je crois qu'il y a que Théo qui connaît. Non mais on va prendre les paroles sur nos téléphones. C'est même pas du chant. Ouais, c'est plus dur à chanter. Ouais. Alors, c'est non la première. Attends, il y en a encore. Alors Jean-François, Maurice. Jean-François, Maurice. On va la passer. Mais il y a aussi les Juju Fit Cats avec Bim Bam Boom. Ouais. Et ça fait bim bam boom, ça fait bim bam boom. Mais celle-là, elle est en boucle là, le problème. C'est, ça risque de très vite tourner en rond. Après, dure qu'une trentaine de secondes. Ouais. Et encore, j'ai mis en boucle. Il y a aussi ça. Ah, ça, c'est un artiste très très émergent. Enfin, t'es... très, très local. Très très local. Ça s'appelle Tu vas faire le tube de l'été. Bah non, oui. Pas du tout. Mais on connaît pas les paroles, c'est ça le problème. Ouais. Et puis, oh là là, quel lolo. Ah oui. Oh là là, quel lolo. J'ai honte de connaître ça. Oh là là, quel lolo. Laquelle alors? T'en as d'autres hein, dans la playlist, tu veux dire. Je sais pas. Bim Bam Boom ou... Chihuahua. Chihuahua. Ouais. Ah, Bim Bam Boom. Ah non, Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua, ça fait plus gentleman. Ça fait vraiment... Plus gentleman. Toi, Chihuahua, c'est gentleman. Le beat de sexe, c'est bon. Tous les jours, toute la soirée. Alors. Ok. On va aller chercher les paroles sur nos téléphones parce que moi je les connais pas du tout. Bah, j'ai plus ça de doit pas être ça doit pas être très compliqué non je plus. Je vais suivre les paroles. Avec c'est DJ Bobo hein. Ouais, DJ Bobo. Parce qu'il a eu ma... pardon. DJ Bobo. En attendant, je crois qu'on a le prochain thème de l'émission, la beaufrie, non? Ouais. Ah ouais. On avait déjà fait le truc de beauf. Alors l'intégralité des paroles, ok. I'm walking on the streets and the moonshine blind. Et puis après c'est oh Chihuahua. One can make you move. Chihuahua, can you feel the groove? Chihuahua, can make you dance? Chihuahua, oh Chihuahua. J'ai pas un truc anglais, okay. Je sais pas parler anglais. Ouais, c'est pas grave, de toute façon je t'ai dit que je te ferai des cours d'anglais. Chihuahua, take it and you win. Nice. Alors, ok. Ça se colle. Et bah quand tu veux. Tout petit peu de réverb. Un tout petit peu de réverb, tu t'en veux à chaque fois, hein, Yann. Ouais, on va mettre un petit peu d'effet, mais moi je vais pas en avoir. Où, moi oh, Chihuahua. Moi, baisse-moi le son. Baisse-moi le son. Baisse-moi le son. Oh, oui. Histoire baisse-moi que je ne chante son. Pas. De coquin, là. Ah oui. De toute façon, okay. On est parti dans 3, 2, 2 1. 1. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Oh. Chihuahua. street and the moon shines bright. A little melody keeps me in my night. I got ya. It's a song about Chihuahua. Yes, that's cool, alright. It was last time. In the life without sorrow, yes, yes. When you sing about tomorrow, say yo. We're about to fake, no, just go, just go, it down low. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua, what can make you move? Chihuahua, can you feel the groove? Chihuahua, what can make you dance? Oh, Chihuahua, oh, Chihuahua. What can make you sing? Chihuahua, take it and you win. Chihuahua, what can make you dream? Chihuahua, oh, Chihuahua. Driving in my car, looking for a parking space. There is my place, someone else wins the race. I give up, today's not my day. I'm gonna take a deep breath and say, calm down, when you're about to go crazy to the ground. And feel as fresh as Daisy, just run. Because it's time to go, have fun, and the whole world knows. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua can make... Ah non. Quel son, quel effet. Oh oui. What can make you move? Chihuahua, can you feel the groove? Chihuahua, what can make you dance? Chihuahua, oh, Chihuahua. What can make you sing? Chihuahua, take it and you win. Chihuahua, what can bring you joy? Chihuahua, oh, Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. What can make you... Chihuahua. Chihuahua. Ils ont écrit x4 mais c'est x12 hein. Chihuahua. Oh, Chihuahua. J'avais quoi cette... What can make you move? Chihuahua, can you feel the groove? Chihuahua, what can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. What can make you shout? Chihuahua, take it from the world. Chihuahua, what can make you love? Chihuahua, oh, Chihuahua. Heureusement que c'était pas avec un bulldog. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ou pas. Ciao, bye bye. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous. On écoute ciao, quoi ciao. On écoute quoi? Ouais. On écoute quoi? Eh ben on écoute quoi? On écoute Gifla, l'artiste coréenne que je kiffe. Franchement, si vous pouvez être ma petite copine, je serais totalement pour. Elle chante trop bien. Et elle a repris une chanson qui s'appelle I Don't Care. And I Don't Care. Je pensais I Don't Care. Non, I Love It. Non, c'est pas ça. Non, parce que c'est I Love It, justement, le titre de la chanson. Okay, okay. Parce que là, I Don't Care, c'est, je crois que c'est une chanson de quoi? D'Ed Sheeran? Ouais, donc je sais plus. En tout cas, c'est à écouter. Il y a découvert sur Indestar. Oui. Comme vous et moi, vous ne connaissez pas. Et puis, si vous connaissez, bah, enjoy, have fun et restez sur www.indestar.fr. L'autre, il est bien, quoi. Ah, j'ai fait des formations, c'est pas pour rien. Allez, ciao, bye bye. Et à bientôt pour un retour. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.